J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonjour oui. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Il s'agit du 14e, ouais, 14e épisode, je crois. 14, déjà. Ça va à une vitesse qui est assez folle. Folle. Après une longue. Tu veux dire que là, oui, comme le temps qui comme passe. Comme les voitures. Ouais, c'est ça. Après une très longue absence, c'est vrai qu'on n'était pas là depuis longtemps. Un nouvel épisode avec, comme à l'accoutumée, 4 invités. Et je vais commencer galanterie oblige par Pénélope Bagieux. Ouais. Merci. Pénélope, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Alors déjà, tu as déjà dit que je m'appelais Pénélope. C'est vrai. Donc c'est une information importante. Et je fais des bandes dessinées. Très bien. Voilà. Quelques titres qu'on a pu lire ou récemment. Oui, alors récemment, j'ai fait deux BD qui s'appellent Les Culottés, qui parlent de femmes super bien. Et avant ça, j'en ai fait plein d'autres. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis très contente d'être là. Hein, voilà. Ouais, merci c'est une information importante. Non, bah merci beaucoup. Nous sommes également avec PV Nova. Oui. Je jette en arrière quand à chaque fois. J'adore, ouais. Je me jette en arrière, j'ai l'impression d'être D-Fool. PV, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle PV Nova, je fais de la musique. Et c'est ça, et ceci sous différentes formes, telles que la scène, notamment avec les franglaises, les podcasts vidéo, les clips, les albums. Voilà, je fais plein de choses. Et puis je suis également comédien. Retrouvez ma bande démo, évidemment, sur Internet. Ami réalisateur, si vous nous écoutez. Et on s'est connus notamment via le YouTube. Oui, exactement. Ah, il y a de ça maintenant. Une grande famille, hein, on peut le dire, hein, je pense. Qu'on peut... Le web, on peut aussi on peut s'abstindre si, jamais, si jamais on a envie de faire un verbe du troisième groupe. Très bien, j'ai peu dormi, il y aura peu de consonnes dans tous mes mots pendant cette plaisir. Émission. Vous l'avez entendu à sa voix, vous l'avez sûrement reconnu. Nous sommes également en présence de Dedo. Bonjour, bonjour, bonsoir. Dedo, peux-tu dire ton vrai nom pour te présenter? Je m'appelle Dedo. Comment okay, allez-vous? J'ai voulu te piéger, t'es trop fort. Ah non, je suis balèze à ça. Ouais, bravo. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, je suis comédien, je fais aussi du stand-up, je suis auteur. Voilà, je me démerde en pâtisserie, mais c'est pas vraiment un truc notable. T'as tort de pas en parler. Bon, ok, alors d'accord. Les cakes, c'est mon truc. Et tu as sorti récemment avec ton comparse Yacine Bellouz, quelque chose qu'on peut voir sur le internet. C'est un lancement que je t'offre. Ah oh, bah c'est. Ouais, écoute, je le saisis au vol. On a fait pour les 10 ans d'un programme qu'on avait créé à l'époque, donc une nouvelle saison de l'histoire racontée par des chaussettes, qui est une série de petites vidéos où dans le cadre d'un petit théâtre de marionnettes, on revisite des grands faits historiques ou des inventions qui ont été marquantes pour les gens, sous un atour très absurde et bête, qui part tout le temps d'une véracité dans les propos, et puis qui très vite va aller vers quelque chose de plus abscon. Est-ce qu'on peut dire que vous partez potentiellement dans des gros délires? Oui, on peut le dire, ce sont des gros délires. C'est un truc de foufou. Ouais, voilà, d'accord. Mais on aura l'occasion d'en reparler, il y a des internautes qui ont posé des questions vis-à-vis de ça. Et super. Nous sommes, pour terminer, avec le seul, l'unique, le sniper, Adrien Méniel. Bravo. Bonsoir. Adrien, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Moi je fais pas mal de... Je mets des pierres en équilibre au bord des rivières. Ah voilà, mais ça m'intéresse. Depuis là, depuis hier. Ah ouais, donc, pour l'instant, ils ne tiennent pas. C'est vraiment, vraiment chiant. Je fais pas mal de caricatures à la craie sur les trottoirs aussi. Avec des effets trompe-l'œil Non, ça ne m'étonne pas encore parce que c'est aussi... Je me suis mis à tout hier. Donc c'est oui, d'accord, c'est un départ. Et sinon, je suis comédien et auteur. Et Banksy, d'ailleurs, on peut le dire, tu es Banksy. Je suis Banksy. Ah, ouais, putain, vache, sérieux? C'est toi Banksy et copie comique. Ah, t'es les deux. Ah ouais, voilà. Incroyable, la liaison c'est des moi. Deux. Ouais, bah non, mais c'est vrai que c'est l'occasion de le dire. Donc n'hésite pas à partager ce podcast parce qu'on a quand même des grosses infos. Adrien Méniel et Banksy et copie comique. Ouais. Mais sur une alternance, genre Banksy, c'est ça, je peux pas tout en même temps. Je pense que tu peux t'appeler Banksy Comic maintenant, une fois pour toutes. Je préfère garder les deux identités. Parce que c'est vraiment en fonction de l'humeur, quand j'ai envie d'un peu de piquer un peu, tu vois, les travers de la société, là, de dire non, mais attendez, avec vos téléphones, là. Hein, et bah, Banksy, tu vois, je fais un dessin. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que le singe qui cache ses yeux, celui qui cache ses oreilles et celui qui cache la bouche, ce serait pas un peu les humains aujourd'hui? Ouais, j'ai quand même l'impression. Tu parles des émojis là. Je parle des émojis, ouais. Une référence aux émojis. Exactement. Écoutez, merci beaucoup d'être venu. Flaubert, c'était un plaisir. Flaubert, attention, s'il vous plaît. C'est la fin de cette émission, merci à tous. C'était vraiment c'est cool. C'est trop bien. J'ai pu dire tous les mots que j'ai voulu dire, je les ai dit, je suis content. Non, on va commencer comme à l'accoutumée. Par un petit tour de l'actualité culturelle, enfin de ce que vous avez apprécié récemment. Ici, on ne parle pas des choses qu'on a détestées ou pas aimées, on parle que des choses qu'on a aimées. C'est pas le club. C'est pas. Oh, putain, tu critiques des gens très beaux dans ce podcast. Mais rappelons que nous chions sur Pierre et Guillaume. Dedo. Pour rire. Pas tant. Dedo, qu'est-ce que tu as apprécié récemment dans le domaine culturel que tu as envie de partager avec nous tous? Alors, dans le domaine culturel et dans sa grande largeur, on va dire, j'ai maté sur Netflix un docu qui est sorti il y a très peu de temps, concentré sur l'affaire du Pizza Bomber. Je sais pas si vous c'est avez entendu. C'est Evil Genius, c'est ça? Exactement. Wow. J'ai pas regardé encore. Alors, qui s'appelle Les Génies du Mal. Quel est le Pizza Bomber? Alors, c'est une affaire assez folle qui date. Un jeu vidéo moyen. Ouais, qui est pas un foufou. Ouais, ouais. Une vidéo pas dingue. Qui est pas dingo, ouais. Ou alors vraiment, tu te dis, j'irai pas acheter une 4 fromages. Non, mais d'occasion, quoi, d'occasion. Ouais, vite fait. Ouais. Un 10 balles Micromania, quoi, maximum. Et ben, c'est une affaire dont j'avais. Et d'ailleurs, ça m'a étonné parce que c'est passé en 2001 et c'est pour moi un truc totalement off-radar et qui est une vraie histoire. En dehors du radar, hein, pour nos amis. Oui, ah, pardon, oui, oui, pour les noms polyglottes, c'est en dehors du radar. Voilà. Et qui est une histoire vraie et on dirait vraiment un film dans un autre film avec un troisième film, un quatrième film, tellement il se passe des couches c'est de c'est n'importe quoi. C'est Inception. Et ben, c'est une sorte d'un. Non, c'est plus comme une. Tu vois, une anthologie de sketch et en fait, à la fin, tout se retrouve. Exactement. Voilà. Si vous aimez ça, c'est vraiment comme Bourvil et Fernandel, si vous avez les bonnes références cinématographiques. Ouais, ouais. C'est une série documentaire ou juste un docu? Non, c'est un docu, c'est quatre fois. Ça s'avale un peu plus vite donc du coup que. C'est une série documentaire. Ouais, c'est l'idée. Non, non, c'est un spécialiste. Et il est très précis sur tout ce qui est dénominatif. C'est ça qui est défini en général. Ouais, c'est 4 fois 50 minutes, donc c'est un peu plus digeste que Making a Murderer pour ceux qui connaissent. Ouais, qui était un peu loin. Enfin, moi, j'avais trouvé ça un peu. Ouais, c'est plus 10 fois 50, donc ça peut être un peu plus. Il tirait sur la corde. C'est bon, on a compris, il est innocent le mec. Oui, ça va. C'est un gogolito. Oui, on peut tout spoiler et puis ça ira très vite. Il a quand même buté un chat dès le début. Eh ben, on est encore dans l'univers des rednecks pour le coup, parce que ça se passe donc ça se passe toujours aux États-Unis. Spoil pas trop. Non, bah j'ai essayé justement de pas tout mélanger. Arrive. Mais l'histoire. Je vais y arriver au maximum. Mais pour poser les enjeux, donc un jour en fait, c'est un mec qui déboule dans une banque pour faire un braquage, d'accord. Il arrive avec une canne qui est comme une canne pour se déplacer, sauf que c'est une canne gun, c'est une canne shotgun. Oh. Moi je la connais avec un belge et le pape. Ouais, alors et il a l'accent. Le sceptre, le sceptre du pape. Et c'est un mec qui a à peu près 47 ans, donc il est assez détendu. Il arrive, il fait la queue vraiment avant de faire son braquage. Donc tu vois, parce que c'est filmé en fait à l'époque, les caméras de journalistes étaient là. Tu vois les vrais. Tu vois la caméra de surveillance de la banque et après tu vois les caméras journalistes à l'extérieur. Parce qu'il se passe. Une fois qu'il a fait le braquage quand même. Une fois qu'il a fait le braquage. Il y avait déjà des journalistes, c'est bizarre. Ouais, bah après ça sent le coup monté, mais en même temps il y a beaucoup de coups montés dans l'histoire, t'as l'impression. C'est un prank, c'est Grégory Yotin. Mais on dirait vraiment, je te jure que c'est tellement étrange. Et il arrive et en fait il donne une note à la banquière, enfin la nana au guichet. Où il y a à peu près 6 feuilles à lire. Déjà, c'est très étrange pour un braquage. Donc, où c'est en Rachel pages, dans Friends. C'est un peu l'idée. Et c'est vraiment des délires de. Alors, il faut me donner 250 000 dollars. Parce que sinon, j'ai une bombe sur moi qui va exploser. Donc, c'est très important que vous le fassiez. Et si vous pizza. Le faites pas, je fais tout. Alors, le mec. C'est pour ça, le mec est livreur de pizza à la base. Oh voilà, ça, quel âge est là, tu dis? Lui, le mec, il a à peu près. Je crois qu'il a 47 ans. Au 47 ans, livreur de pizza. Ouais, je voulais pas faire de. Ah bah, figurez-vous que c'est pas que des mais jeunes. Ça existe. Bah, dans la Rednecky, en tout cas, à un moment, parce que ça se passe à Erie, et je sais plus où c'est exactement. Ça sonne bien redneck. En tout ça cas. Sonne redneck. C'est un peu redneck. C'est dans le milieu un peu redneck pour le coup. Redneck pour les noms anglophones. Bah, les rouges, hein, directement. C'est la Bourgogne en gros. Quoi. Comment Rednecks qui chantait Cotton Eye Joe. Ah oui, comme ça les gens voient de quoi tu parles. Pin and Cotton Eye Joe. Voilà, ça parle de cette chanson. Les cutéreux. En fait, toute l'histoire. Cette chanson parle de l'histoire. Ah, les pécores, je cherchais un truc un peu comme ça. Ce qui n'est pas forcément flatteur, mais bon. Plus que cutéreux. Plus que cutéreux. C'est vrai, plus que cutéreux pour le coup. Et donc, la meuf lit pas tout parce qu'elle est en panique déjà de voir tout ça et il n'y a rien, elle veut pas aller au coffre parce qu'elle peut pas, elle dit qu'elle peut pas, donc elle lui file ce qui est un peu, c'est-à-dire à peu près 8000 dollars et le gars sort et en fait il se barre pour aller ailleurs, donc les flics déboulent de partout, l'arrêtent. Et il dit, alors, très étrange déjà, le mec sort de la on voiture. On est d'accord que t'es pas en train de spoiler non, parce que c'est long. Mec, si ça c'est long. D'accord. Le que le début ça. Ça film, c'est. Tu vas non, te mais faire ça chier. C'est 3 minutes. Ok, d'accord. Je te jure que c'est vrai. Sauf c'est que. 3 minutes, mais ça fait 7 que t'en parles. parce que vous m'avez coupé 12 fois en même temps aussi. C'est vrai. C'est vraiment ça. Et dans l'absolu, le mec se fait arrêter par les flics, il descend. Tu le vois au sol, donc il le menotte quand même et il dit j'ai une bombe sur moi. Donc les flics disent ok, bon, bah, dans le doute, on va quand même reculer derrière les bagnoles. Et en fait, il y a plein de trucs étranges. C'est-à-dire qu'il a un t-shirt Guess sur lui, d'accord, de Mark Guess. On apprend après que par des gens, il mettait jamais ces flingues-là. Oh, et qu'à la base, c'était plus pour devine. devine ce qui se passe, ouais, devine d'accord. qui je suis et tout. C'est le Joker, c'est le Joker de la vraie vie. Quoi. On dirait que le Joker est passé par là dans cette histoire. Ce qui est une histoire vraie, hein. Tout ce que je dis est vrai, et on est à des millions de kilomètres de tous les rebondissements qui vont se passer. Okay. Donc le mec est là, tu bon vas ben. Tous nous les raconter. Non, justement, je vais juste dire le début, et je pourrais dire tout le reste, mais juste dire. Ah, c'est son fils. Et le... non, c'était un rêve. ouais, c'est vrai, bon bah voilà, vous avez dit les deux, c'est son fils et il rêvait. Du coup, c'est moins bien que prévu au final. Merde. La faille est décevante. Et le mec dit donc, voilà, j'ai une bombe qui va exploser. Faut vraiment faire en sorte de me filer la thune. Les flics attendent, la brigade anti-bombe arrive. Entre temps, il entend un clic et un décompte de tic tic tic tic. Et là, le mec switch un petit peu en disant, parce qu'il était détendu tout du long, un peu bizarre, un peu tiens. Et là, il dit quand même, ah, c'est pas censé. Là, je crois que ça va exploser là. Vraiment, je crois suis que mal démerdé. Là. Le clic accélère et tout ça est filmé à ce moment-là par les caméras des journalistes et ça explose. Ça explose vraiment. Alors c'est pour ceux qui auraient peur, c'est flouté. Ok. Ah, mais donc, tu le vois quand même exploser. Tu vois le truc exploser quoi. Tu sais quoi, c'est du voyeurisme pour moi. Tu penses que c'est pour faire le buzz. Le mec explose et tout ça. Le mec explose, mais en fait ça l'ouvre un peu au niveau du cou. Parce qu'en fait il avait vraiment une bombe autour du cou. Je sais pas s'il y en a qui ont vu Fortress, c'est un peu le même principe. J'ai vu le 2, ça marche. Ça marche. Ok. Ouais, ça marche. C'est moins bien, mais ça marche quand même dans le principe. Mais y a pas ça dans Battle Royale aussi. Ouais, dans Battle Royale aussi. Voilà. Et là, et là, on est d'accord que là, t'as pas trop raconté. Non, mais là, il y a un mec qui a explosé, c'est quand même un mec, c'est un rien. Quand même. C'est rien de rien de rien. Parce qu'après, justement, je vais aller me chercher un verre d'eau pendant sans spoiler au maximum, ça part en machination. Possible que le mec soit lui-même dans l'affaire ou pas. Il y a un gars bah, qui appelle. Il est dans l'affaire, je pense, quand même. Bah, il est dans l'affaire, mais ça se trouve, il est peut-être lui-même en train de savoir que ça va exploser ou pas. Ah, tu veux dire que tout était prévu ou pas. C'est un peu El Professeur de la Casa des Papel. Bah, pour pas faire de spoiler, si j'ai pas vu la Casa des Papel. Tu m'as spoilé, j'ai pas c'est aimé du pas tout. Bien. Ce non, parlons pas. Ah, on digresse pas mal. Hein. Et donc après, c'est le but. La Casa des Papel, c'est pas si bien. Alors. Il l'a dit, et donc après on part en enquête sur qui était ce mec là et tout. Donc le mec était un gars un peu lambda, livreur de pizza, et on se rend compte qu'il est peut-être à l'intérieur d'une imagination pour faire un braquage à 250 000 dollars. Sauf qu'un mois après il y a un gars qui appelle en disant allez à cette adresse parce qu'il y a un corps dans un frigo. Et là, et le mec là tu racontes une... peu. Non, je raconte, mais je te jure que je raconte quasiment rien. Je suis en train de détester. Mais c'est pour ça, moi je d'accord. vous engage à voir le truc parce qu'il y a ça, 17 000 couches supérieures. D'accord. Mais ouais. Et ça va beaucoup plus loin, les personnages sont très étranges. Il y a une nana qui est à l'intérieur, ouais. qui on l'apprend. À l'intérieur du gars qui a explosé. Ouais. Qui on l'apprend. Et c'est en fait. C'est human. Mais la meuf qui est peut-être une meuf qui est impliquée dans l'histoire, qui est peut-être le cerveau de l'histoire, on sait pas trop. Moi, ouais, c'est juste un détail que j'ai lu qui m'a fait marrer. Mais on l'a retrouvé chez elle. Quand même, là. Je vais voir ce qui lui arrive. Mais non, mais je te jure, on est incroyable. Mais juste, je trouvais rigolo que la meuf chez elle, ils aient retrouvé 400 livres de beurre et 700 livres de fromage. Voilà, je m'arrête là-dessus. Ah bah, et c'est aussi vrai. Plus. C'est un beau cliffhanger en tout cas, dans le fromage. Et la meuf veut pas faire de cheesecake à un dinosaure. C'est vraiment un truc. Ah oui, on ça ne va sait loin pas. Quand même. On ne sait pas. Mais ça c'est vraiment bien. Le truc est très haletant. Et pour le coup, vu que c'est tiré en plus d'une vraie histoire, c'est assez bluffant de se dire que il y aurait 4 films à l'intérieur qui prendraient pas toutes les ficelles de ce qui se passe en vrai. D'accord. Oui, tu veux dire que si c'était pas la vraie vie, on n'y croirait pas. Complètement ouais. impossible d'y croire. Impossible. Impossible. Moi, je peux, je pense. Ah ouais, c'est vrai. Vas-y, fais voir. Bah, j'y croyais là déjà. Eh ben, j'ai tout inventé en fait. Ah, merde. Tout ce que je viens de raconter n'existe pas. Il m'a eu. Et vous êtes tous à l'intérieur de mon coma. Eh oui, c'est vrai. Waouh. Pénélope, as-tu apprécié quelque part? Il n'y a pas d'ordre, c'est ça. Ah, il y a des pièges. C'est ça qui est incroyable. Tu sais, si j'ai beaucoup apprécié son histoire? Non, on n'est pas dans les. On ne juge pas les histoires. On met des notes comme elle est pas fan. Tu te longuais. La prochaine fois, je resserrerai un maximum. 7, 8. Non, mais on monte après. As-tu apprécié quelque chose récemment, culturellement parlant? Oui. Alors, je vais le partager avec toi. Plein de trucs. En fait, j'ai lu plein de bonnes BD récemment parce que j'ai voyagé, donc j'ai lu plein de BD. Et j'en ai lu une vraiment bien, mais il y a juste un petit problème, c'est qu'elle n'est pas encore traduite, mais je suis sûre qu'elle va être traduite bientôt. Mais au pire, Amazon... J'ai l'impression qu'on est entre polyglottes hein, depuis oui. le début. Vas-y, Redneck, vas-y, yes. Oh bah, of course. Wall Street English. Les allusions anglo-saxonnes n'arrêtent pas, hein, ouais. Bretzel. C'est une BD qui s'appelle Is This Guy For Real? C'est une BD sur... C'est une biographie de Andy Kaufman. Est-ce que quelqu'un qui s'appelle Guy existe vraiment? Est-ce que ce mec est sérieux? Est-ce que ce mec existe vraiment? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Ouais. Et c'est une biographie de Andy Kaufman. Ah, trop bien. Extrêmement bien. Donc Andy Kaufman, qui était un comédien... Ah, comment le décrire? Comédien, catcheur, humoriste, artiste. Ouais. Comment je sais plus comment il se décrivait, mais il voulait pas dire comédien justement. Il refusait le terme, mais bon, comme j'ai non, pas mais le bon, terme. En gros, pour ceux qui voient pas, c'est l'équivalent de leur texte, quoi. ouais, ouais. Surtout sur sa vision de la société. Je pense qu'il y a vraiment. C'est ça, le parallèle est parfait. C'est ça, c'est lui. Un génie incompris. Il fait semblant depuis le début, Tex, en fait. C'est vrai. Un altruiste de ouf. Il n'existe pas non plus dans. Ah putain, c'est incroyable. À la base, c'est Nagui déguisé. Mais oui, mais maintenant que tu le dis en plus, c'est évident maintenant. Évidemment. Il a le record du happening le plus long. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, ça fait c'est sûr qu'Andy Kaufman est battu. Ah, oui. Là, pour le coup, là, rien à voir. Et donc, pardon, excuse-nous. Oui. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ben voilà. Et donc, c'est très bien. Peut-être que les gens qui écoutent ont vu un film de Milos Forman qui s'appelle Man on the Moon, qui est un très grand film, qui raconte la vie de Andy Kaufman avec Jim Carrey. Et donc, déjà, le mec a une vie qui fait que même si l'histoire est racontée de manière un peu tiède. Le livre serait super parce qu'il a une vie complètement folle avec des quiproquos, des rebondissements et puis des... Et puis, est-ce que tu pourrais tous les raconter comme des dos? Mais je vous promets que je ne vais pas tuer le suspense, je vais tout vous raconter. À la fin, il meurt quand même. Hein, faut le dire. À la fin, il meurt, mais c'est même vrai. Sa mort est un peu une blague. Enfin, il y a vraiment un truc. C'était quand même un sacré personnage. Hein. Il était aux couleurs. Hein. C'était quand même. Mais on apprend plus de trucs que si on a vu genre Man on the Moon. Ouais. Et surtout, d'accord. Alors, le plus produit, c'est la façon de raconter de l'auteur qui s'appelle Box Brown, qui est un auteur qui habite à Philadelphie et qui est spécialisé dans être un mec qui est un peu, je pense, enfin, je. Suppute, un peu obsessionnel de trucs comme ça, très niche. Il a un peu des lubies de Nietzsche, mec... le philosophe. Ouais, c'est ça, c'est du comique de Nietzsche. Et en fait, il a fait, c'est sa quatrième BD. Il a aussi lui-même une maison d'édition de BD indépendante, etc. Mais il a fait sa première BD sur André the Giant, ouais, qui est son idole de jeunesse, qu'il a tatoué, etc. sur lui. Ah oui. Sa deuxième BD, c'était sur. Aussi, non, je vois pas qui, c'est un catcheur. C'est un catcheur. Tu sais, t'as déjà vu le street art avec Obey? Tu sais, Obey, la marque, comme Obey. Oui, tu vois, avec cette tête en très, en très gros plan. Et c'est la tête de André the Giant, qui était en fait un français. Moi qui connaissais André the Giant, je ne connaissais pas cette anecdote. Ouais, c'est voilà. La vache. Tous les jours avec le podcast. Oakley. Obey. Oakley. Obey. Ok, c'est des lunettes de surfeur dans les années 2000. Obey, c'est Obey. Obey. Ok, je voulais réciter. C'est très présent dans des magasins Citadium, par exemple. Oui, tout à fait. Tu vois ce truc avec cette tête en gros plan? Oui, oui, oui. Et bien, c'est André le Géant, qui était en fait un français, genre qui vient des Vosges. Moi, je me souviens d'André. Atteint de gigant. Enfin, c'est un nom, mais c'est le gigantisme, je crois. D'où son surnom. C'est vraiment un old school catcher. À l'époque de Hulk Hogan, Randy Orton, Savage. Bien avant l'Undertaker, bien avant tout ça. Oh, on vous parle d'une autre époque. C'était l'époque où le catch. C'est quand le catch était pas un gros feuilleton. Vous avez pas semblant. Les jumeaux cowboys, c'était déjà là ou pas? Les jumeaux cowboys? Ouais. Tu les as inventés? Non, tu les as inventés. En cours de match, ils se checkaient. Il y en a un qui rentrait, un qui sortait. Je te jure, il y avait des jumeaux cowboys. Bon, sûrement. Les gens se souviennent de jumeaux cowboys. C'est vraiment pas si étonnant. Déjà, je suis même pas sûr que les cowboys existent vraiment, donc des jumeaux derrière. Tu sais où t'en étais dans ton histoire? En fait, j'ai assez envie de cette parenthèse catch, malheureusement. En plus, j'adore ça. Partante, donc si vous voulez, on peut. Ça, y a pas on de peut la garder pour plus tard, reparler plus tard. De catch. Ah, moi je suis pour. Hein. On pourra parler de mettre des serpents dans un sac et tout ça. Ça il faisait ça, tu connais? Non, elle connaît. Mais non, c'est Jake the Snake Roberts. Putain, mais t'aimes le catch! C'est trop marrant, le catch à l'ancienne. Mais là, on n'est pas du tout là pour parler de ça. Non, on n'est pas là pour Andy Kaufman. On est là pour parler de bande dessinée à une heure de grande écoute, donc j'en profite. Ok, bien midi 15 là. Donc, bref, il a fait ça. Après, il a fait une BD. Génial, qui est traduite pour le coup, qui s'appelle Tetris, qui est une BD sur toute l'histoire de l'invention de Tetris, mais de manière générale sur pourquoi on est accro à Tetris, pourquoi on est accro au jeu, pourquoi est-ce qu'on a besoin de jouer. Et puis il y a un folklore fou derrière l'histoire de Tetris que tout le monde connaît, avec l'histoire du KGB et tout, mais il a quand même fait de l'invention. Ah, lis cette BD, elle est ouf. Et elle est traduite aux éditions La Pastèque. D'accord, mais moi comme je préfère fruit, lire donc, en anglais. Non, c'est vraiment hyper, hyper prenant. Yes. Et c'est aussi sur l'intelligence artificielle, etc. Bon, c'est vraiment cool. Et toute la guerre politique qu'il y avait derrière l'histoire de Tetris, avec les États-Unis et la Russie et le Japon qui se battaient pour inventer une nouvelle façon d'avoir des loisirs portatifs. Et en gros, le Japon disait « Ah, on lancerait bien une console de type qui tient dans une poche, bon, une grosse poche quand même, mais avec 4 piles. Mais il nous faudrait vraiment un jeu d'appel qui ferait que tout le monde, même les adultes, aurait envie d'avoir ce jeu. » Au même moment, la Russie disait « Alors je nous, te on a venir, un jeu. » Je te vois venir. Ouais, mais aussi. Uniquement si vous Mario Et voilà Docteur Mario, uniquement si vous sous-traitez avec le KGB pour acheter le jeu. Donc les États-Unis disaient, il est hors de question qu'on fasse du bise avec le KGB. Enfin, l'histoire de Tetris est assez dingo. Et on n'apprend que des choses depuis le début. Et la légende urbaine, c'est que Alexis Patsinov, qui est le mec qui a inventé Tetris, dont on voit le nom dans le générique de tous les Tetris, la légende urbaine, c'est qu'il a jamais touché un rouble. Copec. Un copec de Tetris. Et donc alors c'est Popec. Faux. C'est faux. En fait, c'est Popec. Il a touché Popec. Il a touché Popec. Sur l'histoire, à un moment, il invente ce look avec son chapeau, sa moustache. Il se dit pourquoi pas, j'essaye un truc. C'est faux, en fait. Les calzones bouffées. C'est ça que tu disais, c'est faux, il est riche. En fait, il a fini par bosser dans l'IA en Californie. Je crois qu'il a fini chez Microsoft. Et, Ah, mais ça ne veut pas dire qu'il a, qu'il a touché des sous de Tetris. Pas directement par Tetris, mais ça lui a permis de partir vivre aux États-Unis, d'avoir un peu la, de vivre la vie d'Aloca en Californie. Donc, mais c'est un super bouquin, mais c'est pas du tout de ce livre-là que je voulais vous parler. Donc, là, il y a plein de gros cos, c'est trop bien. Et vie d'Aloca, c'est la vie fofolle pour les non-polis espagnols. Pour ceux qui ne connaissent pas Ricky Martin, ça veut dire la vie fofolle. Dans la saison 2 de Ricky Martin. Oui, c'est vrai. Et Ricky Martin, c'est Richard Martin pour les non-anglophones. Oui, voilà, oui, tout à fait. Voilà, c'est bien de préciser pour les non-anglophones. Les inceptions de traduction. Donc, Box Brown, le fameux, qui a donc ce pouvoir de rendre un sujet un peu nerdy, quand même, grand public et pas obsessionnel chiant. Parce que, pour le coup, le livre sur Tetris, par exemple... Quoi. Non, en fait, dès que tu dis un mot en anglais, oui, on aurait dû le traduire maintenant. On l'a pas fait. On l'a pas fait. C'est vrai, autant le faire pour le protagoniste. Mais moi, je suis en train de digivolver en Jean-Claude Van Damme depuis que j'habite aux États-Unis. Ah, oui. Un mot sur deux que je dis, en anglais. Evolver, par exemple. Evolver. Digivolver. Digivolver. Donc, c'est pas anglais. C'est juste vieux. Voilà. En tout cas, pour le héros, Box Brown, boîte marron. Pour que tout le monde resitue vraiment bien les choses. Et en plus, je suis pas sûre que ce soit son vrai prénom, Box. Ma main a coupé. Alors que Brown... que Box n'est pas son vrai prénom. Et donc, il a fait cette BD maintenant sur Andy Kaufman qui s'appelle Is This Guy For Real, qui est sorti aux États-Unis et qui, je pense, en toute logique, va être acheté par le même éditeur francophone que celui qui a acheté cette BD d'avant, qui est donc La Pastèque. Et je dis francophone parce qu'ils sont québécois. Mais ne jouons pas sur les mots. Et c'est mortel parce qu'on apprend mille trucs, que c'est un sujet passionnant et qu'il arrive, comme toujours, à rendre ça... c'est un peu une phrase toute faite de dire vous pouvez l'offrir à n'importe qui, à votre grand-mère, elle va adorer, mais pour le coup c'est vrai, c'est hyper bien, ça donne envie de revoir évidemment Man on the Moon, ça met REM dans la tête pendant toute la lecture du Man on the Moon, qui a une des meilleures scènes je trouve de l'histoire du cinéma, mais je peux pas trop la spoiler parce que c'est vers la fin, mais c'est son dernier prank en gros, où il va dans un autre pays. C'est canular. Mais c'est une scène tellement émouvante. Je traduis pas, là, je te corrige parce que j'en peux plus de ce terme prank. Il y a un mot français qui existe. C'est le prank. C'est canular. Le prank. Non, mais voilà, et cette scène, je la trouve. Et t'as vu le documentaire de Andy? Oui, on en a même parlé dans cette émission. Tellement bien. T'es un peu partagé. Il y avait un côté genre, c'est très intéressant. Ah, vous trouvez qu'il en fait trop? Ouais. Il y avait un côté un peu Jim Carrey. Et ben, t'es un peu un trou du cul. Attention, digression dans la digression, mais au début, j'étais un peu, oh please, l'artiste, je suis spéciale, je suis tellement bizarre, et ça m'a énervé. Et en fait, je trouve que plus le documentaire. Alors, c'est vrai que pour les gens qui écoutent et qui n'ont pas vu ce documentaire, ça n'a aucun intérêt ce qu'on dit. Moi, par exemple, c'est comme moi. Tu l'as pas vu? On s'en fout. En fait, on s'en fout. Ça t'intéresse pas? Bah non, mais. On revient un peu. J'attends qu'on arrête d'en parler, donc du coup, je suis reparti pour 6 mois sans regarder. Trop tard. J'allais le regarder demain. Non, mais vas-y. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, il joue tellement le bizarre qu'en fait, il doit vraiment être quand même un peu bizarre. Non, mais il pète un câble, là. Il est complètement en train de sombrer. Mais ce que j'ai trouvé agaçant... Non, mais en dehors du documentaire, tu le vois en interview, il est fou, en fait. Oui, mais là, tu vois du... J'allais dire du footage, mais je sais que tu es là et que tu veilles au grain dans des scènes de films, des séquences, du tournage, où t'as le pauvre Milos Forman qui est genre, OK. Et il est genre, ne m'appelez plus Jim, je suis Andy et tout. Et ça fait un peu le mec qui fait le... Je suis tellement spécial et on a envie de le gifler. Mais au bout d'un moment, tu dis, je pense que c'est sa vraie... Tu vois, c'est son... Bah, je pense que c'est son acteur studio. C'est son Stanislavski à lui, quoi. C'est qu'il s'est dit, j'ai besoin de l'aide vraiment. Et pour le coup, je pense que si tu décides que tu vas vraiment incarner Andy Kaufman, t'es un peu obligé de... Ouais, je sais pas. Parce que lui, il est un peu dans ce délire maintenant où genre, il dit, non, mais de toute façon, Jim Carrey n'existe pas, personne n'existe. Aujourd'hui, je suis l'univers et tout. À l'époque, il était moins. Ouais, mais ça a été quand même le déclencheur un peu. Ça, et le suicide de sa meuf qui... Ouais, mais c'était avant. C'est de sa faute. C'était avant, ça. C'était juste avant qu'il dise... Qu'il a pas aidé à s'équilibrer. Et aussi, un truc que tu découvres, enfin, comment en tout cas, j'ai découvert dans ce doc, c'est que pour moi, Jim Carrey, c'était genre une grosse resta de la comédie, mais voilà. Et en fait, le film, quand même, fait un bon état des lieux de... On a oublié ou on se rendait pas compte à quel point c'était vraiment... Enfin, pendant quelques années, c'était le mec le mieux payé de Hollywood. Il était absolument... Il pouvait pas... C'était Britney de l'époque, quoi. Ouais, et que ça... Comme Britney, d'ailleurs, ça l'a pas forcément aidé à rester méga équilibré, quoi. Bah non. Mais d'ailleurs, pour, je l'avais dit dans le podcast où on en avait parlé, mais je le redis, pour moi, le vrai héros de ce documentaire, c'est Milos Forman. Oui, bien sûr. Fait. Parce que Man on the Moon est un film incroyable, et réussir à faire un film avec un gars qui fait « Ouais, je suis Andy Kaufman, je viens pas aujourd'hui parce que je suis Andy Kaufman », enfin, tu vois, des trucs comme ça. C'est aussi... Après, Jim Carrey est ouf dans le film et il joue trop bien. Ah oui, bien sûr. Mais ça a été tellement drôle parce qu'il a fait exactement ce qu'on a dit. Oh, salut, c'est Andy Kaufman. Tu fais quoi? T'as cassé les couilles pour ça, là. Hors caméra, t'es très bien. Tu donnes tout derrière et dès que t'arrives, bonjour. Oh là là, je suis triste, hein. Non, mais comme en plus, à l'intérieur même du film, Andy Kaufman lui-même joue en plus un autre mec. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc, il y a une super performance. Mais là où je suis d'accord avec toi, et d'ailleurs la suite le prouve, c'est que c'est quand même Milos Forman le génie, quoi. Parce qu'il a fait quand même après que des trucs bien. Oui, et avant, enfin. Et avant, enfin, il a fait que des chefs-d'œuvre. Et, mais et Jim Carrey a fait Monsieur Popin et les pingouins. Donc voilà, oui, c'est vrai que c'est... on est pas... c'est bien de le mettre. Et, bon, et des peintures pas si pas bien. Si bien. Mais d'ailleurs, dans Monsieur Popin et les pingouins, pareil, en fait, il se prenait pour un pingouin entre les prises. Il était là, moi, je... il arrêtait pas de dire, moi je veux du poisson. Mais il fait vraiment ça dans tous les films? Non, ça, non, je non, sais pas. Non, non, ça me faisait rire. Je suis un pingouin, arrêtez de m'appeler Jim. Je vous dis que je suis un pingouin, j'ai chaud là. Je vous le dis, je parle, c'est déjà incroyable. Vous devriez être éberlué de voir un pingouin qui parle. Et comment c'est... ça, un manchot? Non, je suis un pingouin, arrêtez maintenant. Ça n'a rien à voir, mais bossez un peu votre animal géographique, c'est pas possible. Mais en fait, je pense que le documentaire, je le regarde pas parce que j'ai peur que ça me mette mal à l'aise en fait. Quoi. J'ai un peu de ressentir un peu le malaise du gars et d'être pas bien. Quoi. Ah, surtout qu'on le voit tuer un bébé. Hein. Ah, bah voilà. Ouais, mais c'est dans le rôle donc. Ouais, okay. Comme il dit, c'est dans le rôle, il dit c'est pour extérioriser des choses. Moi, ça va. C'est non, un peu le, violent. Et le Jim qui parle de cette. Parce qu'en fait, il est en interview tout le long, c'est lui qui guide un peu le documentaire. Oui. Et celui d'aujourd'hui, bah, il a une grosse barbe. Il a une barbe. Mais c'est celui d'aujourd'hui en fait. Donc ouais. Il est déjà un peu dans ses délires de. Par exemple, quand il dit que Andy Kaufman l'a vu quand il était face à des dauphins dans un océan. Enfin, il est dans un truc un peu où tu fais. Ah, d'accord, ouais. Yes, okay, d'accord. Mais après pour le coup, si t'aimes le film Man on the Moon, c'est quand même un peu une pépite de fan. Ah, c'est que voir ça, c'est. Je vais le regarder. Non, parce que t'as la scène où on lui présente Courtney Love quand elle vient pour la première fois sur le tournage et qu'on l'a prévenu qu'il était taré. Et du coup, elle est un peu dans la surenchère de. Ok. Ouais. Et c'est quand même dire quelque chose, de dire à Courtney Love, attention, la personne en face est tarée quoi. Ouais. C'est quand même, ah bah elle se défend pas mal pour le coup. Oui, c'est ça. Le tout. Ouais. Non, et puis le truc qui est un peu quand même stylé dans ce documentaire, c'est que t'as quand même des proches ou des parents, Pierre, des enfants, Pierre des proches, ouais, des dos. Qui est ressuscité bien sûr. Et qui dit ça aujourd'hui on pourrait plus le dire. Tout ce que vous faites là. Vous pouvez rire de ça, mais pas avec moi en tout cas. Quoi. C'est ça qu'il aurait dit. C'est ça. Ouais. Moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Les étrangers sont nuls. On peut plus faire ça aujourd'hui. Ah ouais non c'est terminé. Pas avec tout le c'est monde. C'est la suite de Camus. C'est ça. Est-ce que tu avais d'autres recommandations? Parce que là, c'est bien déjà. Ouais on a fait un virage. Surtout que j'ai quand même parlé de trois livres en un, donc je pense que je suis celle qui a le plus fait son homework. PV, c'est le moment de me traduire. Je te prends par surprise. Surtout que je suis très mal parce que je vais parler de. Je sais pas ce que veut dire homework. Homework, c'est un album de Daft Punk. Ah oui, exact aussi, ouais, tout à fait. Un album de Daft Punk. Tout à fait, bonne réponse. 1997. Daft Punk. Ils ont des casques, les gars. Ouais, bah oui. On se met bien. Non, moi je réfléchis parce qu'en fait, mine c'est de rien, j'ai fait un. Tu veux dire que t'as pas préparé? Je réfléchissais tout à l'heure à ça et alors je viens de sortir un album, c'est pas pour la promo que je dis ça, c'est juste que du coup j'ai vraiment écouté que. Faire, ta promo, j'ai écouté que mon album là pendant 2 mois, j'ai joué dans un spectacle donc j'ai vu que ce spectacle pendant 2 mois, il reste les bouquins et la BD. Qui sont les seuls. Un télo Nerd Et il y a un bouquin que je lis en ce moment, que j'ai pas fini, mais alors j'en parle quand même parce que ça me fait plaisir. Parce que c'est le bouquin de Slimane Baptiste, Beroun. Les yeux ? Les yeux, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots ? Je peux vous en toucher 2 mots. Slimane Baptiste Beroun, c'est un comédien, auteur qu'on connaît notamment parce qu'il a participé aux Visiteurs du Futur et il a réalisé. Plusieurs séries telles que J'ai jamais su dire non, La théorie des balls, etc. Donc c'est un écho, j'ai l'impression. Ouais. non, c'est moi, c'est dans mon casque. Et donc c'est un type qui est en plus d'être un humain formidable est un grand professionnel. Il a écrit plusieurs bouquins. On l'a reçu dans un podcast. Le dis au cas où si vous voulez le réécouter, celui à Frames. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Propre poumon. Oui, tu peux. Et donc il a sorti un bouquin qui est un thriller. Ça veut dire un épouvante. Ouais. un frissonnage. Un frissonnage. Et donc c'est un thriller qui se passe en milieu psychiatrique dans les années 40, juste à la sortie de la guerre, 49 ou 50, je sais, vraiment, donc après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est assez. Et franchement, c'est bien. Tu reconnais les limites du style parce que le bouquin est assez long et donc en termes de style d'écriture, je me permets de dire ça parce que il le sait, c'est perfectible. Mais ce qu'il y a. Dans ta gueule, Slimane. J'adore le disclaimer, genre, mais il le sait. Donc, mais non, mais c'est vrai. Disclaimer, c'est son premier. Par le traducteur disclaimer. Pas simple, hein. Un dédouanement. Une annonce, vous me faites chier. Voilà. Et en fait, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même quelques moments où j'oublie que c'est mon pote. Et ça, c'est pas, tu vois, nous on le sait parce qu'on a plein de copains qui font des trucs. Et tu sais que quand c'est ton pote, moi quand j'écoute un album de Wax ou quand je vois sa BD, je sais que c'est mon pote qui l'a fait. Quand tu vois un film, quand tu vois Les Dissociés, tu sais que c'est tes potes qui l'ont réalisé. Et il y a des moments. Tu parles de ton amnésie là ou c'est autre chose? Non. Je l'aurais dit beaucoup de fois vraiment et je me dis tiens, il y a peut-être. Et en fait, voilà, j'ai une dégénérescence cérébrale qui fait que je ne sais pas qui vous êtes, j'ai envie de rentrer chez moi maintenant. Ramenez-moi dans ma blouse. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon salon? C'est la femme de ménage qui m'a volé mon argent. C'est moi tranquille. Et donc, il y a beaucoup de ça, n'empêche, dans les personnages. En fait, il a fait un vrai taf de recherche sur les maladies psychiatriques. Parce que donc, c'est un... Les maboules, quoi. Ouais. Les toc-toc. Justement, il parle de la façon dont... parce que c'est des personnes qui sont extérieures. Une personne qui est extérieure à un asile qui vient pour essayer de résoudre un meurtre sur fond de prosopagnosie. Alors, qu'est-ce que la prosopagnosie ? C'est une maladie très rare qui fait que tu ne peux pas reconnaître les visages. Aucun, y compris le tien. C'est comme dans L'homme qui prenait sa femme. Oui, Oliver Sacks qui était atteint de ça. Exactement. Mais du coup, on sait en termes de représentation ce que ça donne, c'est-à-dire qu'il voit un truc qui bouge tout le temps. Tu vois l'emoji qui a juste des yeux et pas de bouche ? Et bah, tu vois ça. Putain, wow, mais c'est en fait. Tu sais, comme dans Eternal Sunshine où à chaque fois qu'il le retourne, il n'y a pas de visage. Donc, c'est cette représentation qu'il y a là en fait à l'intérieur. Tu vois que c'est une personne qui est brune avec des cheveux longs et tu essaies de te rappeler qui c'est dans ton entourage qui est brune avec des cheveux longs. Si je te vois, je dis attends, il est habillé en noir. Qui c'est qui met des trucs. C'est Alizé, la chanteuse. Que tu connais les gens. Tu sais qu'il existe des gens, tu vois, tu sais que t'as un frère, une sœur, des amis qui s'appellent comme si, mais tu es incapable de les reconnaître. Et en fait, là, je te vois et je dis ah, les tatouages, le t-shirt, bah, ça c'est des dos. C'est wax. Ouais, c'est wax. Vraiment faire un lien de cause à effet général, quoi. Waouh. C'est mieux un rhume en fait. C'est... Bah, ouais, choisir. Quitte à choisir. Oui, grave. Il y a une échelle d'ailleurs. Ça fait des livres moins intéressants. Ouais. Le rhume, pas génial. Après, si t'arrives à tenir. L'homme qui se mouchait de ouf, moins moyen marché. Même si c'est un pote, je pense que ça fait quand même un bouquin chiant. À la place des yeux, laissez le nez. Je peux faire le nez en fait, et c'est pas mal. Et tout ça pour dire, je peux pas vous divulgâcher la suite je vous parle. Oh là là, il l'a dit. J'adore ce mot, j'adore. Je ne dis plus. Tu dis courriel ? C'est un vrai mot ? Courriel, non. Pourriel, oui. Parce que courriel est un peu nul, mais pourriel, tu dis coréenne. Pardon, coréenne. C'est un pour dire une personne. L'habitant de la Corée, tu dis bien coréenne. Ouais, beaucoup de gens le font des dos. Ouais, si je peux me permettre. Alors, beaucoup c'est de gens plus en plus dans les mœurs hein, de dire coréenne. Excuse-moi, mais. Moi, j'utilise pas beaucoup de traductions, j'utilise frimousse. Ah, moi, j'aime beaucoup bolidage pour tuning. Je trouve que c'est plus. Vraiment, vous partez au Québec, en fait, tout simplement. C'est ça. Le bolidage. Vous allez vous régaler. Ouais. Là, vous avez réussi à me perdre. Bien ah, excusez-moi, pardon. Yes, yes. Dans ta gueule, mon pote. Tombe dans une trappe. Merde. Je jette 2d6. Non, mais voilà, en gros, tu disais. Je veux pas divulgâcher. Tu veux pas spoiler la fin. Mais c'est pas d'autres maladies. Pas très bien écrit, quoi. C'est ce que non. Tu dis, en gros. Non, mais en fait, des fois, je retrouve mon pote et parfois, j'oublie que c'est lui et je suis dans un vrai. Je suis dans un vrai thriller. Moi, je lis. D'habitude, je lis souvent. Son nom va me revenir. Mince, Agatha Christie. Frédéric. Cumberbatch. BD. Pas du tout. Non, Frédéric Dard. Non, Beck BD, j'ai perdu Beck nom, BD, c'est terrible. Beck BD. Je l'appelle toujours, c'est une femme ancienne archéologue qui écrit des. Indiana Jones. Voilà. Frédéric Nothomb. Parce que tu l'appelles Vargas. Frédéric, c'est pour ça le piège. Oui, c'est oui, parce que j'imagine qu'elle s'appelle Frédéric. Freddy. Que... On sait pas. Ouais. Fredoche. Fredoche, elle s'appelle peut-être. Ouais. Freddy. Et donc, moi, je lis pas beaucoup de thrillers et je lis que cette femme qui est quand même un écrivain, tu vois. Qui une a beaucoup, beaucoup, beaucoup, une écrivaine hein, qui a certaine. Énormément d'expérience. Exactement, c'est une écrivaine qui a beaucoup d'expérience. Et du coup, à titre de comparaison. Oui, forcément, voilà. Tu vois, à titre de comparaison, c'est comme si j'écoutais toute ma vie Led Zeppelin et j'ai un copain qui me dit tiens, je fais du rock. Et ben en fait, c'est bien ce qu'il fait, mon pote qui m'a envoyé son album de rock. Led Zeppelin, c'est dirigeable pour les Français. Oui, ballon dirigeable à diode électroluminescente. Ouais. Merci de donner la vraie traduction oui, merci. En cuivre. Merci. Non, et puis rappelons que c'est jamais que le deuxième livre de ce livre. Et hâte de voir. C'est vraiment très prometteur. C'est vraiment bien. Je dis ça, je me lance, je l'ai pas fini. Mais moi non plus, mais non plus, mais je suis en train de. C'est que texte, c'est prose quoi. C'est oui, que du texte, c'est de la prose. C'est un vrai livre. C'est édité, c'est chez Brajlon. Et l'autre recommandation, je fais rapide parce que c'est. Il l'a fait en livre audio, j'y pense, et qu'il lit lui-même. Anecdote. Un comédien. J'ai une anecdote. Ah bah dis. On a tourné ensemble dans une série qui va bientôt sortir sur YouTube et on a fait une scène ensemble où on joue des collabos, voilà. On joue les miliciens pour la milice française. Et bref, on a fait un tournage avec des nazis qui étaient très sympas. Comme les nazis étaient sympas. Ouais, ouais. Des comédiens allemands qui étaient très sympas. Ah cool. Adorable. C'est lui sur on le dit retour. Des Allemands hein, maintenant. On dit plus de nazis depuis un moment. Hein, en fait. Non, mais je te jure, ils avaient des uniformes SS. Hein, c'était dans vraiment des nazis. Ah, leur fringue de ville. Quoi. Et en vrai, on rentrait du tournage et il y avait un silence. Et Slimane Baptiste qui me dit Ils sont sympas, ces nazis. Et donc, on a dormi dans un hôtel qui était assez miteux dans une toute petite ville française. Bah, et... rappelons que c'était quand même une série. Voilà. C'est vrai. Certains diront ceci explique cela. Il y avait des murs en papier et en fait, il était en train d'écrire son bouquin et il m'a dit je te préviens quand j'écris je lis. Je pète. Je te préviens, je pète. Quand non, c'est une maladie grave. Tu pètes. T'as pas besoin d'imaginer un truc. Ah bah non, mais ça marche que comme ça. Malheureusement. Quand j'ai une bonne idée. C'est ça que j'essaie d'arrêter de réfléchir parce que C'est bien en termes de rémunération, mais les amis sont très vite loin. Je me suis pas perdu, mais c'est dur de reprendre. Pardon. Et donc il m'a dit, je te préviens, quand je lis, je parle parce que je dois relire mes textes. Et en fait, je me suis endormi avec sa voix. Les murs étaient en papier, vraiment. Tu vois, il était genre à 2 mètres de ma tête, et j'entendais juste sa voix qui faisait. Oh non, non, non. Parce qu'il a une voix très grave, Slim. C'est vrai. C'était vraiment trop bien. C'était la meilleure façon dont puisse me bercer. Il écrivait des trucs genre à ce moment-là, le patient prit le couteau et lui mit à la gorge. Bon, je dis pas le. Hein. J'invente des histoires. Mais la thématique, c'est qu'on spoil tout ce soir. Il est très fragile en plus. J'invente des histoires. C'était pas un couteau, c'était une seringue dans le. Bref. Pour résumer, le livre, le style, pas ouf. Et le livre audio, tu t'es endormi quoi. Mais c'est un pote. Voilà. Mais c'est un pote. Et mais j'ai 5%, donc s'il vous plaît. Ouais. Ah, j'ai un lien affilié Amazon. C'est vrai que c'est cool. J'ai acheté si Audible en appli, s'il vous plaît, laissez-moi. Non, mais c'est un super bouquin. Vraiment, c'est bien. Et c'est... N'hésitez pas à l'acheter. En ah, plus, tu l'as lu si vous avez... Ouais, moi, je l'ai pas fini parce que je suis pas du tout. Tu l'as fait. Livre. J'aime pas lire. Non, mais vraiment, en fait, c'est horrible. C'est une. T'as lu la première de coup. Ah, t'en as lu pas mal quand même. Mais les livres avec des images. Non, c'est pas ça. Pardon, je redis. Mais en fait, j'aime beaucoup les biographies de gens que je connais. mais pas perso, mais tu vois, genre ton rep. D'accord, c'est ça, mais vraiment, j'étais sûr. La biographie de mon père, je l'ai dévoré. Parce qu'il y a moi. Bah, il y aura peut-être le secret de pourquoi il m'a jamais dit je t'aime dedans. Peut-être. Ok, alors. Non, mais voilà, j'aime bien aimer un truc et connaître la vie de la personne qui a fait ce truc. Mais sinon, je lis pas beaucoup. En fait, tu n'aimes pas la fiction, tout simplement. En littérature, j'ai beaucoup plus de mal à me projeter. J'aime bien voir. Tu passes à côté de quelque chose. Hein. C'est sûr. Je pense qu'on te l'a déjà dit. J'ai fait une. Hunger Games, mon gars. J'ai fait une première et une terminale L et ça m'a pas. Voilà, ça m'a pas régalé. Mais le peu que j'ai lu de Slim, j'ai trouvé ça super cool. Et c'est pas de la comédie, et c'est pas de la. On peut le dire parce que Slim, on le connaît surtout comme de la comédie. Parfois, mais non, c'est de l'ironie un peu parfois. Thriller, j'essaie de le dire avec l'accent. Thriller. Frissonnage et science-fiction. Et tout ça. Pardon, ouais. On est à la limite de frissonnade. Et l'autre recommandation, c'est une BD, je vais aller plus vite parce qu'elle est assez connue. On va surtout fermer nos gueules. C'est une BD de Philippe Ballette qui s'appelle Jean Doux et le mystère de la disquette molle. Ah, bien sûr. Et je l'ai découvert il y a pas longtemps sur les très bons conseils de mon libraire à Paris 12e. Qu'on embrasse d'ailleurs. Qu'on embrasse très très fort. Et dont je conseille la biographie qui est très très bien. Tu fais de la pub pour ton libraire. À tout livre, Doménil. Voilà, très bonne librairie. Plus, super bien, ouais. N'hésitez pas à acheter dans vos librairies plutôt que dans des snacks. Exactement. Oui, parce que le prix du livre est unique. Amazon. Ouais, non. Non, j'ai dit qu'un libraire. Non, mais au pire, allez chez Amazon. Mais c'est quand même très pratique. Donc, ce livre, vous l'avez lu, Adrien Pénélope ? Non. Non, toi tu en as entendu parler ? Surtout, je l'ai offert, mais à tire la rigole à Noël dernier. Offre-le sans le lire. Sur jamais de la vie. T'avais lu George Clooney ? Comment ? Oui, George Clooney, c'est l'auteur. Si, ouais. Et c'est extrêmement drôle. Comment décrire ce truc ? C'est l'humour de l'absurde de ce qu'on aime dans la COGIP et les messages à caractère informatif, parce que c'est cet univers du monde de l'entreprise. Et il y a toute l'histoire est centrée sur ce monde de l'entreprise et de la bureautique. Mais en étant un thriller. Mais en étant une vraie aventure incroyable. Une et c'est vrai qu'au début, ouais. tu rigoles, tu dis bon, c'est des sketchs. Et en fait, il y a une vraie aventure qui est assez incroyable, inattendu, et c'est à mourir de rire. Mais en fait, déjà, rien que pour le titre, on a envie de le tirer notre chapeau. Jean Doux et le mystère de la disquette molle. Ouais, déjà, c'est... Bravo. Moi, c'est... Ça donne envie de le lire. Les deux BD que j'ai lus dans les 12 derniers mois qui m'ont le plu sont le Jean Doux et le mystère de la disquette molle, et je mets bien sûr Brethren, culotté de Pénélope Bagieu. Très bien, j'ai les deux à la maison, c'est vrai, c'est même pas un mensonge, et je les ai même achetés. Bon. Et l'autre, c'est aussi Zai. Ah, la frappe carreau. J'étais sûr, bah bien sûr. Est-ce que tu as lu Et si l'amour s'était aimé? Ah non, sa nouvelle. Ouais, moi je l'ai pas encore lu. Ouais, c'est son roman photo, je crois. Non, c'est avant son roman photo. C'est juste ça. C'est encore. Et si l'amour s'était aimé, je te recommande chaudement. Ouais, les yeux fermés. Ah, Fab Caro, incroyablement marrant. Vraiment, si on peut faire encore une parenthèse dans la parenthèse, mais pour les gens qui connaissent pas Zai, c'est la BD la plus drôle qui ait jamais été écrite. C'est-à-dire que c'est pas possible de la lire sans pleurer de rire, en fait. Oui, c'est vrai. Et manquer d'air. Et on va le faire maintenant. On va la lire et on va voir s'il y a des gens qui peuvent. Mais moi, quand des gens la découvrent devant moi, je la lis par-dessus leur épaule en même temps qu'eux. Je re-ris en couinant dans leur oreille. C'est vraiment, tu peux pas. C'est vrai parce que t'es capable d'oublier à chaque fois à quel point c'est drôle. Tu te souviens des sketchs, mais quand tu les relis, c'est encore plus drôle que ça. C'est encore ton amnésie, ça, par contre. On en a parlé dans un précédent de Floodcast. On parle de tout en fait. On parle de tout. Ouais. On adore la pop culture. Et en fait, apparemment, ça a été les droits ont été achetés. Donc le film ça, ouais, par la bande à Fifi, évidemment. Non, je crois que c'est un membre du Morning Live, non? Je sais pas du tout. Mais je crois que Morning c'est Morning Live, tel Michael Youn et l'autre, c'est pas Benjamin. Non, le troisième. Vincent Lozania. C'est pas Vincent Lozania qui l'a acheté? Je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Si seulement on avait de l'adaptation de Zai Zai au cinéma. C'est qui les gens dont vous parlez? Alors Vincent Lozania du Morning Live, tu sais. D'accord. Et donc ça va être marrant ou pas? Je vois pas le sous-texte. Ça peut, on sait jamais. Non, il y avait pas de sous-texte, je crois que c'était juste une info. Une info brute. Je trouve que c'est très compliqué à adapter en fiction filmée. Je pense que la bande à Fifi, bon, bah, d'accord, tu sais pas qui c'est. Tu m'as convaincu. Ouais. C'est, tu sais, c'est ce qu'on fait. Épouse-moi mon pote, ils ont récupéré les droits. Après, de. Après, je peux pas dire, j'ai pas vu les films. De Licky Larson, c'est pour ça. C'était. Voilà, ils ont acheté les droits de Licky Larson, donc ils peuvent. Enfin, ils auraient pu acheter les droits de Zai Zai. Je joue dans Nicky Larson d'ailleurs. Oui. Ouais. Tu joues Nicky Larson. Je joue Nicky Larson. Je joue même mute. Ouais. Voilà. Bah, rendez-vous dans les salles, les amis. Adrien Méniel. Qu'as-tu apprécié culturellement parlant récemment, sachant que l'émission en est déjà à sa deuxième heure, donc tu peux nous en parler. Moi, je vais aller vite. une série qui s'appelle. Bah oui, que tu seras pas là pour Toto couper. Ah, j'ai compris le sous-texte. Ah. Alors, une série qui s'appelle The Let Down. Ah, j'aime pas. À ne pas confondre avec The Get Down. Je sais que voilà, on s'attend à ce que je parle de hip-hop, hein, bien sûr, évidemment. The Let Down. Hein? Parce que tu viens de la rue. Je viens de la rue, bien sûr. Je suis né à même la rue, le trottoir, le macadam. Et non, The Let Down. Et en plus, ça parle d'une. Rien à voir avec la Danone. Non, sont des yaourts au final. Oui, mais j'ai vu la filiation et pas du tout. Rien à voir. Eh bien, j'ai pas compris. Voilà. Donc si c'est pour faire des blagues que je comprends pas, c'est pas la peine. Non, ça parle d'une femme. Alors c'est une série australienne. Déjà assez rare pour le souligner, hein. Et ils ont des accents, tu te dis c'est anglais? Bah non, c'est australien. Voilà. Une femme qui vient d'avoir un enfant, et ça parle de. Bah, en fait, c'est assez compliqué de décrire parce que y a pas, c'est un peu le genre de série qui parle de la vie, en fait. Est-ce que c'est une tranche de vie? C'est un peu plusieurs belles tranches de vie, un petit peu superposées. Un millefeuille de vie. Exactement. Est-ce que c'est jubilatoire? Tu vois. C'est toujours avec tendresse. Okay. Non, mais en fait, c'est hyper bien. C'est créé par deux femmes. Personnage principal féminin, la femme qui joue le personnage principal, dont je ne connais pas le nom hélas, est vraiment très très marrante. Isabelle Mergo, c'est ça. Je me disais bien, je reconnais. Je connais pas du tout, je la connais pas du tout. Bah, c'est une actrice australienne, quoi, donc on en connaît zéro. Je trouve Nicole Kidman, dénigre un petit peu les actrices australiennes. Ouais, Hugh Jackman, c'est une perruque, ça marche. Oui, Midnight Oil. Et puis la meuf de voilà, de Little Miss Sunshine, la mère, Toni Collette, elle est australienne. Ouais. Non, mais pour dire, elle est vraiment très drôle, mais pas genre, enfin. Elle sait, comment on dit, elle a la vis comica, c'est-à-dire elle a vraiment le côté. Bah oui, elle est drôle dans tout ce qu'elle fait, mais. Alors, pas je t'aurais bien traduit du latin en français, mais je sais pas ce que ça veut dire. C'est une c'est, nature. Ça veut dire force comique. Une nature rigolote. Force comique. Une tronche marrante. Non, et c'est pas une comédie, mais c'est vraiment très drôle de façon très subtile et tout. Enfin, c'est vraiment très très bien. Voilà, c'est très dur d'en parler parce qu'il n'y a pas vraiment d'accroche. C'est vraiment juste la vie d'une femme, entre autres. Qui vient d'avoir un enfant avec son mec et c'est compliqué, et puis il y a d'autres gens, son entourage qui ont des enfants aussi, etc. Et c'est pas forcément non plus le thème principal. Ça, moi j'ai pas d'enfant et ça me parle vachement aussi parce que ça parle de plein de trucs. Et c'est vraiment très bien, il y a qu'une saison pour l'instant. Et voilà, je vous recommande de regarder The ça. The Let Down. Ouais, c'est sur Netflix. Et tu regardes sur Netflix. Ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup. Écoutez, on va passer à la suite de cette émission. Moi, je ferai mes petites recos dans une prochaine émission, parce qu'on est déjà quand même parce un que peu t'es sans des recos. Des recos. Des recos. Si Freddy. Mandation. Ah oui. je m'en vais. Non, il faut savoir que Dedo a une. Comment on pourrait dire ça? Une aversion. Une aversion pour le jeu de mots. Un dégoût violent. Ouais. Pour enfin, le jeu de mots en général. Ouais. C'est de l'allergie, même là, tu fais des petites plaques d'eczéma. Ouais, forcément, ouais. On se rend compte. Oui, oui. Il est un peu rouge. Du coup, bon, c'est évidemment un régal de lui en balancer à travers la gueule. J'essaye de dodger au maximum. Dodger et esquiver. Oui, voilà, t'es très très vite. Le thème de cette émission est assez large, puisque je voulais parler de la peur. Elle se fout bien qu'on l'exorcise, elle vomit en tournant la tête. La peur, elle viendra un jour pour te planter le cœur. La peur, elle fait l'amour. La peur, dans toutes ses formes, on va peut-être commencer doucement avant de parler de la peur de la mort, de son sexe artistique. Ouais, surtout que ça me fait pas peur. Déjà, le gars est un vrai dur, quoi. Grosse couille. À cuire, ouais. J'aimerais déjà savoir s'il y a des gens qui ont des phobies autour de cette table. Ah, les jeux de mots. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai truc qui m'inquiète, moi, un petit peu. Mais ça te fait pas peur. C'est vraiment pas une vraie peur. Ou alors comme... t'as peur d'être débile parce que tu les comprends pas. Non, pardon, désolé. Ok, je suis allé trop loin. C'est fou. C'est tout le temps. T'es tout le temps là-dedans. Quoi. Non, tout le temps dans l'agression permanente. Non, mais je me suis allé trop loin. Je te présente mes excuses. Non, c'est pas une vraie peur. Je rigole. C'est pas une vraie peur au sens littéral du terme. C'est plus quelque chose qui me fait frissonner étrangement. Mais c'est plus de la gêne que de la peur. Non, c'est oui, c'est mal à l'aise et j'aime pas. En fait, c'est un truc désagréable. Il y a un légume de ton choix que t'aimes vraiment pas beaucoup. Les blettes. Les blettes. Bah, ouais. Imagine en fait qu'on te décrit une blette très régulièrement et qu'on te dit tiens, goûte un tout petit peu et tu dis mais vraiment j'aime pas et on te l'enfonce de force dans la bouche. Ouais. Parce qu'en fait, quand on fait un jeu de mots, tu peux pas l'esquiver une vraiment. Presque sexuelle. Tu dois me décrire. Donc non, je le ressens comme ça. Voilà, je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça. Alors, toute proportion gardée. J'ai le droit à ma souffrance, s'il te plaît. Hein. Non, car nous n'avons pas de paupières pour les oreilles, ce qui peut être vraiment agaçant. Et ce qui est un truc que je vais commercialiser d'ici 2 semaines. Ouais. Voilà. Ça s'appelle Paupières Express. Ouais. Ah bah ça va très vite. Bah, parce que c'est pour ça, c'est parce qu'en 2 secondes, je t'entends plus rien. Et excuse-moi, j'ai trouvé le meilleur titre possible. Adrien, une petite phobie où t'es indestructible. Je suis indestructible. Ah, d'accord. Non, vraie phobie non. J'avais un peu la phobie du noir. Alors je parle de l'obscurité évidemment, du calme sur les blagues. T'as remarqué qu'il y a que toi qui t'es insurgé. Hein. Ouais, seul qui a pensé à ça. Vous avez fait des signes. À part rapport à la couleur de peau. Pas ouais, du tout ça, l'autre, super, l'autre option. Rien, yes. Non, ouais, j'avais peur du noir pendant longtemps parce que. Pourquoi ? Bonne question. Parce que en fait. Lopette. Quand j'étais. Il y a de ça. Alors, en fait, quand j'étais petit, avant que mes parents divorcent. J'habitais dans une maison et moi. Oh, tes parents ils ont divorcé. Ah la honte. Grosse merde va. je vivais dans une maison. Moi, je dormais à l'étage original. Du haut. Je dormais à l'étage du haut et ma mère, qui ne dormait plus dans le même lit que mon père, elle dormait au sous-sol. Et en fait, quand je faisais des cauchemars, et j'en faisais souvent à l'époque parce que bah voilà, bah la vie était pas simple. En fait, je descendais voir ma mère, mais je descendais dans le noir. D'accord. En fait, les 3 étages. Ce qui était assez flippant parce que je venais de faire un cauchemar. Bah et ouais. Du coup, j'ai un peu gardé après une phobie du noir pendant longtemps. Une question, pourquoi tu n'allumais pas la lumière ? Et bah, c'est ce que me demandait ma mère à chaque fois. Non, mais... Il avait le sens du théâtral. Non, mais en fait, je pense qu'il y avait un côté, j'ai peur de. Je sais pas, j'ai peur de déranger les gens. Ouais. Et du coup, je restais dans le noir et tout. Donc ça fait une peur. Parce que ma mère, elle me disait, mais allume la lumière, c'est pas grave et tout. Pour et le coup, t'as vraiment pas peur de la mort parce que descendre 3 étages dans l'obscurité, c'est vraiment quelque chose. Non, je descendais en rappel. Autant pour moi. Par l'extérieur. Donc, ah bien vu. Ah oui. Donc vraiment bad guy jusqu'au bout. Ouais, voilà. Et ça coûtait hyper cher en fenêtre parce que je la cassais comme Bruce Willis bien sûr. Dans Die Hard. Non mais voilà. Et après ça s'est passé. Tu n'as plus de veilleuse. Et vers quel âge d'ailleurs à peu près adolescent. Que j'avais peur ou que t'avais plus peur que tu. Je sais pas. Ouais, je saurais pas dire. Je pense que c'est à partir du moment où déjà je me suis rendu compte que j'avais peur du noir parce que je l'ai pas forcément identifié tout de suite. Et aussi je me suis rendu compte de mes mécanismes de défense, c'est-à-dire que je fermais les yeux quand j'étais dans le noir. Ouais. Ce qui est, apparemment j'ai appris était un truc commun chez les gens qui ont peur du noir, c'est-à-dire que quand t'es dans l'obscurité tu fermes les yeux parce que du coup c'est une façon de c'est contrôler ton obscurité à toi ouais aussi, voilà ouais. Et du coup je faisais ça et du coup une fois que j'ai commencé à l'identifier j'ai pu m'en détacher mais je sais vraiment plus vers quel âge quoi. Alors c'est pas clair si c'est un podcast humoristique ou une thérapie en fait d'Adrien. C'est toujours c'est un peu les deux, deux. C'est les deux. Un peu les ouais, deux bah... parce que je sais pas comment me positionner en tant que professionnel moi de du sommeil de la psychiatrie. Là, ouais. Pour le coup Flaubert a dit c'est la 15e émission, c'est la 15e séance officielle. 14e s'il te plaît. C'était la 14e séance. Excusez-moi, c'est Eddie Mitchell ? Non. Non, non, il est parti. Je suis revenu. C'était Eddie Mitchell, mais j'ai repris ma. Ok, d'accord, très bien. PV Nova, toi qui parles, est-ce que tu as une phobie ? Ouais, ouais, ouais. Parce que si t'en as pas, c'est nul si t'en as pas. Dis donc, monsieur Nova, vous qui faites le malin, j'aimerais bien entendre le son de votre voix. Faites-en profiter la classe. Qu'est-ce qui est marqué sur votre papier ? J'ai pas de peur, de phobie à proprement parler, mais j'ai le vertige. J'ai le vertige beaucoup. Ah bah, ah, ouais. C'est vraiment une phobie. Donc t'assumes tellement pas que tu dis pas que t'as une peur. C'est vraiment la peur de l'altitude quand même. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ouais, c'est oui, oui. Flippette. Mais il y a pas phobie dans le nom, quoi, tu vois. Oui, on dit pas j'ai peur de la hauteur, on dit j'ai vertige, c'est pour ça que. Ouais. Enfin, bref, j'allais y venir en fait, je vous le cache pas. Il hein. Y a pas de honte. Hein, mais ça se trouve, j'ai le vertige. Tu peux dire j'ai peur du vide. J'ai un vertige qui est assez relatif. J'ai peur David. Enfin, si tu t'adresses à un mec qui s'appelle David, bien tu sûr. Dis j'ai peur David ah, et oui, pas oui. J'ai peur du vide. C'est une blague de un ticket pour l'espace. J'ai vraiment plagié cette blague à KDO. Bravo, bah, bravo. Bah, ouais. Copie comique qui était autour de cette table ne l'a pas noté, je suis un peu déçu. Ouais. Ah bah il lui faut un petit temps d'analyse. C'est noté là, et là je suis en train d'appuyer avec mon index sur ma tempe pour dire que c'est dans ma tête. parce que c'est toute la radio quand même. Il faut les photos illustrées. Non, j'ai vraiment très peur du vide, notamment, enfin pas tellement si je suis au dernier étage d'un immeuble très grand, tu vois, aux États-Unis, je suis monté à Chicago super haut, ça va au bout d'un moment, mais dès qu'il y a le moindre risque, oui. Genre type une échelle par exemple, je suis incapable de monter au-delà du, ah ouais. du quatrième échelon, parce que ça dépend de moi et je panique complètement, tu vois, c'est complètement irrationnel hein, le vertige. Non mais je comprends complètement. Et j'ai le... Je suis au stade 2 là, c'est-à-dire que j'ai le... Alors pas de rien à voir avec l'émission. Ça c'est pour les trentenaires, 30-40 ans, ouais, vous l'avez. C'est toujours, il y a toujours. 40, ouais, plus 40. Il y a toujours, peut-être. Cette émission existe toujours. Et elle est toujours présentée par le même type. Par Gérard Holtz, bien sûr, qu'on embrasse. Ou Robert Chapat. Ouais, voilà. Parce que c'était Gérard Holtz à l'époque. Exactement. Donc c'est plus le même mec, ça se trouve. Non, non, c'est. Mais Gérard Holtz qui viendra dans le prochain podcast. Pas de la... Ah, j'en oui. suis ravi. Bref, moi j'ai le vertige communicatif. C'est-à-dire que si quelqu'un que j'aime se met un peu trop proche d'une barrière vide. Juste, ça s'appelle l'acrophobie. Acrophobie, voilà. Je viens de chercher. Donc merci. C'est bien de phobie. Ouais, j'ai le la peur du vide, ah, bah, c'est j'ai l'acrophobie. L'acrophobie. Et justement, putain, quelle transition habile. J'adore l'acrobranche parce que non mais en vrai, c'est ma phrase préférée. Eh, votre duo est parfait. Hein, ouais, je te remercie. D'ailleurs, justement, j'allais y venir. Voilà, c'est en fait, toi ma vieille branche. Dès que tu peux je rigole. Dès que tu peux apprivoiser ta peur. C'est hyper valorisant et je recommande à tous ceux qui ont le vertige de faire de l'acrobranche parce que même quand tu fais au début je faisais des parcours simples, c'est-à-dire que tu montes au max à 4 mètres du sol, ce et qui est pas énorme frog, mais ouais, la première fois que tu fais ça t'es mal, la deuxième t'es un peu mieux, après tu passes au parcours d'après et tu montes en gamme et à la fin je me suis rendu compte que 15 mètres à 15 mètres sur une tyrolienne j'avais plus aucun problème. Ah, trop bien. Sauf que bon, la séance d'après évidemment tu repars à zéro parce que voilà, ouais. C'est pas un truc que tu peux 15 contrôler. Mètres sur une tyrolienne qui est d'ailleurs le nom d'un album qu'on fait avec Adrien de chansons françaises. Ah, génial. Ouais, ouais, ouais, on fait ouais. Ça, c'est de la guitare voix, c'est un peu genre la rue qui est à nous parce que ouais. Tu dis que c'est un peu selon s'il y a un réel danger ou pas, l'échelle ouais. Par exemple ça te fait peur tandis qu'un immeuble non, mais l'acrobranche pour le coup en fait c'est 400% sécure. Ouais, je me sens dans totale sécurité. Ouais. Donc en fait, tu devrais de toute façon pas avoir le vertige. C'est bah pas j'ai comme toujours si t'es un sur peu, un fil tu vois. En fait, du vide. Oui, mais en fait, quand il y a la sécurité, genre au bout de l'immeuble, à Chicago, j'ai fait le skydeck, donc t'es vraiment genre au 125e étage, et tu as les pieds au-dessus du vide. Ça, j'y vais petit à petit, mais je peux y aller. Alors que s'il y a un escabeau, je serais incapable d'aller au bout. Ah ouais. Tu vois, je peux pas apprivoiser à ce moment-là, genre un grand escabeau. Oui, c'est pas la vision du vide, un très grand c'est escabeau. Pas genre t'es sur un truc en verre. Ouais, ça c'est un peu 23 étages. Ouais. Ça c'est un peu sûr. Après, je me réconforte, ça c'est drôle. J'avais fait une fois un truc au Tivoli qui est à Copenhague, un manège donc au Danemark en centre-ville de Copenhague, t'as un vieux manège et t'as une attraction, c'est les chaises qui tournent, sauf que le machin il tourne sur lui-même, t'es assez haut et ça monte et donc finalement tu tournes à 40 mètres. Il y a ça au parc Astérix d'ailleurs. Ça s'appelle ça les chaises volantes. Ouais, les chaises volantes, ouais. Mais là, ça monte vraiment. C'était pas la peine d'aller à Copenhague, ça. Il y a ça, la fête des Tuileries. Hein. Non, mais à la fin, là, t'es genre équivalent 10e étage. Non, mais en vrai, en vrai, ouais. Ça monte pas si haut normalement. Enfin, moi, voilà. Moi qui suis bah, je pense un que grand c'est fan une du parc Astérix. Ressentie. Mais ouais, non, mais non, voilà. Je suis du parc Astérix, les finger in the nose. Les doigts dans le nez. Et celui-ci, donc j'étais là. Alors, j'ai eu un mini syndrome Gilles de la Tourette. Il a fallu que j'extériorise avec beaucoup d'insultes. Mais après, je criais pour me rassurer que c'était du matériel danois. C'était de la bonne qualité. Ils avaient sûrement travaillé avec des Suisses. Vraiment, c'est du matériel danois. Oui. C'est de la bonne qualité. Exactement, vraiment. Il y a aucune confiance. Chance. Ils ont passé le contrôle technique. Ils ont fait plein de tests. C'est des nordiques. Un super système d'éducation. Non mais mec, je comprends complètement. Moi, j'ai vraiment ça. Par exemple, c'est pour ça que je ne fais pas des manèges à trop grosses sensations. Genre à la fête des Tuileries, justement. Est-ce que tu dis je sais. Non, c'est pas ça. C'est, mais pas c'est ça. Du matériel manouche là. Non, non. Alors, vous me faites dire un truc que je n'ai pas dit. Là où je voulais en venir, c'est qu'à Disneyland Paris. Je n'ai absolument pas peur qu'il y ait un problème de machinerie puisqu'ils ont des assurances. Enfin, c'est impossible en fait. Le truc est quand il y a un cheveu qui tombe sur un rail, il ferme l'attraction pendant 2 mois et demi. Donc, non. Moi, je comprends ce que tu dis parce que sur les petits trains de type fête des Tuileries et tout ça, la qualité des dessins qui sont peints à la bombe sur les wagons, moi, ça me donne une indique de. Oh, ouais, putain. Du but. Genre, quand c'est vraiment peint avec la bouche, ça, ouais. Avec genre, tu sais, un faux Mickey sans licence, oui. Un faux Pikachu sans licence, je me dis, ça sent l'accident. On est d'accord qu'ils ont souvent un retard de 3 ans d'ailleurs. Là, on commence à avoir des reines des neiges sur les manèges, mais. En vrai, qui ça. Qui ont vraiment des problèmes. Ouais, hein. Qui sont un peu difformes. Et alors, j'ai une anecdote de ton anecdote. Il n'y a pas très longtemps, moi, j'ai pas du tout le vertige. Du moins, je le croyais. Jusqu'à et ce que, en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai dû aller sur le toit de l'Opéra Garnier. Oui. Où tu peux plus aller du tout normalement. Et en fait, c'est une danseuse qui m'a emmenée. Enfin, c'est bon, un truc. Et donc, tu es au-dessus de. Tu vois ce toit pointu qui est au-dessus de la place de l'Opéra. Qui est pointu AF, comme on dit, c'est-à-dire c'est vraiment un truc comme ça, où en bas de la rigole, il y a la place de l'opéra avec absolument aucun garde-fou autour. Ouais. Et donc, tu as cette espèce de longue coursive sur le toit qui t'amène là où il y a les ruches et tout ça, c'est très beau. Mais en fait, tu dis, hé, en fait, si là je me casse la gueule, je meurs comme une merde. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y aura vraiment rien pour me retenir. Et les danseuses, comme c'est un peu l'endroit où genre, elles vont fumer des clopes quand elles sont petits rats et c'est un peu rigolo, elles y vont limite, ah oui, tu vois, reculons en rigolant et tout ça. En faisant des entrechats. Mais vraiment, bah, en buvant des détails. Pour le coup, elles s'amusent à faire des positions de danse extraordinaires sur la pointe des pieds au bout de ce truc, tu vois. Et en fait, moi j'étais là pour. Je faisais des photos pour faire un repérage pour une BD. Et donc j'ai marché, et pour la première fois de ma vie, tout d'un coup, je me dis. Tu peux mourir. Ah. Et en fait, il a fallu que je m'accroupisse et que je touche le sol avec mes mains, parce que tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais je vais glisser et mourir. Et en fait, je pouvais plus bouger. Et elles ont passé 10 minutes à me dire, tu viens ? Je me suis dit, en fait, je peux plus me mettre debout là. C'est pas possible. Ouais, tu vois, et j'étais vraiment. Et je me suis dit, bah, allez-y, c'est pas grave, je vais vous ralentir. Continuez sans moi. Ah, t'as fait platoon. Et en fait, la différence, c'est que j'ai pris conscience du vrai risque de mourir. C'est que, ouais. En fait, le vertige, c'est quand même fondé sur un truc qui est pas complètement con. Qui est que si tu tombes, tu meurs. Mais pas mal de phobies, hein, d'ailleurs. Enfin, les serpents, les araignées, c'est un délire. Et ben, tu sais, c'est, normalement, c'est ça la classification entre les phobies débiles et les bonnes phobies. C'est même les gens qui disent ah, j'ai peur des araignées, machin. Ouais, mais en fait, c'est pas complètement con d'avoir peur d'une araignée. Oui, c'est ça. Les gens qui ont la phobie du velours ou des tomates, parce que c'est des phobies qui existent, par exemple. Plus chelou. Chelou. Surtout, oui. Après, il y a quand même eu 16 morts en 98 à cause d'un velours mal mis. Oui, non, personne n'en parle. Parce que ça dérange. Nous, on en a parlé. Dans le podcast, on en a parlé, je le rappelle. Ce velours était fiché V, on l'a su après. C'était pas si simple que ça, au final. Bienvenue dans les grandes gueules. C'était pas un velours comme les autres. Non. Ouais, on mais sait. Tu vois, c'est, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai pas peur de me casser la gueule, en fait. Je sais pas pourquoi, c'est complètement irrationnel. Parce que j'ai pas peur de me blesser, j'ai pas peur d'être handicapé, Alors, j'ai pas peur de mourir au sens conscient du terme. Mon inconscient a probablement les chocottes, alors on se parle. Mais c'est un truc, j'y pense souvent, ça me fait pas peur, tu vois. Donc, je suis dans un espèce de rapport très rationnel. Et là, c'est vrai qu'il y a un moment juste. Bah, tu es tétanisé, c'est la sensation que tu je l'ai vécu genre en haut de la chapelle le Vatican, chapelle Sixtine. Oui. Tu peux visiter le dôme et donc tu te retrouves. On en est au 16e pays visité par PV, hein. Il sort son atlas, bon bilan carbone, hein, j'ai l'impression. En fait, c'est un Où est Charlie mais avec PV, il est dans des décors du monde et il faut le retrouver. Et là, j'étais monté, quand j'ai découvert le vide, j'étais tétanisé, c'est-à-dire qu'à un moment tu te plaques contre le mur et tu ne peux plus bouger. Aïe, aïe, aïe. Et si tu as envie de faire pipi, bah ça peut sortir. Non, en l'occurrence, oui, non. Ça peut j'ai pas pissé dans la chapelle du style. T'as pissé dans ton ben, PV. T'as pissé sur le pape. Non, c'était les reliques de Saint-Pierre, mais c'est pas grave, ça n'a rien à voir. Non, ça marche. Est-ce que d'ailleurs, pardon, je dis vague, mais tu penses que la. Comment le... Non, j'allais dire le PV, mais c'est pas un jeu de mots. Enfin, l'amende est plus chère si tu pisses dans la rue, genre près du Vatican, que dans une rue normale. Ah. Est-ce que tu crois qu'il y a un truc un peu genre, bah non, là c'est encore plus interdit. Je pense quand même. Je sais pas. Selon l'endroit. S'il y a des gens qui travaillent dans la justice, s'il y a des avocats qui nous écoutent, je vais chercher pendant qu'on parle. Parce que pisser dans la rue, tu as une amende, mais est-ce que c'est genre tu pisses dans la rue très près d'un monument un peu stylé. Tu pisses sur l'Elysée. Ouais, voilà. C'est une loi dans la loi, ouais. Ouais, ça dépend. Je sais pas. Vers la tombe du soldat inconnu ou des trucs comme ça, tu vois. Il y a des euros du Vatican. Vous saviez ça? Ah bon, je savais pas. Comment on attrapait les euros? Comme chaque pays, c'était réglementaire, a dû avoir une quantité d'euros proportionnelle à la taille, à la surface du pays. Même les pays, vous ne me voyez pas faire des air quotes, mais j'en fais. Alors, donc, les faux pays qu'on entendait à Interville, genre San Marino et toutes ces trucs-là. Saint-Quentin. Truc pour aller acheter des clopes, quoi. Et ben, Andorre et compagnie, ils ont eu des euros frappés pour eux. Et visiblement, il y a eu des euros du Vatican. Ah, mais ça, les numismates doivent se les arracher. Et il doit y en avoir 14, tu vois. Mais... Il a calé un petit mot qu'il connaît. Ouais, je t'en prie. Si voilà. Je les ai mis à l'Opus Dei, ouais, <c'est ça. rire> parce qu'il y a un truc à faire. Pénélope, est-ce que tu as une phobie, toi, que tu oui. Au fond de ton cœur. Alors, l'abandon. Est-ce que t'as... Moi, j'ai peur d'être heureux. J'ai combien de temps pour moi? Moi, personnellement, j'ai peur d'être heureux, je vous le dis. J'ai peur du bonheur, j'ai peur de l'amour. Non. Alors, j'ai eu pendant très longtemps, et c'est pas sans pour s'en régler, très peur de l'avion. D'accord. Mais j'ai lu... Je déteste les livres de self... Help. N'importe quoi, mais j'ai lu le livre d'Alan Carr... qui a aussi écrit le livre pour arrêter de fumer. Alors, il a aussi écrit... C'est Alain Voiture. Oui. C'est d'ailleurs fou qu'il ait fait un truc sur l'avion. En fait, il a dit... Le mec est cohérent, il a dit, moi j'avais deux problèmes dans la vie, c'est que je fumais trop, j'avais peur en avion. Il a fait un livre sur la clope, un livre sur l'avion. Et je me suis dit, si c'est pour m'entendre dire, tu sais, l'avion c'est vraiment super safe, il n'y a pas de raison d'avoir peur, merci bien. Ouais. Et pas du tout. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont peur de l'avion, ça paraît vraiment nul, mais ce livre est vraiment bien parce qu'il passe en revue toutes les vraies raisons pour lesquelles les vrais phobiques de l'avion ont peur. Et son postulat de départ, c'est de dire « Mais t'as tellement raison d'avoir peur. mais c'est vrai que ça fait peur l'avion. Évidemment que ça fait peur. Et du coup, ça te détend. Et il te dit, mais déjà, non, il est dans ta team. Ah, merci. C'est qu'au lieu de te prendre avec de la condescendance comme 99% des gens dans le monde qui disent, ah, t'as peur en avion, c'est marrant. Lui, il dit, bah oui, bien sûr. Évidemment, tu serres les fesses au moment du décollage, évidemment. Et à chaque turbulence, tu penses que ça y est, ton jour est arrivé, et c'est normal, tu vois. Et il t'explique pourquoi c'est, etc. Et pour le coup, moi, j'avais peur des turbulences, et il te donne des images mentales à avoir pendant les turbulences qui font que tu ne respires plus dans un sac en pleurant pendant les turbulences. Donc est-ce que tu as des idées, des souvenirs d'images qu'il faut avoir quand ouais. Le spectacle de Patrick Bosso. Ouais. Non, non. Le deuxième, hein. C'est quand non, il non, les non. talons devant. Il dit un truc. Alors, attention, là, c'est vraiment un discours de niche. Mais si parmi vous, il y a des gens qui ont peur pendant les turbulences, donc déjà, statistiquement, un avion ne s'est jamais écrasé à cause des turbulences. C'est pas lié. En fait, les turbulences, ça veut pas dire que l'avion va et tomber. C'est défectueux. Voilà. En fait, c'est juste. Très bonne image mentale d'Alan Carr. Quand t'es en voiture et que tu roules sur une route, genre sur l'autoroute, ça roule, tu te rends pas compte. Si à un moment tu passes sur une route avec des cailloux, la voiture se met à trembler, elle tressaute, machin, mais à aucun moment tu dis, ok, la voiture va se renverser sur son dos et on va tous mourir. Dis, ouais, la voiture va s'écrouler dans le ciel et tomber. Et en fait, les turbulences, c'est qu'il y a des cailloux dans l'air qui font que l'avion tremble. Mais ça veut pas dire qu'il va se retourner et encore moins s'arrêter et encore moins tomber, ça n'existe pas. Donc c'est relou. Ça tremble. Tu regardes les hôtesses, elles en ont rien à carrer parce qu'elles savent que ça veut rien dire du ça, tout. C'est une bonne technique aussi. Et du coup, penser te dire, je suis en train de passer sur une route avec des cailloux, ça fait chier, mais c'est juste un tronçon de route avec des cailloux. Moi, ça m'a aidé à pas être vraiment un phénomène de foire pendant les turbulences parce que c'était hyper spectaculaire à chaque fois. J'étais vraiment à me dire, ah, voilà, on va crever, il faut que tu sors voir à tout le monde et tout. Bon, bref. Donc, l'avion est plus vraiment un problème, mais aussi je le prends suffisamment beaucoup pour que de toute façon ça le soit plus trop. Mais j'ai une phobie. Amusante et pas mal. Amusante, c'est que j'ai très peur des ballons gonflables. Moi, je déteste les ballons baudruche. Ça, c'est horrible. Les ballons baudruche, j'ai peur qu'ils explosent. Voilà. Ah, c'est ouais. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils vont exploser parce c'est que les gens les serrent l'inattendu, et le plastique se tend, et tu dis, ah, ça va péter, c'est horrible. Mais tu sais que c'est une allégorie de la vie. Hein. Non, mais c'est. Et les gens sont très insouciants avec leur façon de manipuler les ballons devant toi. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de les manipuler. Il y a ce bruit horrible du frottement des doigts sur le ballon. J'ai un réflexe épidémiologique. Ma peau, ça ne supporte pas. C'est et comme c'est les balles sur le tableau. Et ça se tend et ça devient transparent. Et imagine comme ma vie est un enfer à des goûters d'anniversaire d'enfants. Ah, c'est horrible. Où les enfants sautent dessus. Ça, pourquoi ça les fait rire d'ailleurs, ces merdes que sont les enfants. Vous l'avez entendu ici. Les souvent les enfants font des trucs nuls. Et j'ai une anecdote connard. Relative à ma phobie. Excusez-moi. Donc voilà, pour une fois que je peux la raconter. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire bah, t'as une chance, c'est que par rapport à par exemple avoir peur du vide, la peur des ballons, c'est pas un handicap social dingo. Tu vois, présent. À moins de travailler dans un parc pour enfants, d'être au McDonald's. Il y en a beaucoup. Ronald McDonald, c'est chaud, mais voilà, c'est ça. De toute façon, le personnage a qu'on disparu. Qu'on embrasse d'ailleurs, hein, de Ronald McDonald. Il est à la retraite. Hein, feu Ronald McDonald. Oh, putain. Bah, cette émission lui est dédiée, je peux pas vous dire mieux. Il doit bien se marrer là-haut l'artiste avec et Coluche et des proches. Il est mort du cholestérol. Et lui aussi, il dit, à mon époque, bah, tu pouvais rire de à l'époque, tout. Putain, les clowns, c'était autre chose. Hein. Et bref, bon, donc, c'est vrai que j'arrive à plus ou moins slalomer dans la vie entre les occasions où il y a des ballons. Parce que je connais les situations à fuir. Et puis, un jour, une fille que je connais un peu, qui est humoriste, voulait tourner un clip pour faire autour de sa chanson qu'elle a inventée. Et où il fallait qu'elle avait proposé à plein de filles de venir participer au clip. Et l'idée, c'était c'était un super joli clip avec une DA très pastel, bonbon, super jolie. La chanson s'appelait Ballon de Baudruche. Non, mais. Non. Dans ta gueule, Pénélope. Pas du tout. Non, non. La chanson, et non, et non. Le thème du clip, c'était plein de filles habillées un peu, tu vois, un peu kawaii, etc., qui font des trucs horribles, qui pètent des trucs. Ouais. Et comme quoi, vraiment, la vie est une pute. on était peut-être, je sais pas, 15 meufs, il y avait 15 situations, elle a dû tirer des traits entre les filles et les situations. Et moi, elle m'a. T'as eu le ballon. J'ai eu le brief au maquillage, elle m'a dit, du coup, toi, alors, c'est rien du tout. En gros, tu pètes plein de ballons gonflables les uns après les autres avec une épingle. Dans un avion. dans un avion avec des migales. Ça va, franchement, c'est cool. Et voilà. Et en fait, je me suis dit, comme on était plein, puis tu sais, c'était un peu. On a une journée pour tout tourner, c'est le rush et tout. Je me suis dit, ok, donc tu vas pas casser les couilles à tout le monde avec ta phobie de merde. Oui, donc, elle m'a dit, donc c'est bon, t'as pas de questions. Ça j'ai dit, aller. Non, c'est cool. Hein, c'est super. Elle me fait voilà. Et donc elle dit voilà, donc on essaie de le faire en une prise. En gros, tu prends un ballon, tu prends une épingle et tu le pètes, quoi. Je fais ouais, carrément, super. Et donc j'étais aux toilettes à respirer entre mes genoux, genre, okay, ça va bien se passer, c'est cool. Et tu t'es poignardé. Et en fait, c'est horrible parce que quand même, les mecs qui cadraient et tout arrêtaient pas de refaire la prise et disaient mais non, mais je sais pas, fais un vrai geste, pète le ballon. Et j'étais là, ah, je sais pas ce que j'ai. Je le fais pas. J'avais les mains qui suaient. Quand je le fais à l'air à l'opposé du ballon, ça marche pas. Et en fait, C'est horrible parce que pour quelqu'un qui sait, quand tu vois cette vidéo, c'est évident quoi, que vraiment je... Et je rigole, j'arrive pas à péter le ballon. Et je voulais tellement pas les faire chier que j'ai rien dit. Et après coup, elle m'a envoyé un mail, elle m'a dit bon, c'est cool, merci, c'était sympa d'avoir participé à mon truc. Mais t'as bien gâché. Et je lui ai dit sur le ton de la blague, je lui ai dit marrant parce que, fun fact, enfin, c'est un détail, mais bon, il se trouve que j'ai une phobie de ouf, c'est horrible, des ballons, donc c'était une forme de torture pour moi en fait, mais bon, c'est pas grave et tout. Et elle était hyper désolée, elle m'a dit mais tu m'aurais dit, t'aurais fait l'autre truc où tu cassais un verre, un truc comme ça. Ou tu dénuquais un môme. Mais je me disais, non, je me disais quelles sont les probabilités pour qu'avec une phobie aussi merdique, je me retrouve à devoir le faire devant une caméra avec le sourire. Mais c'est très humain, parce que moi, je crois pas avoir la phobie des ballons de baudruche, mais quand t'as une fin de soirée, faut les péter, je n'ai pas pas plus le geste normal. Ouais, j'ai un mouvement d'arrêt, j'ai mon visage qui se crispe un peu. Alors tu peux mettre un scotch, hein, c'est l'astuce. Ah, ah bah non, mais voilà. Si tu colles un scotch sur le ballon, comme ça évite l'impact de l'épingle, d'accord, ça le perce doucement. Voilà, si ça doit être tellement frustrant aussi de mode. te vider. Parce que toi, t'es de la catégorie des gens qui aiment bien que ça explose. Moi, je suis assez neutre face au ballon de baudruche. Je suis ni pour ni contre. Oh, bah oui, en fait. Bah vous osez pas tenir vos. Après, voilà. Si je dois choisir un camp, je serais plus à les faire péter vraiment que le scotch. Je trouve que c'est la solution de facilité. Ne serait-ce que par économie de scotch déjà. Bah déjà, le développement durable. Ouais, tout ça. Ne gaspillons pas la planète un minimum. Et il manquait juste un truc dans ton anecdote, Pénélope, c'est le nom de l'artiste et du morceau évidemment. Pour les gens y voir. Oui, parce que là, on est un peu sur notre. Elle s'appelle Kiyun. Kiyun. Ouais. Bah, si les gens tu viens d'inventer un. Tu viens d'inventer un. Elle s'appelle Pringles Heineken. Si les gens trouvent le clip, ils pourront laisser en commentaire. Il y a même des gens qui ont fait des on gifs animés Pénélope. Du moment où je crève le ballon, si tu veux. Ah. Donc les gens l'ont vu, hein, y a pas de problème. Oui, moi j'ai cru que t'étais allée de ça, ton anecdote, de quand t'as avoué ta phobie à ta pote, elle a fait Oui, on a vu. Non, on a vu que tu galérais. Et c'est là que je me dis que je suis unnatural quand il s'agit d'être actrice. C'est qu'elle s'est pas rendue compte que j'étais terrifiée. Donc peut-être une carrière ça, bravo quelque toi, part. Bravo. Ouais. Mais est-ce que c'est lié d'ailleurs toi tu parlais Adrien que la peur du noir c'était enfant. Ouais. Vous avez des souvenirs de trucs qui vous ont fait très très peur enfant et peut-être d'ailleurs les phobies dont vous nous parlez sont liées. Moi je vivais dans une tour isolée tout d'en haut. Donc... moi sûrement que ma sœur m'a fait péter des ballons à la gueule. C'est bien un genre de truc que font les grandes sœurs. Oui, bah, certainement. Non parce que moi par exemple à titre personnel. Non parce que je voulais vous lancer là-dessus parce que moi j'ai eu très très peur. Moi par exemple mon père regardait beaucoup de films. Et un jour, il commence à regarder Freddy, et j'avais genre 7-8 ans. Bah, jure. Freddy 3, un truc comme ça, tu vois. Très bon. Et il me disait, bah, va te coucher. Enfin, de toute façon, demain, il y a école, il fallait que j'aille me coucher. Et j'étais genre, ah, mais tu vas regarder Freddy, t'es un peu excité, l'excitation d'enfant, tu regardes un film d'horreur, machin et tout. Il fait, ouais, mais va te coucher. Et j'étais genre, ah, oh, putain, ça doit faire peur et tout. Pas envie de le regarder, mais excité qu'un truc comme ça. Mm. Et en fait, juste le son. Et la pire chose en fait, montrer directement le film parce que là j'avais juste un mec qui fait yeah, je vais te tuer avec des hurlements de meuf mais qui transperçaient l'air. Et en plus mon père écoutait ça, il avait acheté. Il était un peu sourd. Non mais c'est limite en fait. Il avait mis l'enceinte directement devant ta porte de chambre. C'est vrai que ça a pas aidé. Et dans l'autre pièce il y avait Slim qui était en train d'écrire. Donc ça va. Plusieurs fois il est venu dans ma chambre avec un masque, enfin un truc un peu. Oh bah très belle imitation. Ah bah oui, dis donc. Parce que je me suis dit il y avait non seulement Eddie Mitchell. Non, c'est Slim à travers un mur. Ouais, donc c'est vraiment c'est pas sa voix du tout. et donc oui, et ça c'est un truc qui m'est souvent arrivé que mon père venait d'acheter un peu un achat que beaucoup de familles faisaient début 2000. Des enceintes qui font un peu de bruit, des trucs qui crachent un peu. Un caisson quoi. Un petit caisson avec les. Est-ce que vous avez aussi les grands CD géants? Ah, les Laserdisc. Ah bah ouais, moi j'en ai plein encore. Bien sûr. Moi j'avais Mars Attack et Independence Day. J'ai Lord of Illusion de Clive Barker encore. Ok, stylé. C'était les CD format vinyle là. Ouais, le truc qui a duré 2 ans. Ouais. Et on était bien tristes pour les gens qui s'étaient équipés. Un peu plus en vrai, un peu plus. Hein. Un petit peu en plus. France, pas tant que ça. Moi je me souviens, c'est Philips qui fait ça. Mon père les avait ramenés d'Allemagne. Il était très fier. Il avait ramené plein de Laserdisc d'Allemagne. Et il a dit, ça mon petit. Regardez, ça c'est le futur. C'était entre le DVD et la VHS à l'époque, ce qui était déjà assez fou pour le coup. Et dans les autres trucs aussi qui me faisaient peur, je les ai notés. Ah oui, j'avais mis Le Méchant de Roger Rabbit. Ah bah oui. Ah ouais, ouais. Merci. Ah, le Judge Doom, on avait tous. Ouais, ça, c'était vraiment flippant. Alors moi, j'avais un truc trop bizarre avec Didier Lambrouille, Antoine Decaune déguisé. Tu m'en avais parlé de ça. C'est un truc. Et en fait, j'en ai parlé avec un autre pote qui lui m'a dit que c'était. C'est extrêmement précis. Philippe c'est Gildas le Chico. Déguisé. Non. La marionnette de Serge Gainsbourg dans Les Guignols de l'Info. Et il me disait, ça me terrifiait. Il avait une espèce de gros nez et machin. Et il m'a dit, j'avais une image qui m'a traumatisé. C'était l'image de Gainsbourg le vrai qui avait découpé avec un sécateur le nez de la marionnette. Ah, non, ça c'était Johnny Hallyday. C'est vraiment arrivé. Johnny Hallyday, pardon. Ouais. C'est Johnny Hallyday qui avait découpé. En gros, c'était genre, hey, Johnny, voici votre marionnette. Johnny qui est d'ailleurs autour de la table, Adrien. Genre. Alors là, tu m'as pris pour Valentin Vincent. Pardon, excuse-moi. Et donc en fait cette image du vrai Johnny énervé parce qu'il détestait sa marionnette, découper le nez d'un Johnny en marionnette taille réelle, ça l'avait complètement détruit. Et moi c'était Didier Lambrouille d'Antoine de Cône, il avait un truc de hey, « Eh alors les gars, hey, alors, la petite tapette !» Et en fait, ça me... enfin, j'étais petit, nulle part ailleurs, j'avais 4-5 ans, je pense. Nulle part ailleurs, ça se trouve à traumatiser beaucoup d'enfants, d'après ça. Mais l'humour canal, enfin, moi, j'ai revu des Poulvord de Monsieur Manhattan. T'as des trucs, je pense, ça peut traumatiser un môme, tu vois, il est déguisé en la mort. Slobodan. Ouais. C'est vrai. Tu m'as rappelé un truc qui m'a terrorisé petit, et c'est très précis. Je suis parti en vacances avec mes parents en Grèce. Il se trouve que dans l'hôtel un où nouveau pays, hein, pour le checkpoint. Ouais, pour le vraiment, checkpoint. Pardon, c'est marrant. Dans l'hôtel où on était, il tournait une semaine du Club Dorothée Vacances. Alors j'étais... Donc tu peux rappeler ce qu'est le Club Dorothée pour la plupart de nos auditeurs. Le Club Dorothée, c'est Touche pas à mon poste des années 90. C'est une émission pour les enfants de 5 à 9 ans. Mais non, ils avaient un chameau déjà, ça n'a rien à voir. Moins homophobe. Ah ouais. Et en fait, ils tournaient donc l'émission d'été, tu sais, qui était en différé. Et c'était sur la plage, bref, ils faisaient leur vie, tu vois. Et sauf que moi, j'avais 8-9 ans. Et ils voulaient des enfants pour faire de la figuration dans leur émission. Et sauf que les enfants, ils allaient pas leur demander gentiment ou d'aller voir les parents. C'était des... J'allais dire rafle, mais le mot est fort. Oui. Le mot est très fort. Rafle, c'est ouais. Quand même assez teinté. Hein. C'est un mot qui est connoté. C'est connoté. Hein. Ouais. C'est connoté. Alors c'est un mot qui a mauvaise presse. Hein. Non, on n'est pas sur un Veldiv. Ils faisaient des enlèvements massifs, parce que c'était concrètement ça. Et je me souviens, j'ai une image que j'aurais toute ma vie, j'étais terrorisé par Jackie, qui faisait le plus peur, parce qu'en fait, il n'aimait pas du tout les enfants. Ah ouais, En dehors de la caméra, ils n'étaient pas sympas du tout. Non, pas du tout. Coup de coude. Non, mais la légende, c'est que Dorothée détestait les enfants. Ouais, il paraît. Et je n'ai pas le souvenir d'elle, moi j'ai un souvenir de Jackie. Moi j'ai dansé un slow avec Jackie, mais je te raconterai une fois. Oh non. Ma pauvre. Et je me souviens avoir fui, j'avais couru sur la plage et je m'étais caché derrière un transat et j'étais tremblotant à l'idée que Jackie puisse me trouver pour me forcer de venir dans l'émission. Et vraiment, j'ai un souvenir traumatisant du Club Dorothée. Et de Jackie en particulier. Donc. Et depuis, Jackie, t'as le plan du Club Dorothée tatoué dans le dos, c'est ça ? Ouais. Au cas où. Voilà. Non, mais Gabriel. Le dernier truc que j'ai noté, mais alors pareil, c'est une peur vraiment irrationnelle d'enfant. J'avais très peur. Les yaourts. Quand. Bah, comme tous les mômes. Comme tous les mômes au final. Des épinards plutôt. La phrase. Je miaulerai de temps en temps dans cette émission. Non, en fait, TF1, quand ils mettaient des films accord parental souhaitable à 20h50, il y avait une voix très flippante qui disait TF1 vous informe que le film que vous allez voir est. Et flippant Le chat est terrorisé. Hein. Mais c'était moi qui le faisais à l'époque. Donc, bien parce qu'il j'ai encore des beaux restes. J'avais 7 ans. Hein. Voici pour preuve, et il mettait que les images les plus violentes du truc. C'était très mais non. bizarre. Ah non. Non, non, non. Non, mais c'était une. En fait, vous c'était. Vous ne croyez pas ? D'accord. Ah voilà, ouais. Voilà, ah voilà, ouais. Et voilà. Alors, j'avais menti ? Il y aurait même pu avoir ça. J'ai souvenir d'une voix féminine, mais du coup, qui mettait aucune émotion. Qui disait TF1 vous informe que le film que vous allez voir peut contenir des scènes qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Ah oui. TF1 vous déconseille donc de regarder ce film. Et genre, j'étais là, genre. ça va me heurter ma sensibilité en plus. Et souvent c'était des daubes parce que c'est accord parental, donc c'est genre Anaconda ou tu vois des trucs, des trucs très flippants. Et du coup cette phrase me faisait plus flipper que le film qu'il y avait après. Bah, qui c'est était la souvent, promesse quoi. Mais ça, c'est un régal de psy ce que tu racontes. Ouais. Hein. Souvent encore... quand tu te dis tu vas avoir peur, t'as plus peur que tu. Bah les grands 8, moi je sais que j'ai eu ça tout le temps. Mon père me je ferai un podcast sur mon père. Mais mon père avait un peu un truc de écoute, si ça m'empêche de faire un truc, c'est vraiment chiant. Donc même si t'as peur avec tes jeunes, tu vas le faire quand même avec moi, sinon ça m'empêche de le faire. Ah, oui. Et quand on allait à Disneyland, même si j'avais pas très envie de faire Space Mountain ou Indiana Jones et le temple. Le temple maudit. Non, ça c'est le temple du péril. Péril à l'envers à l'époque. Oui, qui était une idée con, hein, je le rappelle quand même. Une idée débile qui te détruit la nuque et vraiment, il aura fallu 4 ans pour dire venez, on le remet à l'endroit. Vraiment, tout le monde déteste. Tout le monde est en fauteuil surtout. C'est un indice quand même, Steve, non ? Vous avez remarqué une recrudescence de fauteuil ? Ouais, mais c'est incroyable. Moi, je pense que c'est juste une coïncidence et que vous êtes très fixé sur les détails. Et les grands 8 me faisaient me chier dessus. Et les files d'attente de grands 8, c'est ça, c'est dans la t'es devant le truc et t'entends des gens hurler, t'entends le rock'n'roller coaster du Walt Disney Studio. Tu voyais le départ. Il y a départ. Pas voir Aerosmith, il refait donc tu flippes un peu quoi. Non, mais tu vois le wagon partir en fait. Et ça, c'est très flippant en fait. Tu vois vraiment avec des gens qui font, enfin, tu vois, qui partent de ton champ de vision quoi. Ça va tellement vite que le départ te paraît d'une violence, et surtout quand t'es petit et que t'as peur. Et que t'as pas à être là, du coup. Ouais. Et une fois que tu l'as fait. Et tu l'as fait, du coup. Ouais, je l'ai. Bah, t'es obligé. Et quand je les ai faits, j'ai kiffé sur le moment après. C'est juste, c'est aller au-delà de la peur. Et alors que ma mère, par exemple, qui détestait les grands 8, mais qui était obligée de le faire aussi, parce que mon père. Et bah lui, par contre, l'inverse, elle détestait. Vraiment, elle hurlait dans le truc et elle fait, mais plus jamais, je veux plus jamais faire ça. Tu vois, moi, j'ai jamais fait Space Mountain, mais j'ai fait la queue de Space Mountain au moins 4 fois. Et tu t'es dit, mais en fait, j'essaye. Pendant la queue dans Space Mountain, c'est l'ascenseur émotionnel. Je change d'avis 8 fois pendant l'attente. Et à chaque fois, une minute avant la fin, je fais. Non, ça n'a aucun sens, je m'en vais. En fait, ouais, je commence en me disant, ouf. Allez, ça suffit, j'y vais, ouh. Et puis en fait, on te montre la vidéo, on te dit, est-ce que vous faites la bonne taille? Est-ce que vous n'êtes pas enceinte? Est-ce que vous n'avez pas une condition cardiaque? Et t'es genre, en fait, je vais poser la question, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes athlétique. Vous avez peur des avions, c'est pas. Tu vois, et tu dis, mais on parle toujours d'un manège ou pas? Et en fait, plus le temps passe dans la queue. Et tu sais, du coup, tu regardes les autres gens dans la queue, tu dis, enfin, lui, il a 11 ans, quoi, donc c'est que ça doit aller quand même, tu vois. Ce truc des enfants, moi, c'est tout le temps. Putain, mais juste, ils ont pas de conscience de la mort, c'est pour ça, bon, bref. Et à chaque fois. À vraiment impact, moins 3 secondes, je fais non, mais du coup, je vais t'attendre à la sortie en fait. Et du coup, je l'ai jamais fait. Ce qui te bouffe quand même les 3 quarts de tes journées, puisque bah, les files d'attente de Disney, ouais. Bah non, du coup, c'est moi qui reste avec les enfants. Ah oui, d'accord. Ah bah, du coup, Pénélope, elle fait aucun manège, donc c'est bon. Elle fait que les trucs de merde, genre tu vois, les poupées, les pirates. Elle fait les tasses. C'est bon. Ce qui est sûr, Pénélope, en tout cas, c'est que si tu veux faire ce grand 8, t'as qu'à demander au père de Flaubert qui va te forcer à le faire. Ferme ta gueule, on y va et c'est tout. Et tu vas le faire sans aucun souci. Ah, c'est une pédagogie qui a fait ses preuves. La preuve, je suis très heureux. Mais tu l'as fait, et du coup, c'était cool. Et maintenant, tu dis, en fait, effectivement, ce qui fait peur, c'est l'attente et pas la peur en elle-même. C'est ça, et j'adore les grands 8. Les psys te disent, il n'y a rien qui fasse plus peur qu'une porte fermée. Il faut l'ouvrir, tu vois. Ah, donc voilà, c'est en fait ton père, c'est pas complètement con sa stratégie, tu vois. Ouais. De te dire, après, nous fais pas chier avec ton père. Après, c'est un vrai con. Ouais. Non, mais après, il y a une absence de pédagogie peut-être. Fais une c'est émission juste là-dessus. C'est juste un cas isolé qui a bien marché. Non, mais d'autres où c'était un peu moins probant. C'est juste qu'il y a, pour forcer à faire un manège, il peut y avoir une discussion plutôt que tirer un bras par d'un les enfant. Mais il a peut-être pas le temps. Le baïonner, tirer par les cheveux et le jeter. Et même pas faire le manège. Juste le filmer en train d'avoir peur. Non, mais comme quoi, et après, le mettre sur YouTube et regardez, c'est mon fils, c'est nul. Grosse merde, t'as gerbé sur toi, pauvre porc. Il y a quand même un truc qui est assez incroyable. Je divague un peu, mais on a fait. Je suis parti aux États-Unis parce qu'il n'y a pas que toi qui voyage, PV. Ah bah oui, j'ai l'impression que tout le monde est en train de faire son background. J'ai fait un rêve de. Oui, bah moi, pour le coup. Et j'ai un rêve de gosse qui était d'aller au Universal Studio. Hashtag rêve de gosse. Hashtag rêve de gosse. Non, vraiment, c'était un rêve. Le Jurassic Park d'Universal Studio était un truc dont je rêvais. J'avais vu en fait une vidéo quand j'étais petit. T'as vu le film? Ouais, c'est super. Tu sais, les dinos? Ah là là. Des vrais, on dirait. C'est vraiment. C'est incroyable. On est dedans, quoi. Non, mais et puis la scène du dinosaure. Mais il se déplace en troupeau, vous savez. La scène du dinosaure. Ouais, moi j'adore quand il fait. Oh, c'est Jurassic Park. Ta ta ta. La musique derrière, c'est ouf. Non, c'est un. Ça c'est je sais pas. Je suis ton père. Après il coupe la main du dino. Tu confonds tous les trucs, tu confonds tout. Et le fouet mon gars. Il y avait voir ce film par contre. Il y avait plein de grands 8 et comme quoi tu reproduis toujours un peu le schéma, sauf que moi je l'ai pas, j'ai forcé personne. T'as forcé. Non mais ma meuf. T'avais loué un enfant. Ma meuf a eu. Pris un enfant hasard, attaché. Attaché, baïonné en disant bah moi ça m'a fait du bien. T'as raflé un enfant. J'ai pris un enfant qui, plus grand des hasards, avait le prénom de mon père, mais alors le hasard total. Ouais, non. Non, mais tu vois, et ma meuf en fait, on a commencé la queue, et en fait ma meuf a parfois des crises d'angoisse. Qui sont pas comme toutes les crises d'angoisse. Nul. T'avais peur dans le noir, donc poupougne, j'ai envie de te dire, comme dirait Vincent Lagaffe. Il a bien rétorqué. Et une crise d'angoisse. Et le premier truc, comme quoi t'es formaté, j'ai dit non, mais vas-y, il faut y aller et tout. Et j'ai fait ah bah non, oui, non, ça c'est pas, tu vois. Mine de rien, ce que mon père m'avait asséné toute mon enfance, où j'avais dit putain, quel gros con quand même. Je l'ai refait immédiatement à la première occasion, quoi. Où elle me disait, non, mais là, je crois que j'ai un peu peur, je sais pas. Je fais, oh, allez, on a fait la queue 20 minutes, c'est bon. Ce qui était l'argument de mon père à chaque fois, de dire, eh oh, 80 balles, hein, la place pour Disney, on va quand même pas se taper. Maintenant, on va l'amortir, s'il te plaît. Mais c'est bien que je fasse ce bilan, comme ça, calmement. Non, mais c'est fou. Avant d'avoir des enfants. Ouais, non, mais voilà. Tu vois, pour pas faire chier tes gosses. Tu te bloques et tu fais, ah oui, non, bon, on va aller dehors, effectivement, on va pas faire cette attraction. Et tu l'as pas fait, du coup? Non, on l'a pas fait. Et au final, non, mais tu sais quoi? Et alors là, c'est là où c'est fou. C'est qu'elle t'a tiré vers le bas, c'est ça que tu veux dire? C'est qu'elle t'a largué. Ma meuf me ralentit dans la vie. Non, bien sûr. C'est qu'en fait, trois heures plus tard, elle allait mieux. Elle m'a dit, viens, on le fait. En fait, je vais pas me laisser bouffer par mes crises d'angoisse. Elle a dit, allez, vas-y, c'est bon, 80 balles. Et elle l'a fait, et elle a trop kiffé. Mais elle l'a fait d'elle-même. Donc comme ça, c'est une belle histoire. Elle t'a forcé à le faire ou pas, toi? Un ricain, un gars. T'es allé aux toilettes, t'es revenu, elle a fait, j'ai fait le truc pendant que t'étais aux toilettes. C'était génial. Je te quitte. Waouh. Parce que justement, j'étais ouvert et tout. Parce que c'est un gros loser qui avait peur à Indiana Jones quand il était petit. Désolé. Gros loser, tu m'as même pas forcé à la faire, l'attraction. Je te quitte pour ton père. Je me suis souvenu de trois trucs qui m'ont fait peur. Ah bah vas-y, t'en supplie. Alors, premier truc, il y a le dessin animé Brisby et le secret de Nîmes. Je sais pas si. Ah bah Tigane. Hein? Les méchants. De Ratigan? Ratigan, c'est dans Fievel, non? Pas du tout. T'es sûr? Et Mad Martigan, c'est dans Willow. Non, Ratigan, non. C'est pas. Ratigan, et avec. Là, une chauve-souris avec une jambe de bois, non? Non, voilà. Et la Renault pas... Mégane, c'est une voiture. Donc oui, bien vu, bien vu, bien vu. Strictement. Non, mais Erdogan, c'est le président en Turquie. Ouais, rien à voir. Ratigan, c'est. Mais c'est pas dans Fiverr. Mais Ratigan. Dans quoi? Mais attends. Brisby, c'est des souris aussi. Non, Brisby, c'est Jonathan. Il y a une araignée très flippante. Est-ce que dans Brisby, les souris doivent rentrer dans une belle, aller voir la reine d'Angleterre qui est une souris et récupérer une marionnette? Il n'y a pas d'humain dans Brisby. Si tu parles de Ratigan, il s'agit du méchant dans Basile Détective. Voilà. Ah oui, d'accord, ouais, je l'avais tellement plu. Ouais. Non, Brisby, elle se crée des. On pourra faire un aparté sur Fidget, la chauve-souris avec une jambe de bois, qui est une vraie. Qui est apparemment une phobie pour toi, donc j'ai l'impression. Et pas que pour moi, j'aime mieux dire, parce que j'ai tâté un peu autour de moi et on est nombreux. Tu dois pas aimer Pirates des Caraïbes alors. Hein. En termes de jambes de bois, il y en a pas mal. D'ailleurs, c'est peut-être un des films avec le plus de jambes de bois. Écoute, je vérifie sur internet, c'est le cas. T'as vérifié si vite. C'est vite, bah ouais. Bravo. Mais c'est quoi l'histoire de Brisby? Alors Brisby, c'est en fait des. Rien à voir avec Brise de Nice d'ailleurs. Non, d'accord, ok. Il y a 2-3 personnes qui se font bien casser, mon gars, mais. C'est tout. Ça s'arrête là, la ressemblance s'arrête là. Ça se passe pas à Osgore non plus. Non, pas plus. Enfin, il y a très peu de surf. Très peu. Mais la BO est de Big Flo et Oli, par contre. Il y a quand même 2-3 points communs. Il dit, oh, une souris célibataire avec 3 enfants, elle pleure le soir. Enfin, ce genre de choses. Non, elles vivent dans leur tanière, enfin leur mais habitat, leur repère de souris. Dans la rue, comme moi. Et en gros, il y a des humains qui font des travaux. Et du coup, qui vont détruire leur habitat. Et du coup, elles doivent aller vivre ailleurs. Mais la maman, je crois, est très souffrante. Ouais. Et du coup, c'est compliqué. Et du coup, ils doivent aller chercher un moyen de, je crois, de la guérir ou un truc comme ça. Et du coup, ça prétexte à des péripéties, etc. Oh, une grande quête, on peut le dire. Et il y a une putain de chouette c'est ou de hibou, je la sais. La chouette qui te fasse flipper et pas l'araignée. L'araignée, elle est. Mais l'araignée, je me rappelle. Ah putain, mais si, mais oui, l'araignée, oui. Mais la chouette, elle est pas horrible. Bah, moins que l'araignée pour moi. Mais après, chacun ses phobies, encore une fois. Non, mais en plus, bah, je vais pas spoiler, mais je crois qu'en fait, la chouette, elle est sympa au final. Elle est cool, ouais. Mais quand on la voit la première fois, avec ses yeux là. Mais c'est un très bon dessin animé en tout cas. C'est vraiment très bien, mais c'est vraiment flippant en fait. C'est genre Don. Ah non, c'est un truc allemand. Je crois que c'est Don Bluff. Ouais, qui est allemand. Il est allemand. Donc ça, voilà, ça m'avait fait flipper. Deuxième truc, le film Et la tendresse, bordel. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y a Jean-Luc Bidault qui se fait couper la bite avec des ciseaux. Ah oui. Horrible traumatisme. Mais t'as vu ça à quel âge? Je sais plus, j'étais vraiment petit, je pense, parce que ce film, je sais pas de quand il date, mais années 80, je pense. Ouais, même fin 70 dans mon souvenir. Non, mais ça se trouve, t'as. Ouais. Calme-toi quand même. ouais, il se fait couper la bite avec des ciseaux. Et on voit rien, mais on voit juste ses mains comme ça qui tient sa tub avec du sang qui coule. Traumatisme. Quand j'étais petit, j'avais vu ça. Et le troisième truc, c'est dans les Fraggle Rock. La grande crado. Exactement, oh, mon délire, gars. Mais c'est ça me faisait flipper ça quand j'étais petit. Mais genre, là, j'étais vraiment tout petit, quoi. Et la grande crado. Plus faire Fraggle Rock. Bah non. Parce que c'est des proches. C'est ouais. Des proches. Mais... Ah ouais, il dirait. Ouais, non. Bah, il avait fait Fraggle Rock. Est-ce que quand vous étiez petit, vous aviez vu Le Choc des Titans? Le Desmond Davis, la vieille version. Le film de Harryhausen, quoi, en motion. Ouais. Et toi, c'était la Gorgone, donc. La Gorgone, à peu près un mois à dormir avec la lumière allumée, à réveiller ma soeur, finie à faire « Il y a la méduse qui vient !» Ta gueule. Et vraiment, Le Choc des Titans, la VHS, mais en fait, rien que de voir l'étiquette écrite à la main, Le Choc des Titans, j'avais des frissons. C'est le film qui m'a... Je veux dire, jusqu'à ce que je vois L'Exorciste, c'était le film qui m'a fait le plus peur. L'Exorciste, ça a baisé la tête de tout le monde, hein, c'est fou. Ouais. Surtout quand on le voit trop jeune, je pense que c'est précis. Ouais, moi, je l'ai pas vu jeune, donc ça va. Ouais, puis maintenant, je vais me faire taper sur les doigts. Oui, quoi je pense. Non, mais il y a des trucs qui ont un peu vieilli. Donc, du coup, je pense que t'es quand même toujours pas serein si tu regardes L'Exorciste. Ouais. Oui, en fait, mais. C'est glauque L'Exorciste. C'est-à-dire que c'est que ça fait que peur, c'est que toute l'ambiance est un peu genre. Oh. Est un peu pesant, quoi. C'est vrai qu'on se met beaucoup de crucifix. Ouais, dans la queue. Maintenant, c'est devenu banal. Maintenant, c'est un peu. Tu vas sur YouTube. Maintenant, n'importe quelle chaîne d'ASMR, il y a des meufs qui se mettent des crucifix dans la chatte, quoi. Bah, les Millennials, c'est selfie, hand spinner et crucifix dans la chatte. Ça m'a rappelé. Appelle cette émission comme ça. Les Millennials adorent le crucifix dans la chatte. C'est un titre un peu long. Je peux rester sur crucifix dans la chatte. Ouais, crucifix dans la chatte, c'est vendeur en plus. Ouais, restons sur crucifix dans la chatte. Petit traumatisme très rapide, Gary Oldman dans Dracula, la première scène où il a son armure rouge là. Oui, bah, l'ouverture en fait. Oui, mais mi-terrifiant, mi-sexy. On en parle ? Ah, même, ouais. Oui, même quand t'as un homme hétéro, peut-être. Même sexy peut-être. Plus. Non, quand il a ses lunettes rondes colorées, oui, c'était les 90s, c'était beau les lunettes rondes colorées. J'ai vu que ça. Je l'ai pas vu. J'ai vu que cette scène, petit, et ça m'a fait. J'ai rien vu, moi. Attendez, tout le monde parle en même temps. T'as déjà vu un film à part Brisby ou. C'est. Non, non. Non, pour remettre dans son contexte. C'est vachement bien, Dracula. Ouais, c'est génial. Celui de Coppola, on parle de Coppola. Je l'ai revu il y a 2 ans à peine, donc à 30 ans, j'ai eu un truc genre, allez, et alors j'étais. Tétanisé pendant le faut dire que t'étais en haut de la tour Eiffel. Oui, faut le rappeler, ouais, sur une tyrolienne. Et il y avait des turbulences à ce moment-là. Bref, je regarde Gary Oldman et il est tellement bon dans ce film, il est incroyable. Et en fait, le film est très beau. Et le souvenir que j'en avais, qui était la cruauté, c'est pas du tout le propos du film, parce que c'est la baise. Drukela. Ça baise pas mal, hein. J'allais dire Drukela. Michel. Michel, ouais, vraiment. Dracula, c'est une histoire d'amour. Ah bah oui, c'est pas une histoire qui fait peur, c'est une histoire d'amour. Et il y a quand même Monica Bellucci qui a 20 ans dans ce film. Ouais, un peu et qui plus. Est nue, je crois. Ouais, mais avec très peu de ses films. Avec d'ailleurs. Deux copines à elle. Ouais, ah, oui. Non, ce film est incroyable. Non, mais surtout, je sais pas si tu te souviens du contexte, quand il est sorti, il était interdit aux moins de 12 ans. Et ouais. Moi, il est sorti quand j'avais 11 ans. Ah, et c'est le premier film où j'ai truandé. Oh, ah, yeah, yeah. Oh. Et j'étais au ski. J'étais au ski. Et j'étais genre, ouais, c'est bon. Genre, j'ai fait la grosse voix, genre, ah, c'est bon, j'ai 12 ans. J'jure. Et je suis allée le voir. Et en fait, je pense que c'était pas pour la violence que c'était interdit, c'est à cause du cul. Bah, c'est cul, que ouais. Il baise, mais non-stop, en fait. Ouais. Gary Oldman, à un moment, il prend une apparence. Désolé, tu l'as pas vu, bouge-toi les oreilles. Mais à un moment, Dracula prend une apparence de semi-loup-garou qui vient baiser la meuf pendant la nuit sur une tombe, là. Mais moi j'avais 11 ans et demi. Je l'ai vu cette scène. Mon cerveau explosait. T'as remarqué qu'ils avaient pas mis de préservatif. Sur YouPorn. Mais c'est vrai, ils se protègent très peu. Après, par la suite, j'ai de nouveau truandé pour aller voir Scream quand j'avais 15 ans. Oh là là. Alors qu'il était interdit. Après, une vie de vandale. Mais toi, t'es rentré en boîte. Une ambiance scandale. Ouais. Mais il a baissé avec le temps, non? Ah oui, je pense. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus comme à notre époque. Mais... bah, les millennials, ils ont Snapchat. Scream, il n'est pas si vieux. C'est peut-être que c'est un vrai tueur. Mais c'est suffisamment vu pour que j'ai eu 15 ans à l'époque. Donc ça. Tu confonds avec Scary Movie. Non, non, mais Scream, en vrai, c'est pas très violent. La meuf qui se fait coincer dans la porte de. C'est ouais. Marrant, ça c'est marrant. Bah, mais tu sais pourquoi? Parce que je pense que pour plein de gens, c'est aussi la première fois qu'on voyait un film d'horreur. C'est oui. Qu'en fait, moi, une copine m'avait obligé à regarder Suspiria quand j'avais 11 ans et c'était un cauchemar. C'était un très bon choix. Ouais, génial, j'avais vraiment adoré. Mais sinon, voilà. Et alors, là, c'était j'ai un talent, elle a de l'ironie là. Enfin, je décèle l'ironie c'est dans les voix. Ah, un petit peu. Moi, j'étais totalement premier. Je l'avais pas. Ça m'était passé au-dessus. Et d'ailleurs, c'est marrant, parenthèse Suspiria, on parlait du son. J'ai re-regardé Suspiria en enlevant le son, ça ne fait pas peur. Ah. Si t'enlèves parce qu'en fait à part ça c'est des lumières rouges, des lumières vertes, bon tu vois. Voilà. Mais si t'enlèves le son dans Suspiria, c'est bon, c'est des meufs qui font de la danse quoi. Alors que l'enquête corse fait peur si tu mets le son. L'enquête corse, ouais, je jure. C'est vrai qu'après l'habillage sonore est très très valorisant. Ah dans bah la il peur. Donne tout en fait. Et la musique des Goblins, qui est un groupe 70s italien, fait une musique, le score est extrêmement flippant. Mais moi j'avais vu ce film parce que dedans il y avait Jessica Harper et que j'étais fan de Phantom of the Paradise. Bah, moi, je m'étais dit ah c'est super. Et en fait j'ai regardé tout le film en me cachant les doigts. Avec les yeux avec les doigts. Oui, parce que c'est... En me cachant les doigts. Après, tu peux tricher les doigts, mais c'est pas vraiment rassurant. Je comprends pas, ça marche pas, j'ai écoute, toujours c'est peur. C'est mon truc, alors laisse-moi tranquille. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai coupé le son et j'étais vraiment genre, ah, mais en fait, c'est tout bidon. C'est cool, c'est un truc dans un opéra. T'as coupé l'électricité, t'as dit, mais ça fait. Ah, franchement, ça me fait rien. T'as coupé le son et t'as un pote qui faisait toutes les voix en parlant comme ça. Ouais. Cours, cours, petite fille. Ah, bah, je vais t'assassiner. Bref, je pense que Scream, pourquoi est-ce que les gens. C'est pas les millennials, c'est les vieilles personnes qui sont dans les années 80. La génération X, les X. Calmer, pourquoi est-ce que c'était vraiment horrible? C'était que, en fait, avant ça, on n'avait jamais vu de film qui faisait peur. Et là, c'était un film que tout le monde avait vu. Cette année-là, tout le monde avait acheté le masque du tueur de Scream. Mmh. Tu vois, c'était un peu le truc. Puis cool c'était des jeunes qui se faisaient tuer. C'était mais quand c'est même ça, des, en fait. Des jeunes qui avaient l'air intelligents. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était la recette de tous les films d'horreur. Tu vois, oui, c'était toujours des teenagers, mais c'était là, c'était genre. Mais c'était ce qu'on a appelé, ce qui a été néo-slasher en fait. C'était une vague de slasher qui s'était arrêtée, c'était revenu au goût du jour par Scream. Et du coup, comme on avait slasher oublié des, que ça des trancheurs. Beaucoup, des trancheurs. Des trancheurs. Oui, puis tu sais, il y avait un truc effectivement vachement réel. Genre, ils appelaient avec des énormes téléphones portables. Comme ça. Et c'était. Puis il y avait des acteurs qu'on connaissait qui étaient cool. Tu vois, il y avait Courtney Cox et tout. Donc c'était comme là, c'était un peu la vraie. Et Neve Campbell qu'on avait vu dans Dangereuse Alliance. Vous avez vu Dangereuse Alliance? Moi, j'avais vu Party of Five. Les derniers deux, ou un truc comme ça. Ou Scream 2. C'est dans lequel où il y a Sarah Michel Gellar. Ah ça c'est dans Souviens-toi l'été dernier. Voilà, dans Souviens-toi l'été dernier. Et enfin. Bah j'étais pas bien parce qu'elle crève, autant ouais. Vous le dire. Ouais, et que j'avais vu Buffy avant. Et alors ça vraiment les gens ils qui font du cinéma, Buffy. Ouais, les gens qui font des films, quand vous prenez des stars qu'on connaît, qu'on aime bien et que ne vous les tuez, c'est super dur pour les gens. Voilà, je vous ouais. Le dis. Ça m'a fait ça avec Bruce Willis dans Armageddon aussi. Ah bah, ouais, c'est pas, vu, pas mourir, ouais. Oui, bah c'est spoiler un film qui a 30 ans. En fait, t'as vu aucun film ? Non, c'est vrai, j'en ai vu très peu. Mais alors, pour Scream, je comprends complètement, parce que moi, le film d'horreur qui m'a traumatisé, gamin, mais je l'ai vu vraiment trop jeune et il est vraiment chelou, j'avais vu le film Maniac, Qui est en fait un vieux film, voilà. Non, pas du tout. Qui est là. Mais non, mais c'était le thème du film. Effectivement, il n'était pas en adéquation avec ça. Je croyais que c'était ça. D'où ma surprise. J'étais mis dans très peu. Chic, un film sur une fille qui danse énormément. Ah, c'est pas du tout ça. La fille n'est toujours pas là. Non, mais en fait, voilà, c'est un gars qui assassine des meufs et des mecs d'ailleurs, mais au hasard. Et ça m'a terrorisé en fait. Et qui se casse Scream, en plus. Parce que dans Scream, en fait, il y avait un côté où il tuait des gens d'un lycée et il y avait quand même un petit côté. C'est un fil rouge. Qui sait quel tueur, tu vois. Là, c'est un gars qui dit c'est moi, je suis donc un assassin, vous me suivez moi, et je vais tuer des gens complètement au hasard, de façon random. Et chez moi, j'ai des mannequins de magasins de vêtements. Je raconte le film. Ah d'accord. Parce que sinon tu l'aurais vu, on est vraiment chez moi. On voit Pénélope reculer, vous ne voyez pas vous, mais elle est en train d'aller vers la porte au fur et à mesure. J'ai pas vu l'heure. des mannequins voilà de H&M genre et qui peint et qui parle comme si c'était des vraies femmes et il les mélange avec des vrais corps de femmes ensuite qui fout sur des c'est très secos, très très dérangeant effectivement. Et je l'ai vu pas chez moi, ce qui joue beaucoup. Je l'ai vu chez un pote. Prison. Et après, il m'a fait dire bah, ok, on va se coucher. On dormait pas dans la même chambre, et donc je dormais dans une chambre que je ne connaissais pas, dans une maison pas, très éloignée d'un centre-ville, et j'étais pas très bien. Et je surtout, vous déconseille, maniaque. Quand tu dors dans un endroit que tu connais pas, c'est comme quand t'as la fièvre. Tu sais, tu te réveilles la nuit, t'es dans le noir, et tu tâtonnes, et tu reconnais aucun des interrupteurs, aucun des murs, et du coup, tout est. Enfin, c'est le pire, quoi. Moi, j'ai vu, tu sais, dans ces circonstances-là, j'ai vu Il est revenu. Le téléfilm où il y a beaucoup de ballons de baudruche qui est passé chaque année qui s'appelle ça sur M6. C'était incroyable. Non, il s'appelait Il est revenu, entre guillemets, que j'ai vu chaque année sur M6 quand il est passé mes 7 ans à mes 15, quoi. Et qui d'ailleurs, c'est une forme de pavé dans la mare, mais fait beaucoup plus peur, je trouve, que le film qui est sorti l'année dernière. Oh, j'en ai vu aucun des deux. Non, t'as mais Flaubert n'est pas d'accord. Il est revenu, mais ça, c'est pas possible. Non. Qu'est-ce que tu faisais en fait, toi, de tes vendredis soirs quand t'étais enfant et adolescent? Moi, je créais, pardon. Ou alors je pleurais. Je pleurais dans le noir en ayant peur. C'était soit l'un, soit l'autre. Moi, petit, ma vraie frayeur. Moi, je suis tombé dans des films d'horreur très tôt, trop tôt certainement, mais ça s'est bien fini au final. Mais le vrai traumatisme que j'ai eu alors, enfant. Aussi. Laisse-nous en juger quand même. Okay, t'es un taré. Allez. Si on peut plus planter quelqu'un dans la rue maintenant, bon. Ouais, on peut pas. Ah bon? Je suis un parfum. On en parlera. Ça après. Redéfinit toute ma vie. C'est illégal. C'est illégal. C'était Poltergeist de Toby Hooper en 80. Oh enfin, plutôt de Steven Spielberg. Oh, on va pas rentrer dans cette polémique. Oh, je défendrai Toby jusqu'à la fin. Il était coqué à la mort. Il n'a pas pu réaliser ce film. Ok. Ouais, et on peut le revoir encore maintenant, l'original. Et, en termes de mise en scène, il y a des trucs qui sont toujours très très flippants. Ça démarre sur une ouverture où il y a. Il va encore tout raconter. Ah ouais. Merde. Tu l'as pas vu, j'imagine. Il y a un mec qui explose. Il y a un mec avec. Voilà, bon, qui explose, il y a un coulis autour de la Terre. Non, ouais, c'est une petite fille qui parle à une télé et c'est très étrange. Mais moi, ça me faisait pas peur, les trucs qui étaient surnaturels ne me faisaient pas peur. Moi, j'étais vraiment peur. Les ça comédies, peut m'arriver. Les comédies de Louis de Funès. Les comédies de Louis de Funès me faisaient. Le mec, il tombe dans une cuve à chewing-gum. Ah, c'est effrayant. Il pourrait se noyer. Et bah, tu vois, je trouve que le truc qui était le plus flippant dans tous ces films-là, et en fait, même dans les bouquins, c'est quand. Les gens autour de toi peuvent en fait, sans que tu le saches, avoir été contaminé ou avoir basculé, et qu'en fait les gens proches de toi sont ceux qui vont te. Tu sais, c'est un peu un ressort de plein de Stephen King, c'est qu'il reste un groupe de 8 survivants d'un truc. Ah oui, oui. Un truc qui rend tout le monde fou, et tu dis ah heureusement on est les 8 ou au moins on est tranquille, on est entre nous, et tu découvres qu'en fait il y en a un. Non, en fait, lui aussi il a basculé. Tu dis ah mon dieu on est plus que 7. Et moi le côté en fait potentiellement ton pote, ta mère, ton voisin peut être celui qui va essayer de te. Ça buter. T'aime pas. C'est vraiment le truc qui me rend dingue. C'est, dans les... c'est trop quotidien. Et, ça n'a... Et pour le coup, ça n'a rien de surnaturel. C'est vraiment. Non, c'est, mais c'est ce qui terrorise ma meuf. Ma meuf est terrorisée par les gens qui deviennent fous. On a compris, on a compris que tu avais une meuf. Oui, après, j'ai été seul 24 ans. Alors laisse-moi name dropper. Et okay. Ma vie n'est pas si dingue. Alors j'utilise des substituts. D'accord. C'est vrai qu'on, cela dit, on s'est rapproché finalement de nos peurs assez quotidiennes, des peurs de choses qui font peur plutôt que. Du cœur de la discussion, qui étaient les phobies et des choses peut-être irrationnelles, inattendues, telles que des ballons de baudruche, on a peut-être pas fait le tant tour qu'on là-dessus. Peut parler, on est dans le sujet. Ouais, c'est vraiment le concept de l'émission. Vraiment. Moi, j'ai juste noté aussi que j'avais peur de mettre enceinte une meuf. Voilà, ah, oui, je voulais vous en parler. C'est bon, du coup, en restant seul pendant 24 ans, tu as bien évité c'est une bonne protection en même temps. C'est une phobie qui. J'ai découvert cette phobie très tard. J'ai découvert cette phobie très tard en fait. Genre, ah, mais putain en fait. Mais je produis du sperme. Oh, attention. Non, ça je le savais. Je savais pas que ça servait à quelque chose. Moi, c'est ça qui m'a surpris. C'est pas uniquement gustatif. Ok. Non, mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et est-ce que vous aviez peur de trucs à l'école? Parce que ça, j'ai noté aussi. Moi, l'école, moi par exemple, longtemps. Le fait d'avoir une très mauvaise note me faisait peur. d'annoncer une mauvaise note. Parce que quand tu rentrais, je peux dire que ton père. Ah bah là, il avait construit un Space Mountain. C'était Eurodisney direct. Eurodisney. 5 sur 10. Allez, c'est parti. Allez, le temple du péril. Non, mais le fait d'annoncer quand t'es enfant un truc à tes parents, pas ouf, que ça soit une mauvaise note, faire une connerie. Avoir mis une meuf enceinte. Avoir mis une meuf enceinte. J'allais venir rejoindre Daesh. Enfin, tu vois, des trucs qui sont un peu durs à annoncer à tes parents. Les classiques du collège. Ouais, c'est quand voilà, t'es ado, ça. Ouais, bah c'est les mignoles aujourd'hui, ils font n'importe quoi avec les portables, de toute façon. Est-ce que vous aviez eu des peurs d'enfants comme ça qui. Mais tous les dimanches soirs. Des néobides à crever. Non, mais de. J'ai un contrôle, j'ai eu un avertissement. Ma mère sait pas qu'en fait, j'ai eu que 9,5 à mon truc de machin. Enfin, moi, le dimanche soir, c'était synonyme que d'ulcère, d'où l'angoisse du générique de sa cartoon, quoi. Oui, le dimanche sûr. Soir, c'était vraiment. Mais quel enfer. Et d'ailleurs, tu le gardes quand t'es plus scolarisé. Parce qu'en fait, on n'a plus vraiment... Surtout quand on fait des métiers de saltimbanque comme tous les gens autour de la table. Oh bah où en fait, le dimanche et le lundi, c'est la même chose. Pas du tout. Là, par exemple, on est quel jour on est, voilà, d'accord, on super. Est mercredi, je crois. Mais ouais, a... on a Noël, plus de raison... C'est Noël. Non, mais on n'a plus de raison de se focaliser sur « Oh, super, matin, comment ouais. ça va ?» Comme un lundi, enfin, tu vois, ouais. en fait, on s'en fout. Mais je pense que l'empreinte qu'on garde, ce n'est pas le monde du travail, des gens qu'on connaît qui ont un vrai métier. C'est vraiment les résidus de l'école. C'est qu'on a passé trop de dimanches soirs à avoir mal au ventre parce qu'on n'avait pas fait nos devoirs. Ouais. Et du coup... Mais d'ailleurs, tu peux un peu estimer la peur, le malaise des gens vis-à-vis de l'école, enfin de reprendre l'école le lundi et tout, selon le moment où ils commençaient à avoir mal au bide le dimanche. Donc, tu as ceux qui avaient effectivement sa cartoon. Les plus téméraires avaient le début du film où là, on lui disait « faut aller te coucher ». T'avais les infos, sa cartoon, vidéo gag. Moi, t'avais c'était ceux qui regardaient déjà vidéo gag ou ouais, l'après, mais. Bah, moi, c'est vite des vidéo gags, j'étais pas bien. C'était 16h. Moi, c'est 30 millions d'amis. Mabrouk est synonyme de début de stress pour moi. Ouais, donc, c'est très tôt. C'est Mabrouk vrai. Junior, j'étais déjà pas sereine, quoi. Et moi, j'ai ça alors que j'ai fait l'école de la rue, je me rappelle. C'est vrai, le bitume. Ouais. PV, toi, des craintes liées à l'école ou pas du tout? T'étais un peu en palais en fait, parce non, que moi, tu j'étais plutôt cramais des bagnoles. Non, pas du tout. C'était des petits vélos. J'ai toujours aimé l'école parce que je m'y suis très souvent fait plein de copains. Et parce que j'adorais apprendre. Non, oh. En fait, j'ai eu un parcours... scolaire qui était un peu bon, qui s'est bien passé, mais je veux dire j'ai eu genre... Est-ce que c'était un grand 8 parce que sinon mon père peut me forcer à faire scolaire. Fais gaffe. Et au final les souvenirs que j'ai de collège, non, c'est vraiment que c'est des potes, quoi. Et moi je sais que la rentrée c'était un jour que j'attendais impatiemment parce ah non, que je sais que j'ai retrouvé oui. mes potes. Alors moi la rentrée toi je oui. pouvais kiffer parce ouais, que ouais. la rentrée c'est un peu qu'est-ce qui va se passer machin et tout, t'es dans la classe de qui, il y avait des trucs un peu comme ça, va y avoir Justine des trucs un peu ah, comme ça. Elle existe. C'est sa meuf. C'est sa belle histoire. Putain. Il m'aura fallu 25 ans. Et au final, j'ai pécho juste. Il a fallu que je fasse des sketchs sur internet. Putain. Et donc, non. Et, mais la rentrée, ça allait. Mais par contre, ouais. moi, c'est semaine 2. Semaine 2 de septembre, terminé. Dépression totale. Et je déteste l'école. Et je, ouais, voilà. je pense. C'est, le fait de se faire tabasser au collège a dû aider. Ah mais, oui, certainement. Oui, oui, oui, le racket, tout ça. Ce genre de choses n'a pas dû. Ouais, ça a dû aider. Non, parce que en fait, scolairement, le collège, ça allait très bien. J'étais un bon élève. Ouais. Et après, le lycée, j'étais relativement, enfin, un peu moins bon, tu vois, entre mou de la classe. Bon, non, ouais, hein. Mais j'avais tellement des copains que je te dis, à chaque fois, le lundi, j'étais trop content d'y retourner, quoi. D'accord. Donc, t'avais pas vraiment peur d'enfant qui t'a quitté J'ai toujours. Non, mais en plus, j'aime ça, moi, apprendre. Je suis un petit peu fou là-dessus, quoi. Et à part quelques profs dont je garde un souvenir nul parce que ça s'est mal passé entre nous, je dis pas que c'était forcément mauvais. J'ai vraiment des bons souvenirs d'école. Et j'ai poussé le vice jusqu'au bac plus 5, moi. Même là, t'es gentil. T'es... Et j'étais prof. Mais c'était pas forcément. Moi, j'aurais en fait, vraiment. J'ai même déjà, été je l'aurais prof, appelé hein. connard de base. Ouais. Et toi, t'es là, genre, non, mais après, on n'avait pas des rapports. Oui, mais joli. après le bac, tu te spécialises quand même dans oui, quelque chose que t'aimes, autre chose. Qui t'intéresse, quoi. Ah bah moi, après le bac, j'ai adoré. Bah, moi, après le bac, c'était trop bien. Voilà, donc, te la raconte pas non plus avec ton bac plus 5. Non, j'aime beaucoup les études. J'ai fait une prépa, en fait, et pendant ma deuxième année de prépa, c'est une des meilleures années de ma vie, cette deuxième. Alors que les gens te parlent d'un tunnel infernal où tu fais que bosser, j'ai écrit une pièce qui s'appelait... Tunnel infernal dans lequel tu fais que bosser ouais. Elle s'appelait du Rififi au Melun High School. Et c'était une pièce de théâtre avec la troupe qui est devenue les Franglaises maintenant, qui était oh, déjà avec joli. Les Franglaises. Classe. Début, stylé. Ah ouais, on a écrit première t'avais place, un plan, quatrième. C'était une prépa ouais. quoi ? J'ai fait une prépa HEC. Et allez. J'ai fait des concours, j'ai terminé, j'ai fait une grande école de commerce. Et finalement. Et pourquoi tu l'as quitté, pauvre con ? Tu te fais plein de thunes. Tu pourrais avoir une situation. Ah, je suis. Est-ce qui est drôle non, le par chapeau aux ça. Accords magiques. L'oseille. Tu pourrais avoir des tickets resto. Ouais, oh là là. Et puis une mutuelle. J'ai pas de mutuelle. Comment on va faire ? Aïe, con. Et ce qui est drôle, c'est que mes anciens. Collègues de promo maintenant, enfin c'est marrant parce qu'ils ont tous des carrières incroyables où ils gagnent des trucs, ça se compte en cas, tu sais. Ils ah gagnent, bah ils gagnent cas, des cas, le célèbre cas. Et par contre, à chaque fois, je les vois, ils sont tous fatigués, ils me disent putain, t'as de la chance quand même. Bah, je gagne moins de cas quand même. Hein, les gars. Le nombre de cas que tu gagnes est quand même assez colossal. On est sur un coef. Il y a un bon coef entre vous et moi. Moi, je pensais que parce que je vivais vraiment dans le trou du cul de la campagne, je vivais en Bourgogne en l'occurrence. Donc, chez les rednecks. Ouais, chez les rednecks. Attends, tu peux préciser quand même le département ? La Saône-et-Loire. Waouh, ah ouais, donc c'est, la ville c'est le trou du cul de la Bourgogne. Ouais, est-ce que c'est là qu'est Chalon-sur-Saône ? C'est pas très loin de Chalon-sur-Saône. Oh bah tu prends la petite. Non, parce que j'y ai fait un mariage, c'est vrai que je confirme. C'est... Ah, c'est mort, c'est loin de tout. Chalon... Hein. Sache que c'est quoi, deux jours de cheval hein. Ouais. Et sache que Chalon, c'est Tokyo. Hein, ouais, Chalon-sur-Saône, quand on y va, c'est qu'à fête. C'est que là, il y a sûrement. Ah, il y a de la restauration sur place. Un petit peu, il y a des petits restos. Non, mais tu sais, c'est qu'il y a baptême. Souvent, il y a un enfant qui est baptisé quand on va à Chalon-sur-Saône. On prend la voiture, ce qui est déjà dingue. Et en fait, je vivais, donc j'avais un jardin autour de ma maison. Et le jardin, en fait, recelait, je sais pas parler, des serpents, des araignées, des renards, des petits furets, des trucs. Et en fait, j'ai beaucoup de choses, quoi. Hurlé mille fois dans le jardin. Et je pensais que j'avais peur genre des serpents, mais en fait, non, j'avais peur d'être surpris. Et en fait, c'est juste ça, en fait. C'est juste peur d'avoir un truc que t'as pas maîtrisé, qui jaillit de ton quotidien. Et t'aimes bien les anniversaires surprises maintenant ? Je déteste ça. Bah, surtout non, tu vois, si c'est que toi aussi, t'as un potentiel de peur des ballons. Ah, mais je te dis, c'est moi, quand il faut les péter, j'ai un mouvement de recul, quoi. C'est après, l'imprévu. Encore je une déteste fois, c'est l'imprévu. Peur, Ah, ouais, donc les surprises, c'est vraiment ça t'angoisse. Les Kinder surprises, par exemple. Les Kinder surprises, alors déjà, ils ont fait avec les jouets. Pardon, hein, mais non, parlons pas. Notre époque. Ah ouais, ah, c'était autre chose. Il y avait des crocodiles Star Wars. Le point des proches du Kinder, mais quand même à notre époque. À notre époque. Bah, des proches, j'avais fait un très bon sketch sur Kinder. Ouais. Alors, les amis, ça fait déjà longtemps qu'on parle. Je vais passer un peu aux questions. Wesh, les amis. Le gouvernement Macron. Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Macron, ils ont même plein les poches. Et pas maintenant. Putain, pour une fois, j'ai la ref. Ouais, bah, bravo. C'est un Patrick Sébastien jeune. Qui avait encore de la vigueur. Il y a que des potes autour de la table. Les internautes ont utilisé notre Curious Cat pour poser des questions. Je leur ai annoncé que vous étiez là. Que cette belle petite troupe venait. Que ces gens de tous les horizons venaient autour de cette table et ils ont des questions à vous poser. Donc, alors je les prends un peu au débotté, je ne les ai pas vraiment mis de côté. PV Nova. Ça ressemble à un slam, c'est moi. Parce que j'ai une voix douce. Ouais. PV Nova, félicitations pour ton projet. C'est pas une question, c'est pas une question, désolé. C'est la première partie. Félicitations. Attends, okay, moi, quand j'ai écrit ce message, j'ai commencé par félicitations vraiment beaucoup. Félicitations pour ton projet 11 Days, 11 Merci. Song. Je voulais savoir si tu avais déjà d'autres projets prévus dans le reste de l'année. Pourquoi pas ? Et alors là, tu vas être surpris. 12 Days, 12 Mes bras m'en tombent. Où vont-ils chercher ça ? Et bah, c'est vrai qu'après avoir fait 10 days, après avoir fait 11 days. Ah, faut repousser les limites, attends, hein. Ouais. Moi je pense, si t'es vraiment un mec qui. Attends, on va voir si on pense à la même chose. Monde, tu fais 235 songs et 313 après. Après, oui. Peut-être. Ah ouais. Enfin, je sais pas. Wow. Mais après, s'il va jusque-là, pourquoi pas faire 14. Oui, ça se tient. Attendez, on va continuer. Pas en fait, donc je récapitule, j'ai fait un album en 11 jours. Ça va au-delà de l'album, puisque c'est un concept qui inclut de la vidéo, de la danse et du graphisme. Et c'est un projet vraiment, vraiment hyper bien à faire, mais ça m'a tellement fatigué cette année que déjà je ne pense pas faire de 12 days, ou en tout cas pas sous cette forme. D'accord. C'est-à-dire que je suis allé repousser des limites physiques qui ne sont pas agréables à visiter. j'ai vraiment frôlé la syncope pendant des prises. T'as fait ça en haut d'une tour. J'ai eu des moments où j'ai l'impression que mon cerveau a explosé, voilà. T'as dormi combien d'heures par mal. Jour je dormais mal, genre 5 heures par nuit. Ah ouais. Sur 2 semaines, à la fin, tu pètes un câble, quoi. Ouais. T'avais le cerveau qui chauffait le matin en arrivant au travail, quoi. Tu vois, genre, des sensations, tu te dis, bah, en fait, je vais faire un AVC. Ouais. Et c'est pas drôle, donc. C'est un peu drôle. Ça peut être drôle. C'est bien filmé, en tout cas. C'est drôle si tu fais genre un AVC sur une peau de banane. Oui. Mais après, faut le mettre au ralenti pour perdre ton voir. Pantalon. Tu fais, oh, Ludo. Ah bah, c'est Wesh Wesh les amis, en plus, qui a perdu son pantalon. Ce qu'il faut savoir. Pardon. Tout ça pour dire que pour l'année prochaine, j'ai prévu un autre projet sur lequel j'ai déjà commencé à communiquer. Et c'est extrêmement ambitieux. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est ambitieux. Mais c'est le projet qui va le plus loin. Tu vas acheter la Belgique, qui est quand même très ambitieux. Non, la Wallonie uniquement. Ouais, parce que pardon. Les Flandres, merci. mais c'est quand même balèze. Hein. Ouais. Te sous-estime pas non plus, c'est quand même assez impurzant. J'ai décidé de monter un groupe avec des internautes. En fait, ah, mais oui, j'ai vu ça. Ouais. Et c'est un vrai truc, quoi. Je vais vraiment monter un groupe avec 8 personnes que je recrute sur casting. Et donc c'est pas exclu qu'il y ait des gens de mon entourage, mais en tout cas ce seront des gens qui auront fait le casting. Et tout le monde est vraiment à égalité sur cette épreuve. Et donc c'est énorme parce que déjà c'est une prise de risque humainement de se lancer dans une aventure, essayer de vendre des dates avec des gens, tu sais pas qui c'est, tu connais pas ton line-up. Enfin, je regarde Dedo qui est musicien en face de moi, il sait que c'est hyper important de bien connaître qu'il y ait le feeling, les sensations tout à fait entre des musiciens. Et on aimerait faire une tournée d'une quarantaine de 30 ou 40 dates à l'été prochain, uniquement des festivals. D'accord. Parce que c'est la teuf, les festivals, c'est ce que je préfère moi en ce moment. J'adore découvrir des groupes sur festival. Et donc voilà, tu vois, t'imagines tout le processus de recrutement. Je vais recevoir des centaines voire des milliers de vidéos que je vais toutes regarder, puis après faire des rencontres avec les gens, puis après monter en place le projet. Je vais faire une série de vidéos pour documenter la formation du groupe, enfin, qu'on se fasse des team building aussi, que ce soit rigolo, qu'on vive des aventures au-delà de la musique, et puis après filmer des sessions live, j'espère peut-être filmer et enregistrer un concert en tournée. Donc voilà, je suis parti pour un an et demi. C'est c'est pas moi, c'est un tourneur qui va faire ça, mais c'est des centaines de milliers d'euros qui sont en jeu. Donc c'est un énorme projet. Des cas là, on est sur des cas. Ah là, on est sur des cas, ouais. T'as ta revanche, ça y est. Ah bah oui, ça y est, je l'ai. Et donc voilà, c'est mon projet principal et je pense que c'est cool. Moi, c'est l'essence même d'Internet. J'essaie d'y retourner en fait à chaque fois. La raison pour laquelle j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, c'est parce que ça permettait de faire disparaître tout un tas de frontières qui étaient une frontière à la diffusion. Et en fait, je me rends compte que quand tu veux te lancer sur scène, t'as aussi plein de frontières, et ces frontières sont le réseau et l'expérience. Ouais. Et quand t'es un jeune musicien qui essaie de te lancer, je suis passé par là en fait. Parfois tu peux avoir plein de talents, mais si t'es pas dans le bon réseau, et si t'as pas justifié plein d'expérience sur ton CV, tu vas pas être pris dans des projets. Moi je fais fi de ça, et je vais prendre des gens a priori uniquement sur deux critères qui sont le talent et la personnalité, parce que je veux les rencontrer et il faut que ça se passe bien. Ouais. Mais il y a déjà des trucs incroyables là, que j'ai pas tout regardé, mais j'ai vu il y a des gens. Bah, alors, rappelons quand même qu'il y a l'Arthur Riche qui fait partie de ton groupe, quand même, que t'as pris. Oui. Ouais, voilà, mais c'est le moins bon. Mais depuis toujours, de toute façon. Du coup, si tu fais passer des castings, je me permets. Wow. Ah oui, joue de la flûte Acmé. Voilà. Ouais. Alors c'est fait au début, après c'est vraiment fait comme ça. Peut-être qu'au niveau de la personnalité, ça va pas fitter. Ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, ça m'a. Moi, au niveau de la technique, clairement, on est tranquille. Mais... Ouais, ça manque d'âme, peut-être. C'est là que je me rends compte que je suis flutophobe. Ah, je me découvre. Donc, c'est non. Hein. c'est un gros peut-être. Pénélope, on connaît ta passion pour la musique rock. Comptes-tu un jour. De type rock'n'roll. On s'appelle pour ta tournée. Comptes-tu faire un bouquin centré là-dessus, une bande dessinée où tu parlerais potentiellement de tes groupes favoris, Weezer et compagnie. Là, il veut prouver qu'il connaît un peu tes groupes, apparemment. Il te connaît, ouais. C'est ton frère, j'adorerais en fait. Voir c'est ça. Mon frère. Alors, déjà, on peut dire que tu as fait une BD sur un groupe. Oui. Bah, j'ai un peu. Ouais. Bah, en tout cas, tu as l'air d'être contente si c'est le cas. Parce que... BD. Oui, bon, ouais. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément opportun. D'accord. De faire des choses aussi obvious que faire une BD sur un sujet qui est ta passion. D'accord. Alors, je suis en train d'écrire une BD sur la musique et c'est une vraie anecdote. Bah, rappelons que d'ailleurs, Pénélope, t'étais très sexiste avant de faire les culottes. Non, mais c'est femmes. Une thérapie en au fait, final. Je trouve ça plus intéressant et moins. Comment dire. Astringent. Non. J'ai tenté un adjectif. T'as décidé de placer que des mots contre ouais, ce soir, ouais, j'ai l'impression. J'ai tenté un petit coup, là. Non. Je trouve ça bien si, de manière générale, les références, les choses qui te parlent et puis les choses qui t'animent sont distillées avec un peu de. Enfin, c'est même pas de la parcimonie, mais on s'en fout de savoir. Genre, en fait, alors depuis toujours, je suis fan de tel truc, donc j'ai fait un livre dessus. Oui, des délires d'érudits. Je trouve que c'est pas forcément hyper intéressant. Et faire un. Tu vois, typiquement, des BD sur un groupe. Je pense que c'est bien de. Il faut. Quand tu fais une BD, il faut que tu apprennes un truc pendant que tu es en train de le faire, sinon c'est chiant. Et du coup, il faut qu'il y ait une partie exploration pour toi-même. Donc c'est comme si je faisais une BD sur l'intérieur de mon appart, en fait. C'est super, hein, ça me fait une belle jambe, tu vois, mais je ne trouve pas que ce soit une expérience très intéressante pour moi. Alors que quelque chose que tu connais un peu et tu as un petit peu envie d'en savoir plus, d'apprendre, d'essayer d'imaginer des histoires parallèles et tout ça, ça c'est intéressant, mais faire une BD sur un truc dont tu es fan... Je suis pas sûr que ce soit forcément. Non, mais c'est une façon de voir les choses qui est super intéressante. J'en profite pour préciser que ma BD est quand même centrée sur les rapports humains au sein du groupe et que c'est l'aventure qui prime sur la musique. Alors, non, mais que pour le coup, que quelque chose qui te passionne, Alors dans mon cas, en plus, c'est tellement vaste de dire le rock. Mais tu vois, bon, que les... j'adore les anecdotes de groupes de rock. Ça, pour le coup, je pourrais lire que ça et regarder que des documentaires sur des anecdotes. Bah, de... En fait, en 67, à l'époque, machin était en divorce avec machin. Ça, j'adore, mais que ça, ça te serve éventuellement soit de toile de fond pour raconter une autre histoire, soit que tu glisses 3-4 anecdotes qui, en fait, ont un fondement un peu réel dans un livre. C'est marrant. Mais je trouve que ça tourne un peu en rond, les BD qui sont que de la... De manière générale, la biographie pure... hyper didactique, c'est quand même globalement assez chiant. C'est pour ça aussi que parfois des biopics sont chiants. Bien sûr. C'est qu'une somme d'anecdotes, de facts et de fiches Wikipédia, en fait, on s'emmerde et tout le monde s'en fout. Donc, c'est ça. Je sais pas si ce serait très intéressant. Je suis très méfiant sur le film Queen qui va sortir. Et bah alors, tu vois, moi je me refuse à regarder le trailer depuis ce matin parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on va me voler quelque chose. T'as pas tenu très longtemps non plus, hein, du coup, c'est depuis ce matin, ça va. Mais oui, mais attends, mais sur mon feed de tous les réseaux sociaux, il est passé 57 fois et je me dis, oui, mais je veux pas regarder mon Freddy joué par quelqu'un en fait. Non, bien sûr, mais ça se comprend. Alors que j'ai l'impression que ça a plutôt été. Enfin, il y a visiblement eu quand même une petite embrouille avec Brian May, mais oui, dans l'ensemble, ça s'est respectueux. Et le réalisateur a été viré, enfin, le film pue un peu, hein, de loin, en vérité. Et si j'ai... Ou alors ça a été changé, mais si j'ai pas rêvé, ils ont complètement... Il y a pas des images où il se fait sucer par des nains, non, mais... Mais non, mais ils ont occulté la partie sida, plus ou moins, en fait. Apparemment, ouais, ce qui est quand même bizarre. Ouais, mais un aspect un peu important de la vie de la furie. Non, mais c'est moi, je suis d'accord, puis de toute façon... Dans le film, il est comptable. Et il meurt d'un cancer, voilà, c'est plié. Et il est hétéro. Mais c'est vrai qu'il y a... Le biopic s'appelle Fig. Beaucoup moins de cartes. Ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, aussi, quand tu parles de quelque chose qui est aussi proche de toi, c'est un côté tellement intimidant. Oui. En fait, que. Il y a un côté, et je citerai Wayne's World, on n'est pas digne, on est à chier. Exactement. Il y a aussi un peu ça, quoi. Si je devais faire une BD sur Alice Cooper, pour reprendre ton exemple demain, en fait, à chaque trait, je me dirais, non, il n'est pas vraiment comme ça. Non, attends, non, il faut que je reprenne. En fait, t'attaquer à quelque chose d'aussi important pour toi. Qui est un peu sacré, quoi. Mais tu sais, par exemple, quand tu commences à faire des BD sur tes parents, tu vois, les gens qui réussissent à faire des BD sincères sur leurs parents, en général, c'est quand leurs parents meurent. Alors, après, moi, je sors bientôt le Grand 8 de la mort, qui va sortir courant septembre, mais oui. Non, mais tu vois, c'est quand même des trucs où il faut te dire, si je veux aller au bout et être prêt à tout dire, il faut que ce soit quelque chose qui m'intimide pas trop. Et je pense qu'être archi fan d'un groupe, c'est pas une bonne porte d'entrée pour parler de quelque chose, quoi. Oui, tu vas manquer d'objectivité, certainement. Il y a tellement d'exemples de biopics, par exemple, qui ont été faits par des fans, et ça se sent, c'est qu'ils osent pas égratigner le truc, enfin, ça rentre pas dans le... Après, le biopic, c'est... Enfin, peut-être que la BD aussi, d'ailleurs, j'y connais rien du tout. Mais le biopic, ce qui est aussi très compliqué, c'est que t'as besoin de droits de trucs pour mettre les chansons, mais que du coup, tu peux pas vraiment dire ce que tu veux sur l'artiste parce que la personne qui te donne les droits regarde un œil. Enfin, tu vois, genre Claude François, tu sens qu'ils ont voulu faire un... Enfin, Clo-Clo, le film Clo-Clo, ils ont voulu faire un truc un peu qui va là. Genre, ouais, bah c'était quand même un sacré connard, et puis avec les meufs, il était quand même hardcore et tout. Mais ils y vont doucement parce qu'ils ont besoin des droits de Alexandrie Alexandra. Et, et que, voilà, en quoi. France, alors pour ce que j'en sais, moi j'ai fait une bio en BD. De une personne. En France, ça s'est passé comme une lettre à la poste, même si j'étais cette expression. Aux États-Unis, on m'a fait chier pour tout. D'accord. En fait, c'est aussi une question de territorialité du truc, quoi. D'accord. C'est que j'ai fait une BD sur ma macasse. En France, personne ne m'a rien demandé. Aux États-Unis, les ayants droit de tous les membres des Mamas and Papas m'ont cassé les couilles pour chaque mot que j'ai mis dans la BD. Ah, et putain, j'ai eu tout changé et c'était un enfer. Tu dis, ok, donc c'est aussi un peu ça la limite, même en BD, en fait. C'est que... Et t'as eu des soucis comme ça sur Culotté? Bah, c'est très respectueux, Culotté. Enfin, y a quand même un c'est truc, respectueux, mais il y en a pas jamais. Mal qui sont vivantes. Ouais. Donc j'étais obligée d'avoir des échanges avec elles, en fait, quand même. Donc on a fait un truc un peu. On s'est retrouvés halfway. Okay, mais c'est super. Mais tu vois, là, pour le coup, je trouve. À mi-chemin. Halfway autoroute. De l'extérieur. Mais c'était un plus. Ça m'a vraiment aidé. C'est que... super intéressant de travailler sur un projet et de pouvoir rencontrer les Bien gens dont que tu abordes, en fait. Ça, et puis effectivement, ça reste hyper, hyper respectueux et plutôt positif. C'est pas un truc genre le scandale. Grosse conne. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est un peu le cas de tout le monde autour de la table, donc c'est une question que je vais faire un peu tourner. Je vais commencer par Dedo et Adrien, ça fait longtemps qu'on ne les a pas entendus. Oui, ça vous êtes là. C'est vrai, parce que déjà, il n'y avait pas de questions pour moi dans l'émission précédente. Mais je crois que les gens s'en foutent. Enfin. C'est vrai, mais en même temps, je suis là à chaque fois, ils vont pas. Je vais te caresser les cheveux, Adrien, je vais te caresser les cheveux. Donne-moi plutôt un antihistaminique, car je suis en train de crever. Est-ce plus simple pour vous de travailler sur un projet seul ou à plusieurs? Ah bah. Parce que tout le monde a un peu fait tout. Alors je commence par Dedo. Moi je vais te répondre une réponse que tout le monde doit plus ou moins dire. Ça dépend des personnes avec qui tu bosses. D'accord. Tout simplement. Mais j'allais pas du tout dire ça. Mais bah, vas-y, je t'engage. Parce que moi je dirais que même des personnes avec qui je m'entends très bien à un moment. Y a fatigue quoi, y a faire tes trucs. Le truc, pas que avec Adrien, mais, oui. Ouais, mais beaucoup quand même. Moi, j'ai l'impression, hein, ça passe quelque chose d'assez intéressant. Une lassitude s'installe. Il y a pas eu de footcast depuis deux mois. Enfin voilà, vous avez compris. Non, mais quand t'es seul, par la force des choses, bah tu peux tout maîtriser de A à Z. Donc c'est beaucoup plus simple que d'être obligé de composer par moment avec quelqu'un d'autre, même si tu t'entends bien avec lui, tu peux avoir des divergences d'opinion. Du coup, ça peut être un peu plus compliqué. Et à côté de ça, on se tire aussi un peu vers le haut des c'est problèmes. Ça, c'est ce que j'allais dire après, c'est que, mais si tu m'avais pas coupé comme une merde, excuse-moi, c'est que par contre tu peux avoir une sorte de fusion d'idées qui peut être intéressante et qui peut nourrir le projet d'autant plus. Ouais. Adrien. Après, c'est deux écoles. Bah, en fait, moi je pense que j'ai clairement besoin de travailler avec quelqu'un, pas forcément à niveau égal d'implication. Et bah d'accord, mais, alors mais, vas-y. Mais en fait, je pense que j'ai besoin juste d'avoir quelqu'un auprès de qui je suis redevable. Parce qu'en fait, si je suis juste seul sur un projet, peut-être que... Je le fais pas. Ouais, mais en fait, ouais, c'est ça. C'est genre juste la seule personne qui va être déçue, c'est moi. Et en vrai, je vais peut-être pas être si déçu. Il y a un truc comme ça aussi. Tu vois, t'es jamais vraiment seul. Il peut y avoir des producteurs, des éditeurs, des trucs. Ouais, mais il y a quand même des étapes avant d'en arriver. Avant d'en arriver là, il y a quand même des étapes que j'ai d'ailleurs. Tu vois, pour le coup, je suis jamais allé aussi loin. Tu vois. Ouais. Après, si t'es seul et tu veux te faire à manger, t'es bien obligé de t'es redevable envers personne. Ah, bien vu, bien vu. Comme ça, tu fais fonctionner en plus l'entreprise. Non, jusqu'à présent, j'ai toujours travaillé avec des gens, mais il y a quand même toujours une fois que je suis lancé, ça va quoi. J'ai besoin d'être avec quelqu'un pour me lancer dans le truc, et une fois que j'ai l'élan, le momentum, ça va, après j'y arrive quoi. Mais là, pour le coup, je viens de finir un projet avec où c'était vraiment en collaboration étroite avec Jérôme Niel, où on était vraiment à part égale sur le projet. Et c'est vrai que moi j'avais un peu peur au début parce que c'était la première fois que je faisais pas un truc vraiment. Du coup, c'est écrit à quatre mains. Et écrit à deux, réalisé à deux, on joue tous les deux dedans et tout. Et ça s'est vraiment trop bien passé quoi. Et il y aura deux spectateurs parce que c'est diffusé sur Canal en plus. Canal plus décalé, donc un spectateur. Pardon, excuse-moi. voilà. Plus décalé, non, Algérie. Donc. Et non, voilà, donc je crois que j'ai besoin de je pense que c'est peut-être un truc d'enfance ou je sais pas, mais d'avoir quelqu'un auprès de qui j'ai besoin de prouver quelque chose. Genre ce chat. J'ai remarqué quand ce chat, s'il pouvait se barrer. J'ai vu le making of de gros yeux, par exemple. De Timothée, j'ai vu le making of de Timothée Hochet sur Bagel, et notamment toi, t'as ça, parce que on est tous assez différents quand on crée, mais t'as besoin de tu te dis tes idées, tu les balances pour voir comment ça réagit, quoi. Ouais, même si c'est un embryon, tu te dis, le mec, il pourrait faire ça. Après, tu vois, si ça prend, tu continues ta. Après, en salle d'auteur, c'est assez. C'est un peu la. Comment dire la. La façon de faire. Là, c'est vrai que. Alors, je précise d'ailleurs pour les gens qui ont vu ce making-of que malgré ce qu'on voit à l'image, les autres travaillaient aussi. Enfin, là, c'est vrai que c'est très monté. Il n'y a que moi qui parle dans le making-of de. Oui. Mais ouais, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai besoin d'avoir quelqu'un, ouais, quand même, qui me pousse à faire le truc, je pense. Et d'ailleurs, je vais finir sur le truc de travailler à plusieurs, mais là, je vois un truc, j'en profite, Adrien, tant que je t'ai. Quelqu'un me demande, quelqu'un qui a beaucoup aimé le sketch, je vais dire aussi les compliments à toi, quelqu'un qui a beaucoup aimé le sketch Commentors Cut sur la chaîne de Julien Pestel, aka, je le rappelle, l'enculeur. Adrien en est l'auteur. Est-ce que le scénario est inspiré de faits réels que tu as pu vivre avec des gens? Savoir suivre un peu les commentaires. Un peu dans le sens où moi j'étais directeur artistique. Bon, pour les gens qui n'ont pas vu le sketch. Bah allez-y, déjà ça prend 3 minutes, vraiment vous pouvez y aller. Déjà, mais en fait l'histoire, le truc de base, c'est un réalisateur qui est face à, je sais pas, des producteurs en gros, et il regarde la bande-annonce, et la bande-annonce de son premier film qui est un drame ouvrier, et les producteurs disent bon alors c'est super, mais par contre voilà, on a mis la bande-annonce sur YouTube, on n'est pas très content, les commentaires sont pas fous. Donc on va passer en revue les commentaires, et puis nous on a débloqué un budget pour que tu retournes des scènes du film pour s'adapter aux demandes des gens. Avec Slimane Baptiste Béraud dans le rôle, notamment. Voilà. On y revient. Et en gros c'est un gag sur le fait que les commentaires sont complètement débiles, et du coup les producteurs disent mais ça tu vois, alors et du coup bon c'est plus drôle en vrai que raconté comme ça, mais c'est pour dire que c'est pour montrer le côté absurde de vouloir toujours faire plaisir au public. Et c'est vrai que c'est un truc auquel j'ai été confronté quand j'étais directeur artistique de Golden Moustache, où je précise quand même, j'étais quand même très très libre de faire ce que je voulais. Oui, mais il y avait toujours parfois, c'était plus une supposition, une proposition. C'est toujours parfois quand même, hein, donc on a du mal à se définir un peu souvent. Mais de dire, les gens ils aiment bien ça quand même, donc peut-être faire un peu comme ci, comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait un peu cette absurdité de vouloir donner au public ce qui l'attend. T'es aigri. Bah, non, moi, je sens beaucoup d'aigreur dans tout le monde ce soir, de toute manière. Donc, Non, mais disons que à trop vouloir donner ce que tu ne surprends personne en plus parce que finalement tu leur montres puis il y a une absurdité parce que parfois les gens sont des goûts de merde aussi je vais pas dire des goûts de merde mais pas les tiens en tout cas voilà et des fois il y a des gens qui vont dire par exemple on voit souvent sur des vidéos Golden Moustache des gens qui disent c'est pas drôle. Oui, mais c'était pas la vocation de ce truc-là d'être drôle, donc c'est une critique qui tombe un peu à côté. Et si t'écoutais ces gens-là, tu ferais un truc drôle, tu transformerais un truc qui n'a pas ambition d'être drôle, enfin bref. Ouais. Et voilà, donc oui, c'est un peu inspiré de faits vécus, quoi. Et Pénélope, toi, pour la bande dessinée, parce que t'as travaillé aussi, toi, sur des bandes dessinées avec d'autres personnes. Attends, tu vois pas qu'elle est actuellement occupée avec le chat, c'est vrai. À me faire crever. Est-ce qu'il y a une des deux activités que tu préfères, à savoir travailler en binôme ou toute seule, ou c'est quoi qui différencie un peu les deux trucs Moi, j'aime bien le ratio, une fois sur trois, travailler avec quelqu'un. D'accord, bah, au moins c'est clair. Voilà, parce que j'ai remarqué que c'était un rythme qui m'allait bien, pour toutes les raisons susmentionnées. Je trouve que travailler à deux, c'est bien et c'est pas bien, en gros, et pour être très succincte, quoi, et que j'ai besoin de travailler deux fois d'affilée toute seule pour me dire... je travaillerais bien avec quelqu'un. Et puis après une BD avec quelqu'un, je fais oh putain, je travaillerais bien. Vivement mes deux prochaines BD toutes seules. Et en fait, le ratio dans lequel je suis à peu près et épanouie et sympa avec les gens qui travaillent avec moi, c'est 1/3. D'accord. Voilà. Bon bah écoute, ça c'est clair. Ça me va bien. Là en ce moment, c'est avec quelqu'un. D'accord. Bah oui, après. Oui. Et c'est chambé. Parce chat. Qu'en plus, c'est mon pote depuis. c'est lui. Oh, très mignon ce chat. Très gentil. Chelsos, on l'embrasse. Il s'appelle Adolphe. Non, Chelsos. C'est cool parce que c'est mon pote depuis plus de 20 ans et que du coup on finit les phrases l'un de l'autre et aussi on a. Non mais surtout on n'a pas. J'ai tenté. T'as essayé de créer un truc qui n'existe pas. Non, un truc hyper bien que vous devez certainement connaître quand vous travaillez à plusieurs, qui est vraiment cool, c'est quand c'est des gens que tu connais bien et qu'on n'a pas d'ego entre nous et que du coup on gagne un temps incroyable à ne pas dire quand quelqu'un propose une idée. Et super, ou alors, tu vois, et de dire bah non, c'est de la merde, voilà, et que l'autre puisse te faire ça aussi. Et chaque jour, on gagne en moyenne 4 heures, en fait. Voire parfois, t'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Il fait oui, tu détestes, ok, d'accord. Okay. Ouais, moi, j'ai souvent ça, tu fais, et en fait, okay, t'as mais quelqu'un de temps extraordinaire d'être avec quelqu'un qui fait ah oui, d'accord, ouais, non, t'as raison, c'est de la merde. Ouais. Et next, on fait autre chose, et en fait, parce que c'est ça qui fait vraiment malheureusement cramer beaucoup de temps. En collaboration, c'est quand il faut flatter l'ego de quelqu'un et que même toi, ton propre ego, en fait, ça que t'es blessé parce que tes idées sont pas les bonnes, et ça peut être parce qu'effectivement pendant une semaine, bah t'as que des idées de merde, en fait, ça arrive. Et donc c'est super cool d'être avec quelqu'un qui non seulement a les mêmes rêves, et quand tu lui parles de un type de personnage, t'as juste à lui dire, tu sais, c'est le genre de mec un peu nénénénien, il fait ah oui, ok, je vois très bien. Enfin, c'est super, quoi. Et du coup, on bosse super vite. En plus, c'est cool. En plus, on arrive à rester potes quand même et à parfois parler d'autre chose que de boulot. Ouais. Donc, on a vraiment une très bonne team, quoi. Trop bien. Mais d'ailleurs, sur des amitiés de longue date dans le travail, la transition est toute trouvée. Oh là là. PV, toi, c'est mon pain quotidien. Les franglaises, ça fait maintenant une éternité que vous faites ça. Pour les gens qui connaissent pas. 7 ans. 7 ans. C'est un spectacle qui n'a de cesse. Enfin, le succès grandit, n'arrête écoute, pas. C'est la folie. On était à Scène Musicale cette semaine. On a joué devant 3800 personnes. C'est extraordinaire. Pour les gens qui connaissent pas, en plus, je vous invite à regarder. C'est vraiment cool. Et vous avez eu, entre autres, un Molière. Oui, c'est vrai. J'ai connu deux cas extrêmes qui sont donc la création solo, parce que j'ai fait 3 albums tout seul. Non, je parle là pour la musique. Et 3 spectacles, dont un qui marche bien donc depuis 8 ans, avec 12 amis, si tu rajoutes les gens qui font la régie, le son, etc. Ça fait 16 personnes. Donc j'ai un petit peu vu les deux extrêmes. Alors il y a quelque chose de fou à créer à plusieurs, c'est-à-dire que ça peut être vraiment, vraiment, mais alors vraiment très frustrant, très énervant. Mais bon, ça se surtout passe avec les franglaises. Le côté tourné et tout, c'est autre chose encore. Parce que moi, au bout d'un projet où on bosse à plusieurs, et tu sais, des fois en bout de projet, t'en peux un peu plus, bah tu rentres chez toi le soir et terminé, quoi. Là, le côté tourné, moi je pense, ça pourrait des fois me enfin voilà, tu peux. Ouais, mais vraiment... c'est en fait, la répétition des dates, la répétition des dates fait qu'on peut essayer un peu les idées de chacun, tu vois. Ouais. Après, on a été obligé à un moment de choisir et de prendre un directeur musical, un metteur en scène, etc. Mais pendant longtemps, on crée à 12 cerveaux, ce qui donne des choses donc, qui sont du mindfuck. De l'enculade d'esprit. Parfois tu deviens fou et puis parfois il se passe des choses magiques, et alors ça a un nom, ça s'appelle l'égrégore, et on me dit des fois il y a eu un égrégore sur scène. L'égrégore, c'est cette, nous on était 12 sur scène, cette 13e personne qui fait de l'UMMA, Connor qui va, voilà, je crois que j'ai à peu près la ref. cette 13e personne qui va apparaître de l'union des 12. En revanche, j'ai vécu ça, donc j'ai vécu des choses folles. Tu dis, j'ai eu un Molière avec mes amis de collège, c'est concrètement le cas. Enfin, c'était incroyable, parce que c'est un spectacle qu'on a monté dans la cave d'un copain, tu vois, pour rigoler. Et finalement, ce truc a fait Bercy, puis une tournée mondiale. Moi, je le dis juste parce que la petite anecdote est rigolote. J'ai vu PV jouer avant de le connaître dans la vraie vie. Il faisait, mais si, je t'en ai déjà parlé. Enfin, c'est en gros quand tu faisais encore les. Ça s'appelait les Tistix. Moi aussi j'ai vu. Et vous jouiez dans la rue. Dans les Ting-Tings. Chez Dave et Migo. C'était où dans cette petite salle à Pigalle? Comment ça s'appelait? La Dame Blanche? Ah ouais, moi c'est là que je vous ai non, vu. Non, ça c'est une légende urbaine, ça. Ouais. Ça n'a... Peut-être que t'es dans cette légende urbaine. À la Reine Blanche, c'est là que moi j'ai vu le sperme dans la sauce blanche des kebabs. Non, c'est aussi, les 8 urines dans les cacahuètes. Une phobie dont j'ai pas parlé, effectivement. Non, moi j'avais vu dans les rues du printemps de Bourges. Ah oui, dans la rue du printemps de Bourges. Et je vous avais vu. Started from the bottom. Exactement. C'est vrai, ce spectacle, c'est incroyable ce qui nous est arrivé. En revanche, l'expérience la plus marquante en tant que créateur, c'est tout seul. Alors tu vois, j'ai pu vivre des choses folles, mais l'introspection que m'a permis de faire 10 days puis 11 days, c'est des trucs mais incroyables. Vraiment, je suis allé puiser des trucs au fond de moi qui sont forts et qui sont des vraies émotions cette année. Là, c'est pour ça que je filme la création sur. Ouais, c'est pas avec quoi que t'aurais vécu ça que t'es en train de nous dire, c'est ça? Non, mais si, en plus, ouais, vraiment. En fait, le premier jour de cette année, ça s'est globalement bien passé. J'étais tellement pris dans le truc que j'ai pas vu. J'ai pas laissé la parole à mes émotions. Mais le deuxième jour, c'était une journée éprouvante où j'ai beaucoup pleuré parce qu'il fallait que je sorte des choses en moi. Et donc, t'as ce réflexe, t'as le corps qui pleure quand il y a un moment, il faut que ça sorte et que ça bouchonne. Et t'es obligé d'extérioriser d'une façon ou d'une autre. Flaubert est au courant avec son père, de toute façon. Oui, voilà. Ouais. Le troisième jour, j'ai pleuré parce que c'était dur. Donc j'ai pleuré là, c'était de la souffrance, j'y arrivais pas. J'étais au quatrième jour, j'ai pleuré, mais j'avais l'énergie. Je me suis fait tabasser par non, les quatrième jour, j'ai pleuré parce que je trouvais que c'était super beau ce qui se passait. J'ai été ému par le truc. Et donc, tu vois, c'est un ascenseur émotionnel incroyable, ce que j'ai pu vivre. Et c'est vrai que souvent, donc, moi, c'est ça, en fait, pour moi, avec les franglais, je fais de l'horizontalité, donc c'est très intéressant d'expérimenter l'horizontalité. Alors, je fais un geste avec mes mains qui mime l'horizon. Ouais. Et en fait, avec 11 days et 10 days, j'ai exploré la verticalité. Tu allais puiser au fond de moi des choses qui me surprenaient, qui me dépassaient. Il y a des trucs que j'ai pondu dans ces deux albums que je me pensais incapable de faire, ou je pensais juste que c'était pas ma came, etc. Et donc, je pense qu'il faut un peu des deux. Très bien. Voilà. Bah écoute, voici, vous avez quatre réponses bien concrètes. On va se quitter, les amis. Mais avant de partir, on a un petit jeu. Parce que histoire de repartir un petit peu vite fait avant de se quitter. Ce jeu s'appelle BD ou pas BD. C'est-à-dire que je vais vous donner ou pas bondage. Non, par rapport à bande dessinée, parce qu'en fait, c'est une émission très préparée. Pénélope écrit de la bande dessinée, on dessine. Du coup, bam. BD ou pas BD. Ça va assez vite là-dedans. Donc, je vais vous donner des adaptations de trucs en BD. Vous allez devoir me dire si elles sont réelles ou si elles sont purement. Ah, genre les blagues de Toto, la blague de touche pas à mon poste et tout ça. Ce genre de choses. Wow. Je te prie de ne plus donner d'exemples pour ne pas gâcher mon jeu. Et malheureusement, je vais vous donner un petit tips, les amis qui connaissaient pas. C'est qu'en fait, malheureusement, tout existe en BD. C'est comme la loi qui dit que si t'imagines une forme de 42, porno, elle existe. Et ben là, en BD, les pires trucs que vous pouvez imaginer, on arrête donc ce jeu tout de suite. Merci beaucoup. Du coup, j'ai ma réponse. Pardon, c'est bon. Alors, je vais vous donner quelques titres. Est-ce que la BD Caméra Café existe? Oui, bien sûr. Chez Jungle. Certainement chez Jungle, comme chez Jungle, oui. Alors, elle n'est pas si mal. J'ai pas lu. Parce que j'ai le petit résumé Amazon à chaque fois. Caméra Café est une série de fiction humoristique courte quotidienne lancée en 2001. La BD, c'est aussi tout ce que l'on ne voit pas à la télévision. L'Axantia et le camping-car de Jean-Claude. Voilà. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Le teasing, ouais. C'est ça, l'envers du décor. La bande dessinée Catherine et Liliane. Je dirais non. Non. C'est trop frais. Ça n'existe pas. Bien joué. C'est trop frais. Alors du coup, la prochaine, la bande dessinée Bigard. Bien sûr. Je dirais même qu'il y en a pas qu'une, non ? Il y a eu 3 tomes. Ouais. Série, 3 tomes, il y a eu plus un tome 4 qui était un best-of. Est-ce que tu as le nom des artistes ? Non, j'ai pas voulu aller à ce point. C'est une BD qui n'est pas signée. Je vous lis le résumé. C'est pas chez Jungle, je crois, d'ailleurs. Le résumé Amazon. La première BD, Q, le T, entre parenthèses. Ah bah oui. Est-ce qu'il porte Q à la place de la lettre ? Il y a écrit CUL, en tout cas. Qui porte bien son nom, point d'exclamation. De l'apprentissage, elle s'appelle Jean-Marie Bigard, donc elle porte très bien son nom. De l'apprentissage de la pêche au string à la dégustation du café La Gaule, en passant par ses cours, entre guillemets, du soir, et jusqu'à son intimité avec sa psy, Bigard nous fait découvrir son univers imaginaire. Forcément, tout le monde en prend pour son grade. Bah ouais, ouais. Allez. Et alors la dernière phrase. Mais toujours avec tendresse. La dernière phrase, je la comprends pas. Bon, la caisse est derrière toi. Tu l'achètes ou pas cette putain de BD? Bon, c'est pour te rappeler que c'est Bigard. Ouais, ouais, ouais. Certainement en écho à un sketch de Bigard. Mais non, que tu connais pas. C'est pour dire, t'es à la Fnac, t'es en train de lire la quatrième de couverture. Et ah oui, la caisse est derrière oui, toi. Oui, j'ai bien compris, mais c'est un peu. T'as commencé en disant j'ai pas compris. Non, mais ça sort un peu. Moi, la ça première, sort un peu de nulle part. Première action que j'ai eue, bon, la caisse est derrière toi, j'ai vu une bagnole. Ouais, ouais. Non, c'est la caisse enregistreuse. C'est très mal... encore sur la Xantia. De... C'est très mal vendu. Très mal vendu. La BD Koh-Lanta. Oui, bah, vrai. Évidemment. Oh, putain, bien il n'y a que des A. Non, c'est, ça s'appelait la, les vraies histoires de Koh-Lanta. Le vrai est barré, il y a écrit fausse par-dessus. Ah, bon. Non, mais... c'était pas vrai. Mais on tue beaucoup d'arbres pour tout ça. Le Big Deal, la BD. Ah, j'ai envie de dire non. Moi, oui, oui, oui, oui. Alors moi j'ai possédé une peluche de Bill, bah, la sûr. Mascotte du Big Deal, pour plein de raisons. Bah, oui. Et alors, j'ai envie de les connaître. Tu peux toutes les connaître, s'il te plaît. J'étais invitée à un anniversaire dont le thème était les jeux. Ouais. Bah, c'est non bien. Mais c'était marrant. Les gens étaient déguisés en plateau de Twister, tout ça c'était marrant. Et un ami à moi, l'ami avec qui je fais ma BD en ce moment, est venu en Vincent Lagaffe. Avec... Et donc il avait une veste fluo bonjour, avec les manches retroussées et il avait une peluche de Bill sur l'épaule. Et pour ça, il a trouvé sur eBay une peluche de Bill. Et à la fin de la soirée, il me l'a laissée. Est-ce qu'il avait un vrai background Bill pour savoir si c'est une bande dessinée? Ah oui, je pense que vraiment. Après, ils peuvent l'inventer très facilement. En tout cas, le mec qui faisait la voix, il avait une vraie invention par rapport à ça et c'est vraiment fait. Il se projetait. Mais ça se trouve en fait. De la fin, ça existe ou pas cette BD? Non, elle n'existe pas. Ah ouais, désolé. Et donc il y a un créneau, PD. Bah, allez-y. Je sais que toi, tu... Mon ami Vincent, voilà. On peut pas souvent caler une imitation de Bill du Big Deal, je voulais la caler. Stéphane Plaza, la BD. Oui. Oui. Ouais. Est-ce que c'est pas même lui qui est scénariste, puisqu'il est aussi acteur? Il a énormément de casquettes, hein, Stéphane, attention. Hein, parce que agent immobilier, oui, mais comédien, présentateur et héros de bande dessinée. Ça existe. Et du coup, ça parle de quoi? C'est des bons plans maison? Il vend des maisons? Alors, apparemment, il est maladroit, parce que j'ai pas le truc Amazon pour celui-là. Il est maladroit et des fois, il tombe un peu sur des appartements en ruine. Enfin, on reste dans le domaine de l'immobilier. Donc, si vous aimez ça. Mais je t'avoue que Guilty Pleasure, à chaque fois, j'aimerais bien que tu mentionnes l'éditeur. Mais parce que t'es dans ce milieu-là. Mais moi, je ne sais pas. Je savoir qui édite la BD Stéphane Plaza. Oui, bien vu. Mais je crois que c'est. J'ai entendu le nom que vous avez dit précédemment. Jungle Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ah ouais. Les petites annonces d'Elysée Moon. Oui. Pareil. Bon, mais ça. 4 tomes. Ça peut être marrant. Ah, 4 tomes. 4 tomes. C'est poussif. Elle a scénarisé la moitié quand même. C'est pour ça que. La BD Les Tuches. Non. Ah. Oui. Non, mais pour l'année prochaine. Elle non, vient non. de sortir, les amis. C'est vrai. Elle vient de sortir, oui, bien sûr. La BD des Tuches. Ça s'y prête. Une BD qui s'appelle Accro des mécènes. Bien sûr. Accro. Alors tu peux. Oui, oui, sûr. Dans attends, les... on a fait un film sur les emojis. Tu sais, tout ouais. est possible. Hein. Dans tous les cachets express, elle y est, je suis sûr. elle existe. Elle existe. Je vous fais le petit pitch. Parmi ces ados, Ludo, l'intello, Norbert, le petit génie de l'informatique, Kevin, le loser, Sophie, la fashion victime, et Jamelia, la rebelle. Il y a vraiment tout le monde. Il y a tout le monde. Grosso merdo, Breakfast Club. Grosso modo, Breaking Bad. Ouais. Qui est une autre version, mais qui est très sympa. Ils se retrouvent tous les soirs après les cours et le week-end sur MSN pour discuter des mecs, des filles, des devoirs, et surtout des délires pour déconner. J'espère qu'il y a le cochon dansant. Bah j'espère. En guest. C'est une, non, c'est une BD très sérieuse qui est sortie sur le cochon dansant. Le biopic du cochon dansant. C'est le dessinateur de 13 qui a fait ça. C'est vraiment un truc de ouf. Mais excellent choix pour une BD de prendre un truc uniquement avec du texte. Enfin, c'est un excellent choix de. Et puis le choix des mécènes. Parti pris très fort. Le choix des mécènes ne le date pas en plus. Donc ouais, c'est top. Ah, c'est intemporel. Et puis le fait d'avoir deux personnages féminins, dont une qui est fan de mode, je pense que ça vraiment c'est bien parce que. Et Jamelia qui est la rebelle. Qui est rebelle, ouais. Accro des mécènes. Est-ce que la BD Accro d'MST existe? Oui, je l'ai édité. C'est vrai, éditeur. C'est Dedo qui est derrière. C'est Jungle ça. Encore. Alors, le pitch j'ai pas été aussi loin. 5 personnes qui se connaissent dans une soirée, puis qui se trouvent des affinités. La fashion victime, la rebelle. Les gonorrhées. Voilà, est-ce qu'il y a Jamelia, la rebelle? Oui, elle est là. Oui, elle en reçoit beaucoup. Une BD Les Blondes. Bien sûr. Mais il y a 189 tomes en plus. Je vous fais quand même le résumé de Les Blondes. Stéréotypes et fantasmes se mêlent pour aboutir à la conclusion suivante. Les hommes préfèrent les blondes. Belles, séduisantes, naïves, gourdes et maladroites. Tout ce qu'on aime. Gourmandes. Ils les convoitent, ils les exhibent comme un trophée. J'en prends fusion. Oh là là. Puis, ils se lassent. Comme toute bonne chose, il ne faut donc pas en abuser. Quel enfer. Wow, mais putain. Sauf pour en rire. Wow. Laissez-vous séduire par Les Blondes, un album de gags hilarants. Et qui sait, peut-être en riront-elles également. Entre parenthèses, enfin si elles comprennent. Comprennent, attention. On dirait qu'il a décrit des chips. Ah mais on n'a jamais rien inventé de plus magique pour juste se moquer des femmes. Près ah de 600 tomes. Les blondes. Tomes, les blondes. Les non, femmes, c'est pas ça. Les femmes, c'est les blondes. Alors justement, est-ce que vous connaissez les brunes? Une BD des brunes. Je sais qu'elles comptent pas pour des prunes. Alors, déjà. Donc calmons-nous. Selon Lio, en tout cas. Oui. Et moi, je pense que j'ai envie de dire non. Moi, je dis oui. Bah allez, je vais dire oui. Tu sais pas, Pénélope? Ça existe. Aïe aïe aïe. Elles sont intelligentes, les brunes. Les brunes sont des grosses connes, des grosses gourdes. Mais elles aiment le cul. Ouais. Est-ce qu'on connaît les rousses? Bah non. Allez, ouais. Non. Mais si, bien sûr. Bah non, pas trois. Même éditeur, malin. Si, si, bien sûr. Si. C'est exactement ça, PV. C'est le même éditeur. Mais bien sûr. Et même des fois, à la manière d'Infinity War, il y a des crossovers avec les blondes. Elles croisent les blondes. Les balayages tricolores. Est-ce qu'elles sont toutes connes? C'est ça. Tu sais que les rousses. Les rousses, elles sont un peu salopes, de ce que j'ai vu en termes d'extrait. C'est des qui chauffent un peu. Elles ont des strings qui dépassent du jean. Enfin, on est sur ce truc-là. Après. L'album est disponible en odorama également pour les rousses. Pour ceux qui souhaitent. Parce que c'est évidemment connu. Est-ce qu'il y a les chauves? Alors, tu viens de griller ma blague d'après. Est-ce que les chauves ça existe? C'est vrai, c'était ça. Bah ouais, mon père était chauve. Non, dans la BD. Ah, pardon. Mais t'es sérieux quand tu dis qu'il y a les brunes et les rousses qui existent? Bah oui, non, bien sûr. Et je vous demande si les chauves ça existe. Eh bah oui. Oui. Bien sûr. En BD. C'est pas les femmes chauves. Trop loin. Mais si, bien sûr. Tu allais trop loin. Alors ça existe. Eh bah oui, les chauves. Même éditeur. Pas les femmes. Mais non, c'est pas les femmes chauves. Oui, même éditeur. Oui, mais c'est le même qui fait aussi les pompiers, les profs, les infirmières. C'est un peu ce délire là. Et c'est, les albums Carteri, comme on les appelle. Les chauves, à ne pas confondre avec des chauves, qui est l'histoire d'amour sur fond de cancer, donc c'est beaucoup moins marrant que des chauves qui ont quand même un peu le crâne dégarni quand même. Joueur du grenier, la BD. Bien sûr, oui. Je l'ai vu récemment au MK2 Store. Rémi Gaillard, la BD. Oui, bien sûr. Alors Rémi Gaillard, la BD, je l'ai quand même pris parce qu'elle est quand même pas mal. Alors déjà, la BD s'appelle Rémi Gaillard emmerde la télé. Il s'en fout, il en a rien à foutre. Cet album est une plongée insolite et humoristique dans le monde lisse, politiquement correct et impitoyable du paysage audiovisuel français. Paf, c'est le cas de le dire. Ah non. Par rapport à l'acronyme. Ah joli. Rémi Gaillard face au caïd de la télé, ça détonne. Dans cette révérence à l'ancêtre d'Internet, comme il l'appelle, ce qui est quand même malin de sa part. Je vais l'acheter. Rémi rend hommage avec dérision aux présentateurs et émissions phares de ces dernières décennies. Fort Boyard, l'école des fans, Interville, Koh-Lanta, Tournée Manège. Attends. Il s'attaque à Fort Boyard, le mec. Il ne recule devant rien. Il ne respecte même pas les institutions. Vraiment, les puissants, il en a rien à foutre. Quoi. Si t'étais un chien, peut-être, mais Fort Boyard, tu vas te faire enculer. Wow. Mais cette BD n'est pas seulement une succession de gags. C'est aussi un clin d'œil à sa propre expérience avec le milieu. Entre vérité et fiction, transporté par des convictions profondes, Rémi nous propose un grand zapping. Ou un manque de talent. Un grand zapping, façon n'importe quoi. Ça a l'air jubilatoire. Tu sais, tu voudrais inventer un truc pareil, t'arriverais pas à l'écrire en fait. Surtout que c'est très bien pour un résumé. J'aime vraiment pas ce qu'il fait, alors c'est très plaisant de voir c'est ça. Est-ce qu'on a vu Grumpy Cat, la BD? Forcément. Ouais, ça me choquerait pas. Ça existe. Bien sûr. Est-ce qu'on a vu Grumpy Cat versus Garfield, la BD? Non, parce qu'il doit y avoir des bagarres de licence. Ouais, éditeurs, c'est pas si simple, je pense. Au contraire, ils se sont mis d'accord. Mais non, mais Jim Davis rend l'argent. Mais Garfield, il a pas besoin de s'encanailler avec ça. Écoute, pour moi, c'est comme Patrick Fiori qui fait des duos avec Soprano. À un moment, faut aller voir les jeunes. Je n'étais même pas au courant. C'est vrai. Patrick Fiori, il a fait un duo avec Soprano. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt Soprano qui a fait un duo avec Patrick Fiori parce que là, actuellement, c'est plutôt Soprano qui elle va en poupe. Hein. Est-ce qu'on a vu Qu'est-ce qui est jaune et qui attend Jonathan versus Predator? Non. Ah, j'espère. Non, mais oui, mais malheureusement, c'est pas pour tout. Vous pouvez prendre vous avez vu Alien versus Predator? Ouais. Alors, non, lequel? Évidemment, deux. Non. AVP. Ah, pardon, je parle. T'as vu lequel, toi? Dans l'original, le classique. Celui dans la neige. Ouais, voilà. Le premier. Tu sais qu'on a reçu Simon Astier qui est très fan de ce film, parce que ce film est décrié beaucoup par les fans d'Alien et de Predator. Étonnant. Ou de cinéma. Bah, lui, il adore ce film. Ou de temps de vie, en fait. Les fans de la vie n'aiment pas, ouais. Putain, Simon, tu dois ronger ton frein. Prépare tes arguments pour répondre à ce clash. C'est une émission que t'as faite où il a défendu ce film? En fait, il est connu pour défendre ce film, mais il sait que tout le monde le déteste et du coup, je suis vraiment curieuse d'entendre quelqu'un défendre ce film. Un peu comme l'album de Tony Parker. Voilà, mais on va pas commencer à clasher Simon qui doit vraiment rager. Il y en a plus beaucoup, hein, je vous rassure. Est-ce qu'on a vu Gastoun, le cousin enfant de Gaston Lagaffe? Ça existe, c'est sûr. Ça s'écrit comment? Gastoun. Et ben peut-être au moment de la sortie du film. Ouais, ok. Oui, ça existe. Non, c'est plus vieux. C'est plus vieux. Ça existe. Et c'est un petit, c'est un enfant. C'est un, enfant. C'est un gamin. C'est et le et cousin je crois de Gaston. Et il n'y a pas genre tous les personnages de Gaston mais en enfant. J'avoue que j'ai pas poussé la recherche. Ça c'est j'ai déjà passé deux non, heures. Non, c'est le cousin. C'est le cousin de Franquin. Il est moins bon. Franquin, il a dit oui. Ouais, il est moins bon. Je crois qu'il était décédé quand ils l'ont fait. Il est décédé comme souvent. Il a dit oui. Ouais. Ça aide un peu à décider. Oui, avec la main. Ça rend plus conciliant. Globalement. Décédé, c'est vrai que ça quand même permet beaucoup de choses. Mais je crois qu'ils ont surfé sur le petit Spirou et globalement c'est la même. Ouais. Ah oui, d'accord. La même merde. Rocky Luke, la version rockabilly de Lucky Luke. Non. Mais non, mais j'aurais préféré bien. Avec Rocky, moi. Bah, ça pourrait pas. Faire une très belle comédie musicale. Ouais, ah, mais ouais, non. Bah, surtout, ça peut peut-être faire une très belle BD car ça existe. Non. Sérieux ouais. Mais non. Rocky Luke, la version rock. Mais attends, mais Lucky qui a fait ça qui... Enfin, bah... sans vouloir. Bah, Dargo, ouais. Dargo, c'est Maurice. Mon vieux. Maurice l'a dit, d'accord. Non, non, mais c'est les mêmes gens qui font alors, Lucky Luke. Apparemment, des quelques recherches que j'ai faites, en gros, c'est un livre d'hommage à Lucky Luke par la sphère rockabilly dans les années 80. C'est un bel hommage. Voilà, c'était un peu la pop où Joe Barstim était genre méga connu et tout. Il y avait beaucoup de BD sur le rock à l'époque. Ils ont une collection parce que là ils ont sorti récemment Jolly Jumper ne répond pas de Bouzard qui est ah, très mais drôle ça, mais oui, c'est mais... Lucky Comics ça, c'est une collection signée officielle mais ça je crois que c'est pas officiel pour le coup ouais, ça se faisait beaucoup de certaines années de parodies en fait des héros ah bah le droit français est merveilleux, il y a l'exception de la parodie bah exactement, d'ailleurs donc on va continuer sur cette voie. Est-ce qu'on a vu les aventures de Nicolas Sarkozy? Oui, ouais, non, bien sûr. C'est pas Jules qui a fait si, ça si. Je sais pas, mais effectivement, ça existe. Je l'ai pas lu, mais ça existe. Est-ce qu'on a vu Alcoolix, la version alcoolique d'Astérix? C'est Depardieu qui jouait. Ça, non. Ça, je crois que non. Ouais, si. Non, ouais. Rien que pour des raisons de loi E20, je suis sûr que non. Ça existe. Ah ouais. Alcoolix, ouais. Ça date. C'était peut-être avant la loi E20. C'était peut-être avant Astérix. Putain, on peut parler du fait que c'est archi faible comme nom. Genre, on va faire des Gaulois mais bourrés. Alcoolix, c'est même pas un mot. Enfin, d'autant je veux dire... que la potion magique était déjà une mais, alcool. Mais bien sûr, mais surtout que tous les noms dans Astérix, ils sont un peu cassés le cul pour que ce soit alors, marrant quand même. Quoi. Pour et là, le coup, c'est. Ah bah, Alcoolix, pas, c'est même pas drôle en fait. Je veux pas m'acharner sur Sarkozyx, mais en l'occurrence, le résumé dit Lutèce jour 1 de l'an. Lutèce jour 1 de l'an 1. Déjà, c'est très mal écrit dès le début. Après JC, entre parenthèses. Jacques Chiracix. Oh, je l'ai. Oh faible, faible. Sarkozyx, le nouveau chef des Gaulois, inaugure l'ère de la rupture et organise un grand banquet pour fêter sa victoire historique. Tous ses amis sont là. Martin Bouix. Ah oui, celle-là, elle marche. Ah, donc tu mets un X à la fin de ton. Non, mais celle-là, elle marche. Martin Bouix, elle marche. Ça marche. C'est l'exception qui confirme la règle. Jonix. Marche-ouif. Ça marche-ouif. Ouais. Ortefix. On commence là, à on commence à pas marcher. Non, on n'est pas d'accord. Son fidèle Fius. François Fius. C'est pas mal. Et bien sûr, Carla Brunix. Très bien. Bien pour moi, sachant c'est vendu. Normalement, X, c'est pas sur les noms féminins oui, dans Astérix sûr. Qu'on ouais. est un vrai fan. C'est vrai, il faut savoir vrai. Conjuguer le gaulois, mais bon. L'attribut trinque aux boucliers fiscaux et autres régimes spéciaux, les aventures de Sarkozyx ne font que commencer. Bouclier et effectivement, il y a plusieurs tomes. Il y a plusieurs tomes. Il y a plusieurs la tomes. De est-ce ça. Qu'il y a ouais. Hamster X, la version acteur porno amateur de Astérix? Non. Ah non, non, non, non, non, non. Porno, c'est BD. C'est drôle, X Hamster, Hamster X. Porno, BD, pastiche dans les années 80. Alors justement, d'ailleurs, je voulais pas vous le faire deviner, mais il y a une BD de Tintin qui existe sur la couverture, il encule Milou. Alors c'est Tintin. Alors qui ça, je pense que de... Moulin Sart a sévi dans les 47 oui, minutes. Oui, oui, oui. La j'allais dire seconde, bouquin, j'allais mais... dire plus tard. Ce que j'allais dire, c'est que c'est en fait, je suis allé sur un forum de fans de BD et j'ai lu ce commentaire qui m'a fait beaucoup rire. Une BD qui passe clairement à côté de pardon, une BD qui passe clairement à côté pour la bonne et simple raison que Tintin et pornographie ne font jamais bon ménage. Ça tombe sous le sens, hein. Ah, ouais. Ah oui, non, mais voilà, à un moment, faut le dire. Tu sais que moi, c'est un de mes premiers, un de mes tu préfères préférés, parce qu'on joue beaucoup au tu préfères. Ah. Avec, Quand c'est un de mes premiers, ouais. Qu'est-ce qui va me faire fantasme, c'est un de moi, dans Milou. Milou. Ah, la castafiore. Avec Wax, on fait beaucoup de tu préfères, et moi, j'en ai un que je ressors à chaque fois, c'est est-ce que tu préfères sucer Milou ou manger Tintin? Manger si Tintin, tant est que ouais, de manger... Tintin est un vrai homme et Milou un vrai chien. Oui, d'accord, voilà. Pas un personnage de BD. Je pense que genre, genre moi je mange Tintin, ouais. Équivalent, ouais, durée équivalente dans une pipe de 5-10 minutes. Et tu sais que tu manges Tintin? Oui, oui, et un steak où tu sais que tu manges Tintin. Attends, genre il y a la neige sur le steak. Tu le manges en entier? Non, c'est un steak. Un steak. C'est un glory hole. Pardon, excuse-moi, vous préférez manger un être humain? Ou ouais. C'est un chien? Bah non, mais c'est vraiment la vraie question. C'est la question que je suis en train de leur poser. C'est un steak d'humain et un sexe de chien, c'est quand même différent. Sachant que Milou voyage beaucoup. Non, mais Milou. Non! Milou voyage beaucoup et la bite d'un chien a vraiment une sale gueule. Ouais. Non, mais t'as le droit de lui laver la bite avant ou pas? T'as le droit de lui laver la déjà, bite avant, bien sûr. Les, non, chiens, les bites de chien ressemblent à des mains de grand-mère qui pointent. On est sur quelque chose de réaliste, hein, de concret, de quotidien. C'est sucer un chien qui t'a champouiné ou alors manger un steak d'humain qui a été préparé. Champouiné. Moi, je préfère manger le steak d'humain préparé. Hein. Ouais, et bah beaucoup d'hommes répondent ça, mais ouais, je sais pas, je pense que je préfère faire. Je suis vegan, donc aucun des deux ne. J'ai le droit, quoi. Est-ce qu'on a vu. Faut que tu te décides. Quoi? Vegan, t'as le droit de sucer une bah non, chien. Et tu sais que tu peux pas avoir le consentement alors, du FYI. Chien quoi. Tu sais que selon les critères que je détermine en tant que poseur de questions, il faut aller jusqu'au bout avec, sûr, avec Minou, mais t'es pas forcément obligé d'avaler sa semence. Oui, mais, ah, mais on doit avaler le steak de Tintin. Non, mais en fait, c'est juste on dès lors qu'il ne peut pas avoir le consentement du chien, ça relève de l'exploitation animale. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais est-ce que le tenir en laisse n'est pas déjà ne pas avoir le consentement du chien? Ah, messieurs les gauchos. La gauchiasse là. Je savais pas quoi répondre. Est-ce qu'on a vu Jeff Panaclock la BD? Ouais. Attends, une BD sur un ventriloque? Mais bien sûr. Bah, c'est une BD sur un ventriloque. Mais bien sûr. Et donc en fait le mec il parle mais la bulle elle parle de marionnette. Je vous rappelle qu'il y a une BD sur MSN. C'était la deuxième partie de ma blague, c'est où tu mets la bulle. Où est-ce qu'il y a Et ça existe ou pas? Moi je dis non. Si. Ça existe, c'est ça. Mais bien sûr. Et en fait, il voyage dans le temps. C'est Jeff. C'est alors qu'il n'y a pas eu de BD sur Tataillé, par exemple. C'est non, vrai. Il n'avait pas assez de buzz aussi. Vraiment? Il n'avait pas le buzz. Jeff et Jean-Marc débarquent dans une bande dessinée aux gags improbables qui vous feront voyager dans le temps et dans les plus grands succès de la pop culture. Qui a sauvé le Titanic? Qui a créé le monde? Qui a volé l'orange? Toutes ces questions dans cette BD loufoque, au pitch. Et là, j'adore, parce qu'en fait, il se déprécie. Toutes ces questions dans cette BD loufoque au pitch très ringard. Mais c'est trop bizarre. C'est l'éditeur, hein. C'est pas. Ah ouais, mais ça c'est Jean-Marc. Cela dit, t'as déjà vu sur scène Panaclock ou pas? Ouais. Parce qu'il fait des blagues sur le fait qu'il est ventriloque, donc il est oui, ringard. Oui, donc c'est peut-être ça. Oui, ça joue Jean-Marc sème le trouble et Jeff récolte tout le reste. Et la fin, ça finit sur allez, bisous. C'est un tweet. C'est une stagiaire qui a écrit le CP, hein. Allez, vous faire foutre. Allez, je vous emmerde. Et enfin, pour terminer, est-ce qu'on a vu une BD sur Jean-Pierre Coff? Oui, ouais, oh bah oui. Plusieurs, bien effectivement, sûr. Où il apprenait aux enfants, donc c'est plutôt à mon délire, l'amour de la nourriture. Et bon, là, le texte c'est « Goûtez-moi cette BD, elle est tendre, elle est fraîche, elle a du corps, du trait de caractère, elle donne envie d'être lue, voilà une BD comme on aime en manger. » Voilà ce que c'est mieux, si tu peux le lire. Moi, j'en mange pas. Mais... Moi, je mange pas de BD. Non. À part si c'est. Tu sais, t'aurais pu creuser plus. Sauf si t'es un dinde. Ou si t'es un chien. Dans la BD de merde. J'y suis allé doucement, j'y suis allé un peu dans les trucs un peu plus. Les trucs qui m'ont surpris. Bah, après, effectivement, il y a tous les trucs de métier. Il y a les toubibs, les gendarmes, les rugbyman, les footballeurs. Il y a une BD des L5. Ah ouais. Je connais pas. Parce que je l'avais vu. Je l'avais écrit. C'est moi l'auteur. Non, mais je crois que je suis allé seulement deux fois au Festival d'Angoulême. Et une fois, j'avais vu la BD des L5. Et pareil, c'était un peu le même délire que Touche pas mon poste. C'était vraiment un mec qui avait spontanément dit eh ben, une BD sur les L5. Et c'était vraiment très laid. Le coloriage est étrange. Bah, c'est-à-dire que c'est de l'aquarelle où il mettait des grains de sel pour que ça fasse des... Vraiment horrible, vraiment affreux. Et j'ai rajouté un halo. Ouais. Et c'était vraiment très difficile. Je suis allé à la gouache par un enfant. À la bouche. Je suis allé au Mucem il y a pas longtemps. J'ai pris la photo de c'était une petite planche. Alors c'est une exposition qui est très bien à Marseille, comme quoi je voyage. sur les romans photos, et ça commençait par les prémices de leurs romans photos. C'est très concrètement une bande dessinée avec des images dessinées, et des dessins. Et ça s'appelle Les Amours malheureuses de Pierre Guignolet et de Fifine Mist en flûte. Et je trouve qu'on ne fait plus assez de titres. C'est vrai. À part Jean Doux, le mystère de c'est vrai. Molle. À la Bibi Fricotin. 1866. Mais t'as pas fait une story là-dessus? J'ai l'impression d'avoir lu. Je l'avais fait en story. Voilà. Parce que je trouve que Fifine Mist en flûte est un nom de personnage qui est absolument extraordinaire. De porno bizarre, ouais. T'as aussi les BD qui continuent et qui évoluent dans des trucs chelous. Enfin, tu sais, il y a un moment, t'avais Laurent Gérard qui écrivait des Lucky Luke. Nicolas Canteloup avait fait Is No Good. Et en fait, c'était une caricature un peu de Sarkozy. Il voulait être calife à la place du calife, le mec. Sarkozy, si tu veux dire. Sarkozy, pardon. Et moi, le truc récemment que j'ai vu qui était un peu chelou, c'est le petit Spirou qui fait de la Zumba. Ils ont sorti un... Vraiment, bien sûr, pour être un peu dans l'époque, mais il y a quelques années quand même. Bah, je crois qu'il est sorti au moment où la Zumba était à son paroxysme. Hein, donc voilà. Donc voilà, bah, écoutez, merci beaucoup pour ce petit jeu à la con. Dernier petit tour de table avant de se quitter. Donc PV, tes prochains trucs qu'on peut te voir, ou peut-être des trucs qui viennent de sortir. Écoute, je viens de sortir un album qui est disponible sur toutes les plateformes. Je prépare la tournée pour l'année prochaine et évidemment, je donne rendez-vous à tous ceux qui me suivent pour la fête de la musique, qui sera l'occasion de faire une petite expérience musicale sur le tube de l'été. Ah, très bien. C'est un rendez-vous chaque année. Oui, tu le fais un peu tous les années, ouais. Alors, le 21 juin, c'est et l'été et la fête de la musique. Alors, l'un dans l'autre, j'ai envie de te dire. Juste pour être sûr, la flûte à coulisses, c'est un nom définitif. Ouais, non, je te le dirais, comme tout le monde, c'est jusqu'au 31 juillet. Par mail, c'est en août, ouais. Ça marche. En fait, si t'as pas de nouvelles, c'est non. Dédo. Ok. Alors, plein de trucs, je vais essayer d'aller vite. Non, t'inquiète, c'est un podcast, on ne rend pas l'antenne. On peut aller plus vite que le départ. On ne rend pas l'antenne, c'est un podcast, c'est ça qui est fou. Moi, j'ai plein de projets qui sont assez cool. Je suis en tournée avec Les Insolents, qui est une troupe qu'on a montée avec d'autres potes comédiens, Pierre-Emmanuel Barry, Blanche Gardin, Antoine Chomsky, Émeric Lompré, Bruno Hussler. Et Tex. Et Tex, qui est le, l'instigateur de ce mouvement-là. Qui est venu juste faire des blagues sur les femmes battues. Et qui cartonne. Ah, bah, il ramasse, hein, il ramasse. Hein, ça. Il y a ça. On est en train de roder un nouveau spectacle musical qui s'appelle Les Princesses Leia. C'est très bien. Qui est une sorte de merci, Shorty. Qui est une sorte de comédie musicale autour du métal très, très bête. Où, en gros, je suis au chant. C'est une vraie configuration de concert. C'est-à-dire, je suis au chant, Antoine Chomsky a la guitare, il y a une bassiste et un batteur. Et en gros, le pitch général, c'est le père de Chomsky a gagné l'Eurovision en 82. Pour de vrai ou non, non. Ah. On aurait aimé, mais non, on est en train d'essayer d'avoir le mec pour avoir les droits. D'accord, okay. C'est un Suédois. Et donc, son père a envie de faire la musique, son père lui dit non. Et il a quand même envie de monter un groupe et il est dans la pop transcendantale et personne ne veut le calculer jusqu'à ce que moi je lui dise ok, mais si on fait du métal, et il se passe plein de choses autour. C'est de une ça. Occasion unique de voir Dedo chanter du Vianney. C'est vrai. Et pour les biens, on n'a pas besoin d'en dire plus. Pour les biens de l'histoire, malheureusement, je suis obligé de le faire. Et je capte mon spectacle solo en fin d'année à Paris, on ne sait pas encore où. Et je sors une BD chez Delcourt en début d'année prochaine que j'ai écrite et dialoguée. C'est tout, je ne sais pas dessiner du tout. Rien à voir avec Bigard. Non, pas du tout. C'est une histoire originale. T'as pris le dessinateur. C'est quelqu'un qui s'appelle Felipe Weldon, qui est un nouveau dessinateur en fait. C'est sa première BD. Il a été recruté pour la première fois chez Delcourt sur planche. Il a envoyé des planches et ils ont dit putain c'est cool. Mais c'est le mec de TPMP. C'est le mec de TPMP. Avec un autre nom donc c'est bon. Et là il m'a feinté sur le coup donc j'ai rien dit. Tu t'es fait avoir. Et donc ouais c'est une histoire c'est un peu de ce que faisait ici Comics le côté de Tales from the Crypt, The Vault, qui est donc une histoire fantastique matinée d'humour noir. Ah cool. Voilà. Matinée jolie. Matinée. Ouais. Très bien, je rappelle que la caisse est derrière toi. Putain, qu'est-ce que t'attends? Allez, pour l'acheter? Allez, pêche-toi, mon petit bonhomme. De... Putain, mais je vais mettre ça dans les argus de tous mes livres. Pénélope. Alors moi, j'ai pas d'actualité, donc... Mais toujours en vente. Toujours voilà. En vente, ça, oui, toujours présente. Ah, c'est ça que j'ai oublié. Le point levé. J'ai oublié de te lancer là-dessus parce qu'on parle de Bigard. Moi, je t'avais vu une fois dans On n'est pas couché et j'avais trouvé t'avais ça... T'avais envie de me remettre une médaille ou pas? Franchement, j'avais surtout envie de te féliciter parce que j'ai trouvé ça génial. Même le moi, sang-froid. Bah bravo, parce que pour les gens qui connaissent pas, donc Pénélope a présenté Culotté dans On n'est pas couché. Est-ce que déjà, je me souviens plus, t'es en fin d'émission, j'imagine, normalement, dès qu'il y a des trucs. C'est le moment des snipers. Voilà, ouais, c'est ça. C'est le petit quart d'heure de la fin. C'est le petit quart d'heure et j'étais de effectivement la fin. Entre Jean-Marie Bigard et Yann Moix. Alors, je pense ouais. Que rien que pour ça, ah, oui. Et surtout, pour parler féminisme. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai adoré, c'est-à-dire que Laurent Ruquier a tenté un parallèle audacieux. Puisque Pénélope venait présenter Culotté et Jean-Marie Bigard venait de faire un Mel spectacle Paquet. Qui s'appelait Nous les femmes, oh, putain, où il merde. Était déguisé en femme. Non, oui, je comme me souviens il disait lui-même, j'aime tellement les gonzesses que je me suis habillé en gonzesse. Oh, ben merde. Avec une perruque. Et Laurent tentait des petits parallèles entre Pénélope et Jean-Marie, ouais. Et voilà, ça m'a joli fait moment. Crever de rire. Et en même temps, j'avais beaucoup de respect. Je te raconterai après si tu veux ah, aussi mais tout le off de... Oh. du maquillage. Tout m'intéresse, parce que les gens qui connaissent l'émission savent qu'on a une... On adore Jean-Marie Bigard. On a un truc avec Jean-Marie Bigard. On a fait un jeu le qui est jeu devenu du un peu Jean-Marie culte. Bigard. Et puis moi, je l'ai découvert ce soir-là et je t'avoue qu'on a vraiment passé un joli moment. Oh, putain de merde. Ah, est-ce que ton décelleur d'ironie a sonné là là, il a. Ouais, ah, mais il a j'arrive pris, vraiment il a crié, pas à ouais. sentir ce truc. Il a pris feu. Donc, mais des petits projets du coup qui. Non, voilà. Qu'est-ce que j'ai comme projet? C'est pas des projets, c'est des queues de comètes de projets. Il y a les culottés qui sortent en poche à la rentrée. D'accord, oh, cool. Donc en petit format, 5 euros dans les gares, tout ça. Formidable. Trop bien. C'est cool. Normalement, il y a le dessin animé qui sera prêt à la rentrée aussi. Du coup, un dessin animé aussi Oui, avec France Télévisions, qui fait des formats de 3 minutes 30 en... Sur chaque personnage, en fait. Tout à fait. En access prime time. Oui. Trop bien. Voilà. Donc, normalement, j'ai vu quelques épisodes et ils seront tous finis pour la rentrée. Et, sinon... et c'est Jean-Marie Bigard qui fait les voix, d'ailleurs. Ouais. Et donc, il imite les voix de femmes. Donc, c'est rigolo parce qu'il fait la gonzesse, tu vois. Il fait « Oui !»« Salut, j'ai Frida Kahlo !» Ok, Jean-Marie, arrête. C'est la première fois. Attends, on peut se marrer, ça va. Des proches, il aurait pu le faire, mais là, c'est terminé. C'est la première fois que tes dessins, ils sont mis en... Animé. Ouais, en fait. C'est trop bien. En tout cas, de manière validée par moi, ouais. On parle pas de plagiat. Et sinon, moi, je bosse sur plein de trucs, mais qui sont des process tellement longs que refaisons l'émission dans 2 ans et je te dirai où ça en est. C'est quoi? Juste process, c'est processus. Oui, oui, bien sûr. Bah, merci beaucoup. C'est si long faire des livres. Adrien. C'est pas comme faire un spectacle. Là, ouais. qui prend 2 minutes. Hein, qui prend pas mot. 2 minutes, ça va. Maximum. Adrien Méniel. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui va sortir. Ouais, bah donc le projet avec Jérôme Niel qu'on a enfin bouclé, validé, verrouillé avant-hier et on a. Tu peux dire le nom et tout là, ça sort. Ouais, mais je laisse pardon, faire. Tu teases, pardon. Non, et justement en parlant de teaser, on a fini de monter le teaser aujourd'hui là et on est vraiment trop content et je sais pas quand va sortir l'émission, mais je pense que peu de temps après ou peu de temps avant le teaser sera diffusé. sur les réseaux. Et le truc en question, en gros, s'appelle Phantom Force. Et c'est avec c'est Jérôme. Déjà un très bon nom. On a voulu faire pas une parodie, mais plus un hommage aux séries des années 90. J'ai une question. Est-ce que Phantom s'écrit PH ? Bien sûr. Ok, merci. Voici le logo. Attends, voilà, le logo de Phantom Force. Ah, visuellement, c'est plein voilà. De couleurs. Il se passe plein de choses. Voilà. Ouais, et en gros, faire un hommage aux séries des années 90 comme Le Rebelle, Code Quantum et tout ça. Et du coup, on a vraiment créé une fausse série. On a vraiment fait un épisode, mais c'est pas une parodie. Il y a pas des gags. On n'utilise pas les coques pour faire des gags. On a vraiment fait une série comme à l'époque, qu'on a tourné en anglais, doublé en français par d'autres gens que nous, parce qu'on joue dedans, mais c'est pas nous qui faisons nos voix. D'accord. C'est en 4/3. C'est vraiment, on a voulu faire comme si on a oublié une VHS dans un tiroir et on la ressort, on fait putain c'est quoi ce truc, et tu vois une série des années 90 que t'as jamais vu quoi. Et avec tout le côté, on s'est amusé à vraiment écrire les dialogues en français, mais avec tout ce que ça impliquait à l'époque, c'est-à-dire c'est un peu mal traduit, donc des fois la formulation est un peu bizarre, même le phrasé est bizarre parce que c'est pas pareil en anglais et tout. Et on est vraiment trop contents. Donc c'est un épisode de 24 minutes d'une fausse série des années 90. Et ça sort le 25 mai sur Canal Plus décalé. Et a priori en septembre sur YouTube, malheureusement, c'est très. Et vous n'avez pas besoin d'être devant votre télé si vous avez MyCanal, par exemple. Je voilà. Que vous n'êtes pas nombreux. Mais si vous avez MyCanal, vous pouvez regarder ou ça un ami, peu quand vous un voulez. Ami qui a MyCanal. Voilà. Est-ce qu'il y a Reno Reigns dans la série je veux pas trop. Je veux pas trop penser. Est-ce qu'il y a Reno Reigns dans la série ? Il n'y a pas Reno Reigns, mais il y a Lorenzo Lamas dans les remerciements. J'avais demandé s'il y avait Lorenzo Lamas. Non. Bah, c'est un peu Jérôme qui fait Lorenzo ouais. Lamas. Et, bah, qui est d'ailleurs le Lorenzo Lamas français. C'est un peu Lorenzo Lamas. Là, pour le coup. C'est vrai, c'est non, ouais. Bah, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le petit prince du rebelle. Et voilà, on est trop contents. On a tourné ça en Espagne, en Andalousie, parce que en fait, c'est une ville ouais. qui s'appelle Almeria, où il y a plein de tournages. Dès qu'on veut faire. En fait, tous les westerns de Sergio Leone étaient tournés là-bas. Parce qu'en fait, il y a un désert qui ressemble au désert américain. Il y a désert un américain. Décor, non, avec une ouais, supérette. Oui, là où il y a eu Black Mirror, Mirror ouais. l'épisode, je ne sais pas si vous avez vu Black Museum, l'épisode, il y a une espèce, là où elle arrive avec sa voiture, là, on a tourné à cet endroit-là. Dans ce même endroit, voilà. Donc il y a une scène de baston, là, vraiment, là, trop devant bien. Le truc, on est trop contents. Et vraiment, ça s'est trop bien passé du début à la fin, et on est trop contents, ça sort bientôt. Et voilà. On peut le dire, Jérôme Niel a un mulet. Il a pas un mulet, mais il a les cheveux longs. Qui inclut le mulet. Voilà. Et moi, j'ai le crâne, j'ai la coupe rasée militaire avec une moustache. J'ai vu passer voilà. des trucs. Donc, on a des bonnes dégâts. Toi, t'es déguisé en flic ? Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Et puis, pour ma part, on vient de sortir Mac Walter 3, écrit par Vincent Tirel et Mr. V, Yvick Le Texier, que j'ai réalisé. Et moi, toujours dans ce cadre des cartes blanches comme Adrien, j'ai écrit et réalisé un faux documentaire qui s'appelle Églandine, qui est un personnage de Natou. Voilà, ça rigole un peu de. Moi, je le vends souvent comme une sorte de Zoolander, mais sur les youtubeuses beauté, avec un peu aussi saupoudré de Wayne's World sur le côté meuf qui fait son truc dans son coin et d'un coup ça prend des proportions qui la dépassent un peu, mais quand même Zoolander parce qu'elle est quand même purement débile et c'est très très plaisant d'écrire une meuf. C'est un peu les blondes, on peut le dire. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais elle m'a laissé carte blanche. J'ai vraiment pu écrire ce que je voulais. Et je pense que voilà. En tout cas, je suis très content. Ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire ce truc-là. Et dans un autre délire, Sydney, qui est un peu plus normal, même s'il y a quand même une meuf enceinte qui fait du rap, avec Alison Wheeler, que j'ai coécrit avec Alison Wheeler et qui pareil est dans les cartes blanches. Donc normalement, si vous avez MyCanal, vous pouvez les voir. Et si vous n'avez pas MyCanal, ça devrait sortir en septembre. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tes projets sont jubilatoires, mais toujours plein de tendresse ? On a tenté. Ouais. On a tenté même sur la Glandine, qui est vraiment très très conne. On a tenté d'être un peu touchant à la fin. C'est pour ça que les gens ont toujours préféré Wax. Non, mais je sais. Sur ces belles paroles, on va se quitter. Merci à tous pour ce long enregistrement. À très bientôt et au revoir tout le monde. Au bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Elle a ses lettres de noblesse, Hiroshima et Buchenwald. Elle est la tronçonneuse qui laisse le baiser rouge du métal. Elle est le cancer, la chaux vive. Elle blanchit cheveux et squelettes.